C'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Police nationale, bonjour. Ouais, bonjour, c'est Mickaël, vous êtes en direct sur Fun Radio, la police. Oh, je suis à la radio là. Ouais, ouais, parce qu'on a un auditeur, il y a Jordan qui a deux jeux vidéo interdits au moins de 18 ans et il joue avec. Il a des jeux interdits au moins de 18 ans, ça va pas être possible ça, monsieur. Hein. Exactement, il on est en Corrèze. Jordan, c'est quoi ton adresse? Yanni. Oh, l'autre, il se fout pas de la gueule du monde. C'est rue des Mythos. Voilà. Bonsoir, Gado. Hey. Tu t'appelles comment? Gado. G-A-D-O. Ouais. T'as reçu un Gado Noël ou pas? C'est drôle ça, dis donc. Mickaël, nos limites, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Eh oui, bonsoir tout le monde, il est 20h sur Fun Radio. Bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bon, si vous n'êtes pas là de la semaine, là, si vous n'étiez pas là de la semaine, j'ai oublié un mot, vous ne le savez peut-être pas encore, mais on fait l'intérim hein, pendant les vacances, 20h minuit, ne vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre la semaine prochaine, enfin presque, hein, puisque la semaine prochaine, c'est nous qui allons prendre quelques petits jours. Ah, ouais. Bon, quelques jours. Ouais. Bon, évidemment, on va se prendre des jours au soleil, enfin Toff surtout. Hein. Ah bah oui, oh là là, ah, Toff qui part quand même à Dilbeek. Dilbeek, à la maison de campagne, pour ceux qui ne voient pas où c'est. Juste à côté de Bruxelles, c'est du côté flamand à la maison. C'est et ça, voilà. Pour ceux qui connaissent le foot, hein, et bon, mais à une grande époque, hein, maintenant oui, c'est un peu de la merde, mais c'est juste à côté d'Anderlecht. Voilà, c'est juste ça. À côté du stade. Voilà, c'est ça, voilà. En gros, c'est pas loin. Donc il part là-bas en maison de campagne. De repos avec les vieux. En retraite. Voilà, il part en retraite. Bon, et bien, maman, j'arrive. Mais oui, mais oui, mais oui. Bon, du coup, on va prendre quelques jours. On va également accueillir Maëva qui est avec nous maintenant de Toulon. Salut Maëva. Salut Mickaël. Comment vas-tu Maëva? Ça va Yvon? Bah écoute, ma foi plutôt pas mal Maëva, tranquillement. La journée fut bonne, la journée fut belle. Et toi t'as fait quoi? T'es en congé déjà ou pas toi? Ouais moi je suis en vacances, ça y est. T'es en vacances, ça y est? Bah très bien, attends, profite, tu vas faire quoi des vacances là? Ben je vais à la Port Aventura. D'accord, ok, ah, ça c'est va, bon, ça. Tranquille. Ouais ouais c'est bien, ouais, c'est pas mal. Bon, et bah du coup tu voulais nous appeler, tu nous appelles pourquoi toi du coup? Dis-moi Maëva. Que je voulais être hindou. À toi aussi. Eh, tous les soirs on démarre l'émission avec ça dorénavant là. Hop là c'est parti en mode en mode doux. Car oui on peut le faire également pour les filles hein, c'est totalement possible. Alors attention. Pas de ségrégation je dans rappelle l'armée que, des doux. Je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué. C'est ça exactement. Comment t'appelles-tu? Allô? Oui. Quel est ton prénom? Maëva. Maëva, en tant que grand général des doux et de l'armée des doux, je vais essayer de t'adouber. Es-tu prête? T'adouber. Oui. Mets-toi à genoux. C'est bon. Maëva, insulte-toi mais correctement avec des insultes. Insulte-toi correctement. C'est ça, on y va. Allez. Arrose-toi mais te mouille pas. C'est ça. Allez Maëva. C'est une salope. Non, pas de vulgarité. Maëva, est-ce que tu as ton téléphone dans ta main? Je suis une ça suffit, ça ah oui, suffit. Oui, encore dedans, elle est restée bloquée. Ça suffit. Elle. Prends ton téléphone et tape-le-toi sur la tête. Pas plus, plus fort, là, on entend rien. Aïe. Ah oui, ça marche. Maëva, en tant que grand maître des doux, tu deviens une douce, bravo. Eh bravo. Bienvenue dans l'armée des doux. Et ton surnom, car je vous rebaptise tous, tu es la chèvre qui pique. La chèvre qui pique, très bien. Et bah voilà, bah, bienvenue dans la communauté en tout cas. Merci. Bah avec plaisir, bah du coup grâce à ça tu peux passer deux dédicaces si tu veux. Vas-y, vas-y, à deux personnes. Si t'en as deux. Brandon, qui est fan de vous. D'accord, et bon, on l'embrasse. À ma sœur. Ok, et eh ben voilà, message passé, sans problème. Et eh ben merci Maëva, et tu reviens quand tu veux. T'as envie d'écouter un son en particulier ce soir là? Oui, Rebelle. Rebelle, ah bah, très bien. Bon, en même temps, il est passé il y a quelques secondes là. Donc, on va te le mettre avant la fin de l'émission si tu veux, y a pas de problème. Bon, sinon, j'ai Avicii, ça te branche? Le nouveau, ouais, j'adore. Oh, je l'adore. Merci. Oh, il est énorme. Lay Me Down. Et puis aussi le son que Katy Perry a fait pour moi pour mon anniversaire, c'était samedi. Hein. Oh. Ah ouais, Katy Perry avec Birdie. Et encore un son que j'aime bien qui va nous permettre de chiller. Mr. Probs avec Waves. On va se mettre bien aussi. Ça va, le programme te plaît Maëva ou t'as envie d'écouter encore un truc en plus à part Black Pearl? Non, ça va, ça me va. Bon, ben écoute, j'ai envie de dire tant mieux. Alors c'est impeccable. Maëva, je te souhaite une bonne soirée, je te fais des gros bisous et tu reviens quand tu veux, d'accord? Merci. Salut, je t'embrasse, à bientôt. Salut. Salut à toi. Bon, et puis on va saluer également Toff. C'est vrai qu'il a parlé, on n'a même pas encore dit bonjour. Si vous ne nous connaissez pas, eh bien, il y a Sandro, hein, la bombe latina qui décroche le téléphone. Ah bah c'est gentil, qu'est-ce que c'est ? Profisant, hein, c'est parce qu'il a fait au soleil aujourd'hui, c'est pour ça. Voilà, c'est la bombe. C'est la bombe parce que. Parce que ça explose à un moment donné, c'est tellement gros. Voilà, il y a Toff, hein, je vais rester dans la gentillesse. Toff, le beau gosse, hyper ouvert, plein d'amis. C'est vraiment un pauvre mongol. Voilà, vraiment, il appelle directement, les gens sont là et ouvert alors à lui répondre. C'est une merde. Voilà, donc en pleine forme ce soir. Mais toujours, toujours. Voilà. Et puis Polo, le sportif, un grand sportif qui dirige l'armée des Doux. C'est vrai. De main de fer, comme on l'a pu le remarquer il y a quelques instants. Et on accueille également Michel avec nous, là, de Vitrimont en Meurthe-et-Moselle. Salut Mimich. Salut Mickaël, comment vous allez ? Eh ben écoute, très bien. Tu le vis pas mal, toi, que je prenne le pseudo Michel quand je fais les canulars ? Non, du tout, du tout, j'aime bien. Non, ça va alors. Non, parce qu'il y en a qui, pourraient mal le vivre. C'est vrai. Tu vois, non, c'est... j'ai remarqué que ça fait quelque temps que tu le prends souvent. Le ah, mais tout le temps, mais ça fait des années que je prends Michel pour faire le nom du relou. Mais voilà, c'est après. Bien. Mais parce qu'il y en a plein qui disent ouais, c'est quoi ton nom de merde là ? Ah, ton prénom de grand-père, c'est quoi là ? Je t'emmerde. Donc du coup, je me dis putain, les Michel, en fait, ils doivent peut-être mal le vivre en fin de compte. Mais bon. Bon, Michel. Non, Michel, sois le bienvenu. Tiens, t'as une meuf, Michel, ou pas toi ? Oui. Elle a quel âge ? Elle a 26 ans. Elle a 26. Eu 26 ans le 20 avril. Oh, un jour après toi. Un jour après moi, elle est magnifique. Ah, bon, oui. et je te dis ça parce que ce soir, bon, vous vous souvenez, il y a deux jours, on a reçu la team Playboy qui est passée nous voir dans l'émission. Il y a d'ailleurs la vidéo sur la chaîne YouTube de l'émission. Il suffit de taper Mickaël officiel pour aller la voir. Attention, interdit aux doux. Ah, interdit oui. aux moins de 18 ans parce qu'il y a des trucs dégueulasses à l'intérieur de cette vidéo. Donc je compte sur vous pour ne pas aller la voir si vous ne pouvez pas, évidemment, aller la voir. En tout cas, il y a bien marqué moins de 18, il y a le lapin Playboy. Donc voilà, méfiez-vous quand même. Et puis je rappelle également donc que bah, ces charmantes team Playboy est donc passée nous voir et nous déposer des œufs en chocolat pour Pâques, tout simplement. Donc voilà, pépère. Et comme là, ils ont sorti une version, des versions sous-vêtements Playboy, eh bien, on va vous en offrir. J'ai mis la photo de ce qu'on offre. Il y a pour les filles, c'est super mignon. Il y a deux petites culottes très sexy Playboy rose. Et puis il y a aussi les boxers pour les mecs, hein, bien sûr. Alors évidemment, ça ne va pas à tout le monde. Vous pouvez le voir dans la vidéo. Hein. C'est-à-dire que c'est super beau, mais le problème c'est que ça ne va pas à tout le monde. Voilà. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Bah moi non plus. Surtout que Polo et Toff, qui en ont reçu comme deux crevards, on les a mis aujourd'hui. Ils sont arrivés fiers comme des... Ah bah on est bien, hein, on est bien mis dedans et tout, c'est bien. Bon, à part la couleur, pour moi, c'est un peu trop. Comment dirais-je ? Un peu trop coloré, parce que bon, Polo c'est noir tout le temps. Hein, donc voilà. Bah moi non, c'est bien, c'est bleu, c'est top. Bon, je disais ça du coup, peut-être Michel pour toi tout à l'heure, un petit sous-vêtement pour toi, donc deux boxers Playboy. Et puis pour ta copine, les deux petites culottes très sexy en rose. Voilà. Bon. En attendant, toi, t'es là pour choper les 200 euros en bon d'achat. Ce qui est sympa aussi dans l'idée. Pour ça, il faut que tu balances la colle et surtout que les auditeurs ne trouvent pas la bonne réponse pour que tu puisses gagner. Les auditeurs doivent trouver, évidemment, pour gagner. Alors, vas-y, fais péter, Michel. Fais péter la colle de ce soir. Allez, c'est parti. Où trouve-t-on des rivières sans eau, des forêts sans arbres et des villes sans maisons ? Alors, où trouve-t-on des rivières sans eau, des forêts sans arbres et des villes sans maisons ? C'est bien ça ? C'est bien ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS, au 6322 depuis la Belgique. Et dans quelques secondes, je vous mets la colle sur le Facebook de l'émission. Vous allez pouvoir y répondre, hein, tout simplement. Et puis, si vous êtes tiré au sort d'ici 22h, eh bien, vous repartirez avec les 200 euros en bons d'achat. Vous allez pouvoir les dépenser partout. Vous allez voir, ça va être la folie totale. Il suffit simplement de répondre à cette colle que je vous mets dans quelques secondes. Voilà. Alors, attendez deux petites secondes, là. Voilà. Là. Alors, allez-y, bonne chance. Vous allez sur facebook.com/mickaëlofficiel. Modification terminée. C'est parti, on publie facebook.com/mickaëlofficiel. Bonne chance. On te récupère plusieurs fois avant la fin de l'émission, Michel, d'accord ? D'accord, pas de soucis. Allez, reste avec nous, du coup. Tiens, t'aimes bien les parcs d'attractions, Michel, ou pas, toi ? Ah oui, j'adore. Moi. Ah, c'est quoi ton préféré ? Moi, mon préféré, c'est le parc Astérix. Le parc Astérix. Eh ben, je vous pose la question. Non, je vous pose la question parce qu'il y a un nouveau toboggan de la mort qui vient d'être inauguré. C'est un truc de dingue, de psychopathe. Il est pratiquement à la verticale. C'est quasiment une chute libre. C'est-à-dire que ça fait 19 mètres de haut. Et c'est une quasi chute libre dans un toboggan. Mais pourquoi ils ont mis un toboggan ? Parce qu'en fait, ça sert à rien. Fait juste un plongeoir, quoi. Ben, parce que du coup, tu glisses quand même un petit peu parce qu'il est pas vraiment à la verticale. Il est super léger, quoi. Vraiment super léger. Je vais vous mettre la photo sur le Facebook, vous allez voir, c'est de la folie. Et puis il y a aussi un mec qui veut battre le record du temps passé dans le bateau pirate. Voilà, faut juste pas avoir le mal de mer. C'est bien aussi. Donc venez nous dire les parcs d'attractions que vous kiffez, pourquoi, voilà, c'est lequel celui que vous préférez. Vous nous appelez, vous nous le dites. Je vais aussi mettre un petit post sur le Facebook pour voir un petit peu lesquels vous préférez. Donc toi c'est parc Astérix. Maëva la douce, c'est quoi ton parc d'attractions préféré, Maëva? Qu'est-ce qu'il fout? Je crois qu'elle a un message. Elle communique avec nous par nous, en morse. En morse. Maëva. Oui. T'écrivais un message ou quoi? Oui. Ah bah voilà. Bon, c'est quoi ton parc d'attractions préféré, toi, ma belle? C'est Port Aventura. Port Aventura. Bah oui, d'ailleurs, c'est pour ça que t'as dit que t'y allais. Bah oui. Ouais, c'est bah ça. Voilà. Et un petit toboggan de 19 mètres de haut avec une quasi chute libre dans la flotte, ça te branche? Ouais. Tu testerais carrément. Toi? Ah moi il y a un truc, j'y suis allé une fois, j'ai eu la bol. Décidément ce soir c'est dur. J'ai eu le bol de le voir mais jamais je le ferai. C'est la stratosphère à Las Vegas. Je sais pas si vous voyez, c'est un immeuble, qui est hyper haut. Qui ressemble à une soucoupe volante. Et tout en haut il y a une espèce de. Enfin, c'est pas un parc d'attraction, mais il y a une attraction. Sauf que c'est un truc qui tourne sur soi-même mais qui se trouve au-dessus du vide. Ouais. Oh là, putain, je peux non, pas. Non, mais c'est pire que ça, c'est que en fait, donc ça tourne, mais en plus, t'es lâché d'en haut, c'est-à-dire que t'es tout en haut, et après, l'espèce de petit chariot, il descend, et t'as l'impression que tu vas te jeter dans le vide, quoi. Ah ouais, non, je pourrais pas. Ah, moi, j'aime pas ce genre de truc, ça me donne envie de vomir. J'aime pas le vide, et enfin, c'est pas que j'aime pas le vide, c'est que j'aime pas quand ça tourne sur soi-même, parce que disons, après, je suis complètement out. Mais voilà, donc dites-nous quelle est votre attraction préférée, et surtout, quel est votre parc d'attraction préféré, les garçons et les filles, vous nous appelez. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a AXA 1070 sur le Facebook. Il dit Mickaël, c'est toi le playboy. Oh merci. Et il y a Toff, c'est la gay boy. Et là Frédéric Alba qui dit salut toute l'équipe, j'ai revu les photos, merci encore pour tout. Mais de rien Frédéric Alba, je rappelle qu'on a fait l'émission directe de chez Patrizio, le patron de la Frédéric Alba à Charleroi. C'était dimanche soir. Et le Club Med qui dit salut la famille. Et Toff, attention à ce que tu dis sur le Sporting Anderlecht. Ah mais bah oh là là, j'adore le Sporting d'Anderlecht. Bon, ils sont un peu mytheux quand même en ce moment. Non, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas la folie. Quoique, bon, enfin bon. Bon, Michel, on te récupère tout à l'heure pour la colle. Tu restes avec nous et puis on va s'écouter, bah comme promis, le son d'Avicii sur Fun Radio dans quelques secondes là. Lay me down. Et puis il y a encore du foot ce soir avec la demi-finale encore une fois avec le Real Madrid face au Bayern Munich. Comme hier, je vous tiendrai au jus évidemment pour les scores, mais rassurez-vous, ça ne commence que dans 30 petites minutes. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit en mode 20h minuit. Bienvenue à vous, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Qu'on est là toute la semaine de 20h à minuit sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et je vous l'avais promis au cœur d'une heure sans pub, maintenant le son d'Avicii, c'est Lay Me Down. Allez, bonne nuit tout le monde. Enfin, bonne nuit. L'habitude du 23h à 2h, c'est bonne nuit. Bonne soirée. Voilà, Avicii, c'est maintenant sur Fun. Eh ben je peux vous le dire, c'est mon morceau préféré qui passe sur Fun. Avicii avec Lay Me Down, celui que je préfère. Voilà, pas plus compliqué, Polo me rejoint sur le coup. Non, il est vraiment classe. Il est vraiment bien, voilà. Avicii, Lay Me Down, la version longue en plus. Là, Katy Perry aussi arrive dans un instant avec Birthday. Ça va arriver dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. Ce soir aussi, on va se faire le je t'emmerde. Ah oui, si vous voulez repartir avec vos appareils photo numériques, eh bien vous nous appelez maintenant au 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit. Sur Fun Radio. Et ouais, exact, il y a Ria d'ailleurs qui dit bonsoir l'équipe, j'aimerais bien un jour tester le Grand 8 du Port Aventura. Il est génial apparemment, sinon j'adore Disneyland et sa tour de la terreur, il est super. Il y a Fan de Fun qui dit après un bon bain, ça fait toujours du bien d'écouter Mickaël et sa team. La gros bisous à vous tous avec le hashtag Mickaël 20h minuit. Ah oui, n'oubliez pas de le mettre ce soir, on fera un top tweetos et on récompensera évidemment, on offrira un magnifique. Ah, ce soir on va pas faire le sextoy, ce soir on va faire une magnifique des magnifiques sous-vêtements. Ah, Playboy. Ils sont très classe. Ouais, deux boxers garçons. Et il y a deux petites culottes pour filles. Je peux dire, je les ai testées toute la journée, ils sont très confortables. Voilà, et il y a la photo d'ailleurs sur le Facebook pour aller voir. Donc si vous voulez gagner justement ça, à vous de jouer maintenant. Hashtag et Mickaël 20h minuit. Celui qui est le plus influent, donc celui qui balance le plus de messages avec son Twitter. Et en mettant évidemment le hashtag 20h minuit. Alors attention, 20h minuit, il faut l'écrire 20H00H. Voilà. Ouais. Donc hashtag et Mickaël 20h minuit. Et tout à l'heure, on verra quel est l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission. Il y a Guillaume qui dit salut, comme promis aujourd'hui je reste, j'écoute Mickaël sur Fun Radio, passe-moi le bonjour avec une petite compile de messages de bienvenue. Bah évidemment Guillaume. Ah mais toi tu mérites toi une belle bordée d'insultes. Allez, je vais t'en mettre. Bon à cette heure-ci, faut que je ne peux pas taper de n'importe lequel, évidemment. Ah, oui. Hein, c'est oui, ça c'est. Voilà. Non, pas celui-là. Celui-là. Je vais chier comme il faut, moi. Voilà, celui-là, ça va, ouais. Bâtard que tu es. Voilà, ça je peux aussi. Attends, qu'est-ce qu'il y en a d'autre aussi? Attends, je peux pas tous les mettre non plus. Il est encore tôt. C'est vrai qu'avant 22h30, normalement on peut pas mettre des trucs dégueulasses, sinon après on se fait taper sur les doigts. Mais, ah voilà, je pense que celui-là je peux le mettre. T'as vraiment une voix de tafiole hein, quand même. Hein. Voilà, Guillaume. Bon, il y a Lali aussi. Ça m'énerve, je gagne jamais rien. Je pourrais pas avoir un iPod Touch de consolation. Bah ouais, mais Lali, c'est comme moi au loto, tu vois, je joue aussi, pourtant je gagne jamais. Ah, y a Emily. Demande-leur un lot de consolation. Ah ouais, bah je vais leur demander 1 million. Bah oui, par rapport aux 100 millions qu'ils offrent dans l'euro million, c'est rien. C'est une consolation. Bah ouais, franchement, ils pourraient faire un effort. Émilie aussi, c'est quand que vous venez faire en direct depuis l'auditeur en Meurthe et Moselle? Je vous accueille ouvertement. Bah c'est gentil, Émilie. En même temps, on l'a fait il y a pas longtemps. Bah il y a pas longtemps, on l'a fait en octobre, on avait été à Nancy. Donc la prochaine étape, c'est au mois de mai. Alors on passe à Toulouse et puis on ira à Bagnols-sur-Cèze, tout près d'Avignon. On va faire l'émission là-bas en direct et on va bien se marrer, en tout cas je l'espère. Il y a Guigui également qui dit: je kiffe Playboy, j'ai même un tatou, je les veux, les sous-vêtements, appelez-moi, merci. Bah inscrivez-vous hein, facebook.com/mikaelofficiel, likez et partagez le post et on en appellera plusieurs ce soir pour vous offrir justement ces magnifiques dessous. Il y a Nicolas avec nous maintenant dans Gela. Salut Nico, comment tu vas? Ouh la merde, je me suis gouré. Ça va Nico? Bah tranquille. Tant mieux, bienvenue à toi. On va parler des parcs d'attractions, toi. Puisque ouais. Je voulais savoir quel était ton parc d'attractions préféré. Et quel est ce que tu fais dans le parc d'attractions qui est au top? Alors, j'ai mon parc d'attractions préféré, c'est Astérix. D'accord. J'y suis déjà allé, j'y retourne pour les vacances au mois de juin. Ouais. J'aime bien faire les montagnes russes pour les sensations fortes. Oh, moi je peux pas. À chaque fois que je fais ça, je suis malade. Et juste un truc, est-ce que tu te souviens, Toff, quand Mickaël, on avait fait le truc à Disney. Non, Rock'n'Roller Coaster. Je vous avais prévenu. Non, mais alors je vous explique. On fait une émission de radio en direct de Disney. Jusque-là, c'est cool. Tu vois, t'es content. Tu vas là, machin, Disney, sympa. Je sais pertinemment que quand je vais dans un truc où ça tourne sur soi-même, où tu sais, t'as des, comme dans les montagnes russes, où t'as des secousses assez fortes parce que t'es dans l'espèce de train qui prend des virages super secs, bah forcément t'as la tête qui part dans tous les sens. Et comme j'ai un problème avec mon oreille interne, tu vois, dès que je bouge trop vite ou quoi, ouais, j'ai la tête qui tourne, bah je savais que ça allait partir en catastrophe. Mais seulement ils me croyaient pas. Ouais, t'es une chochotte et tu veux pas, t'es un enculé, et baba, et baba, et baba. Bon, ok. Je leur ai dit, on va voir, allons-y. Je vais dans l'attraction. Bah après c'était une catastrophe. Hein. Je faisais l'émission, je sais même pas où j'étais. J'étais complètement à l'ouest, ouais. Je ne comprenais plus rien de ce qu'on me disait. J'arrivais plus à marcher droit, c'était une horreur. Une horreur. J'aimerais bien réparer ça, mais je sais pas comment on peut faire. Tu sais, même en voiture, j'ai un pote qui roule super bien. Et parfois il se fait des tours tout près de chez lui. Tu sais, je vais faire un tour avec lui. Ah. Il roule super bien, mais hyper sec et tout ça. Putain, je sors de là, j'ai envie de gerber quoi. Alors que quand je roule ça va, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui roule et que j'ai la tête, tu sais, qui bouge comme ça dans tous les sens, dans tous les sens, avec des coups secs comme ça, putain, ça. Surtout que tu respectes les limitations de vitesse et tout. Donc bien sûr. Tu vois, quand il y a une espèce de pression comme ça, c'est dur. Évidemment, c'est ça. Moi, je suis pas habitué de dépasser le 50, donc évidemment, dès qu'on arrive à 60, 80, c'est dur. Moi, je suis au bord de vomir là. Bah, j'ai le même problème avec l'autolib. Hein. Bah évidemment, voilà, c'est ça. Bon, et toi, t'as pas ce problème, Nico, toi? Ben non. Non, moi pas de soucis, puisque je roule en permanence, enfin pas ce soir, mais d'habitude je roule en Porsche. non, quand même pas, non. D'accord. Mais, non, là, je fais 600 à 700 km toutes les nuits, donc c'est une habitude maintenant. D'accord, ok, très bien. Bon, et donc du coup, bah allez-y, dites-nous les autres, appelez-nous, il y a Lohan qui dit « posez sur mes devoirs, mais vous êtes pour me motiver ». Ah bah écoute, tant mieux, Tom également qui dit « je suis content d'être un doux ». Eh bah tant mieux, Tom, libre antenne. Et alors il y a également Antoine avec nous d'Ajaccio, salut Antoine. Salut Mickaël. Tu veux insulter Toff ou pas? Non, ça va. Allez, non, ça va, il est top. Parce que tu sais qu'il est wanted en Corse, hein. Non mais nous on est gentil quand même, il peut venir. Mais quand oui, tu veux. Voilà. Ouais, enfin c'est pas ce que j'entends d'habitude quand on parle, quand il appelle les Corses, en règle générale, c'est pas vraiment ça qui ressort, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, on entend espèce de inculé comme ça, on entend des trucs comme ça. Ah, comme ça par exemple. Et moi je te dis que non, merde, c'est mauvais exemple, c'est pas celui-là. voilà, celui-là. Je t'emmerde gros PD, je vais te mettre une bombe dans le cul, je vais te faire sauter gros PD que tu es. Tu vois? Ah là ouais, on reconnaît bien on reconnaît pas mal. Quand ouais, même, c'est le top, c'est ça. Ah oui, c'est le top, effectivement. Bon, alors Antoine, toi, c'est quoi ton parc d'attraction préféré? Moi, c'est Mirabilandia, le deuxième parc d'Italie. C'est quoi? Je connais pas. Vous connaissez pas, mais il est génial. Il y a quatre attractions à sensations, il est fantastique ce parc. Et c'est quoi le nom? Mirabilandia. Mirabilandia. Et donc, c'est en Italie, ouais. C'est où? C'est à côté de Ravenne. D'accord, Mirabilandia, ouais, je connaissais pas, tiens, je sais qu'il y en a un qui déchire tout, j'ai jamais été, mais en Allemagne. Ouais, il paraît que. Enfin, non, mais ça sert à rien d'aller là-bas. Non, c'est bah, c'est que bien. Des trucs que tu détestes. Mais non, mais si, mais je mangerai une glace. Ah ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est Movie World ou un truc comme ça, non? Non, je sais pas comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Bah, on va y aller, hein, c'est Europa Park. Non, Europa Park, voilà, exact, Movie World. Mais si, Europa Park comme ça avant. Ah d'accord, Europa Park, ouais. Ben non, je vais pas là-bas, moi. Ah, mais on les fait pas. Non, mais je veux bien y aller, moi. On va là, on mange un petit verre. On boit un petit verre, on mange une glace. Et on envoie Toff avec plein de GoPro qui teste voilà, tout. Voilà, là je suis d'accord. Bon, et donc Antoine, tu y vas souvent parce que bon, malgré tout, pas facile d'aller de l'île de Beauté à l'Italie, hein. Ouais, non, j'y suis allé 2-3 fois avec mes gosses et je te jure, il y a une attraction, il s'appelle Light Speed, tu passes de 0 à 100 en 4 secondes. Oh, okay, Michael, il adorera. Ah, je pourrais pas. Violence. Tu sais que même au karting. Même quand je fais du karting, je ressors de là pas bien parce que ça bouge, il y a des à-coups trop durs à cause de cette putain d'oreille interne. Je pense qu'il y a aussi les odeurs de d'essence. Il y a aussi les odeurs de enfin pas d'essence mais de merde de si. Pas échappant quoi. Ouais, bah ouais. C'est le kérosène. Non, bah oui, du kérosène. Bah oui. La main qui met du kérosène dans le karting, ça, ouais, tu vas voir. Attends, tu vas voir, il va péter. Ah bah là tu finis premier hein, dans là, le mur au moins, mais il va avancer. Ouais ouais, tu parles, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, donc bah, merci beaucoup Nicolas et Antoine d'avoir appelé hein. Vous revenez quand vous voulez. Ouais, Antoine. Une dédicace à mes enfants. Évidemment, en tant qu'en Corse, toi c'est open bar, tu fais toute la dédicace que tu veux jusqu'à minuit même. Ok, alors juste un gros bisou à mes fils Julien et Fabien et voilà, je les aime très très vas-y, fort. Vas-y, continue, Vas-y encore, t'as pas de la famille Non, mais moi il n'y a que mes enfants qui comptent, le reste ça compte pas. D'accord, oh, okay, refais-la à tes enfants pour être sûr. Allez, et bonne continuation à tous, vous êtes vraiment géniaux. Refais encore une fois pour tes enfants. Ça nous fait plaisir, on aime les Corses. Voilà, aime. Un gros bisou à mes enfants, puis à toute l'équipe de Fun, et restez comme ça, vous êtes vraiment géniaux, et c'est vraiment, vraiment, vraiment au top. Eh ben, merci beaucoup, et vive la Corse! Vive la Corse! Vive la Corse libre! Vive la Corse! Vive Mouvrini! Salut Antoine! Nicolas, tu voulais dire un truc? Ouais, une petite dédicace à toi, à une personne, hein, toi t'es pas Corse, donc t'en fais une seule personne, ouais, parce qu'on a pas peur de toi. Une dédicace à vous, ce sera pas mal, et puis je peux balancer mon petit Twitter à l'antenne. Bon bah vas-y, alors on te retrouve. Bah, @ Intardeur, Intardeur, et puis je suis là tous les soirs, comme d'hab. Eh bah très bien, bah ouais, effectivement, tout à fait. Et d'ailleurs, tu m'as fait un like, enfin, m'as fait un follow, et je t'ai suivi aussi, me semble-t-il. Hein. C'est ça, y a pas de soucis, voilà. Bah, comme tous les autres. Eh bah, merci à toi, Nico, à bientôt. Bah, bonne soirée à vous, et puis bah, moi je reste à l'écoute. Hein. Eh bah, j'espère bien. Salut Nico, ciao à toi. Merci, allez, salut. À bientôt, ciao. Et puis je rappelle que tous les autres, si vous voulez me suivre sur le Twitter et sur l'Instagram de l'émission, il suffit de taper MIKL officiel. Et puis si vous me suivez, je vous suivrai aussi. Voilà, il n'y a pas de problème, je le fais depuis le début. C'est comme ça, il n'y a pas de soucis. Comme ça, on se suit mutuellement. Vous voyez ce que je fais de mes journées, moi je vois ce que vous faites des vôtres. Et puis voilà. Et je tiens à rappeler, parce que Mickaël n'aime pas le dire, mais il follow les filles par derrière. Oui, toujours, évidemment, c'est ça, une bonne poignée de main pour les garçons, ouais. Et puis un petit follow par l'arrière, bien entendu. Sinon, j'ai une bonne nouvelle pour les fans de nudisme. Ah, et vous allez pouvoir visiter Berlin à poil. Ah, c'est bon, ça. Il y a la ville qui vient d'autoriser le nudisme dans la ville. Ah, bon. Alors voilà une bonne nouvelle. Bah, comme j'ai vu l'info, je me suis dit que ça pourrait être un bon sujet pour appeler les gens afin de voir si ils allaient se balader à poil ou si, est-ce qu'ils se baladent à poil en règle générale. Bah, évidemment, avec plaisir. On va faire ça dans quelques minutes. Pour les autres, n'oubliez pas d'ailleurs de continuer à envoyer les numéros de téléphone de gens aussi sympathiques que celui-là. C'est vraiment un pauvre mongol, je te jure. Par exemple, ou même celui-là. La petite merde. Voilà. Eh ben, vous envoyez tout ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Il y a Olil aussi. Salut Mickaël. Je suis allé à Europa Park l'an dernier. C'était mon premier parc d'attraction. J'ai surkiffé. Bah ouais, j'imagine. Je veux bien le croire. Et Claire aussi, je vous écoute en révisant mes concours. Je vous adore. Les soirs avec vous sont beaucoup plus intéressantes que les cours. Ah ben, merci, Claire. Oui. Ça, je veux bien l'admettre, pour le coup, c'est vrai. On écoute Katy Perry, au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio, cherchez pas ailleurs, hein. Y a que nous qui sommes en mode pépère comme ça, là, en mode vacances. Et on revient avec les appels de Toff juste après Katy Perry sur Fun Radio. J'ai oublié, à chaque fois, j'oublie quand elle dit le Happy Birthday. Chaque fois, je le coupe trop tôt. Ah. Je vais le refaire. Happy Birthday. C'est mieux comme ça. Voilà. Love in Fun est en vacances. Mickaël No Limites. Mickaël prend le contrôle de 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, je viens de vous mettre la vidéo. J'ai même trouvé mieux, je voulais vous mettre une image. J'ai finalement trouvé une vidéo sur le Facebook de l'émission. Tapez Mickaël officiel, la vidéo de la nouvelle attraction. C'est la Super Loop, 19 mètres de chute libre dans un toboggan. Et pas paf dans la flotte. Oh, voilà, la violence. Donc, ah bah je confirme. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, vous tapez Mickaël officiel sur le Facebook de l'émission. Et puis bah venez de plus en plus nombreux ce soir à débarquer sur le Facebook de l'émission quand même. Ouais. Quasiment 400 000 là déjà, là, ce serait pas mal. 380, ouais. Je m'avance un peu, hein, 393 000 presque. Donc voilà, je compte sur vous, faites passer le message à tous vos potes. En plus là maintenant, là vous êtes en cours pour certains, vous êtes en congé pour d'autres. Donc quoi qu'il en soit, vous avez l'occasion de prévenir vos potes qu'il se passe un truc le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe, 20h minuit toute la semaine. Il y a Ingrid qui dit une petite dédie pour moi. Bah voilà Ingrid, gros bisous à toi. Damien également qui dit continue comme ça, vous êtes les meilleurs. C'est sur Twitter. Et Drakit également qui dit attends, quand on leur dit de pas faire beaucoup de dédicaces, ils le font pas, mais quand ils ont pas le droit, ils veulent l'en faire. Ah ouais, mais ça c'est, alors ça par contre Drakit, je vais te dire, c'est tu as toujours envie de faire ce que tu ne peux pas faire. Ouais. Tu as toujours envie de ce que tu n'as pas. C'est-à-dire que demain, imaginons, hein, je sais qu'il y en a qui vont dire non, hein, imaginons demain on te file une Porsche, t'en veux une, tu l'as, et ben quand tu vas la voir, tu vas être content, puis après tu vas te dire ouais, je préférais comme le modèle au-dessus. C'est ça. Ou je préférais l'autre marque. Enfin tu vois, ben voilà, c'est l'humain, il est jamais content de ce qu'il a. Et il veut toujours ce qu'il n'a pas. Et alors Polo, viens de voir la vidéo là à l'instant là. La vidéo de la chute libre de 19 mètres. Eh, c'est d'une violence, non? Mais c'est un petit tube. C'est un petit tube, 19 mètres, il y a de l'eau qui coule dedans forcément, et tu pars. Alors je vous explique en fait pour ceux qui n'ont pas forcément internet là sous la main, c'est-à-dire qu'en fait on est debout sur une pas dire une nacelle, mais bon on est debout sur une nacelle avec une espèce de petite porte au sol, donc on a les pieds sur la porte, et en dessous c'est un tuyau qui va directement dans la flotte. Et donc quand on est prêt, il pousse sur un bouton, la petite porte descend et vous tombez, la violence. Oh là là là là. Ah non, moi je fais ça, moi je meurs. Ah ouais, ah bah non, moi je fais ça, je crève directement. Oh là là là là. Attends, il y a Anthony avec nous là. Salut Anthony, ça va? Salut, salut l'équipe. Bon, t'es en forme? Bah fatigué mais ça va. Bon bah écoute, ça arrive en même temps, hein. Mais oui, ça c'est fini les cours, c'est fini les congés ça pour la Belgique. Ouais mais c'est pas ça, c'est parce qu'il fait de la danse et je suis un peu fatigué. Ah t'as fait de la danse, bon bah très bien. T'as pas été toi encore parce que comme c'est le parc d'attraction là, le Super Loop, non c'est comme ça, Super Loop, c'est à Plopsaland, c'est Land, pardon, je dis n'importe quoi. Et c'est à la mer du Nord, donc en Belgique, tout près de la frontière, tout près de Dunkerque quoi. Ouais. Et donc t'as déjà été ou pas toi Anthony? Endroit paradisiaque. Ah putain, non mais ça doit être une violence. Rien qu'à voir les images, t'as le. T'as le haut cœur, le cœur là. Tu vois le truc. C'est violent. Il y a une information qui me travaille là. Tu fais de la danse, c'est-à-dire du hip-hop. Ah, du hip-hop. Ah, j'ai eu peur. Non, ça va alors. Non, hip-hop, c'est bien. Hip-hop, c'est bien. Je croyais que t'avais tes petits tutus. Un petit rat de l'opéra. Ton petit tutu, et puis voilà. Bon, alors, Anthony, tu voulais parler des parcs d'attractions. C'est quoi ton parc d'attractions préféré avant qu'on fasse les appels de Toff? Moi, c'est Aqualibi. Oui, l'avantage c'est que c'est pas loin de chez toi. Mais il y a quoi de spécial Moi je m'y connais pas trop en parc d'attractions, autant vous dire. C'est un parc aquatique. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, il y a Aqualibi, oui, ça va tomber sous le sens. Est-ce qu'il y a un truc comme à Plopsaland là justement où il y a le Super Loop là, un truc violent? Ou c'est plus une petite balade et les toboggans et voilà? Bah c'est plutôt balade, toboggan, enfin tout ce qui concerne l'eau quoi. D'accord, ok. Moi j'aime pas trop les trucs. Bon, vous allez dire, je change jamais rien, mais j'aime pas trop les parcs d'attractions parce que voilà, l'oreille interne, tout ça, je vous expliquais. Mais j'aime pas non plus les parcs d'attractions d'eau, comme le Aqualibi, machin, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des verrues partout. En fait, j'en ai eu plein quand j'étais petit, quand j'étais gamin, quand j'allais à la piscine. Et du coup, maintenant, j'ai toujours peur de choper des verrues partout. Mais c'est parce que, en fait, la piscine, alors, petite information pour tous ceux qui vont à la piscine ou en truc scolaire et tout. C'est le pédélive, c'est la petite mare, enfin le petit... c'est la mare à pied. Je vais jamais là-dedans moi. C'est là que t'attrapes les verrues, c'est pas forcément dans le toboggan ou dans la piscine. Non non non, c'est dans cette merde parce qu'en fait comme tout le monde passe, c'est dégueulasse. Bah, c'est fait exprès, c'est pour pas salir la piscine justement. C'est ça. Bah, moi je préfère dégueulasser la piscine plutôt que d'avoir des verrues. Moi je vais pas là, ça c'est clair. Bah, merci Anthony d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Mickaël, oui. Une question. Dis-moi. C'est sympa, c'est un son. Dis-moi, c'est quoi? Cockpit. C'est possible. Ah, Cockpit. Alors attends, je l'avais celui-là, Cockpit là. Faut voir si je l'ai encore. Ça fait longtemps que c'est le frère de Brad Pitt. C'est drôle ça, Cockpit. Ah ouais, avec Heart of Time. Celui-là voilà. Oui. Eh bah très bien, je te le mets avant minuit. T'en vas noter sinon je vais oublier. D'accord? Merci. Y a pas de souci. Je t'en prie, à bientôt. Hein. Salut à toi, Anthony. Merci d'avoir appelé Fun. Ciao. Il y aura dans quelques minutes évidemment le Je t'emmerde avec Maria, avec Enzo. Et nous allons évidemment, avant de faire ce fameux et grand jeu, faire les appels de Toff. Ah. Puisque, on a appris que ça y est, le nudisme était autorisé à Berlin. Vous pouvez donc visiter la ville à poil. Et ça, c'est cool. Moi, le problème, c'est qu'il fait pas chaud très souvent. Hein. Ah oui. Mais bon, c'est un détail. Ouais, quand même. Bon, donc du coup, on va appeler des gens afin de voir s'ils sont également nudistes ou s'ils se baladent peut-être nus déjà en ce moment chez eux. Ah bon, on ne sait jamais. Bah, on ne sait jamais. Grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof comme tous les soirs, toph@funradio.fr. On y va. Premier appel maintenant, 20h37 sur Fun Radio. On est en mode pépère. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je veux savoir si vous aimez vous promener nu. D'accord, super. Vous en avez beaucoup de questions con comme ça. Ah non, j'ai que celle-là, madame. D'accord. Bah écoutez, si vous, vous aimez vous balader à poil, ne dites pas vous. Maintenant, je vois pas qui vous êtes, ce que vous voulez ou quoi. Okay, bah moi, je m'appelle Tof et je veux juste savoir si vous aimez vous promener nu, madame. Casse les couilles à quelqu'un d'autre, sérieusement, vraiment. Apparemment, je crois que t'as des problèmes psychologiques, t'aimes trop te faire insulter, toi. Bah, ah ouais. Pas du tout, pourquoi vous dites ça madame? Mais parce que t'as que ça à foutre rappeler les gens, t'es malheur qu'il est mon Dieu. Bah oui, mais vous répondez pas à ma question. Mais je t'emmerde toi et ta question, allez. Bah oui, mais c'est pas gentil madame, vous pourriez juste me dire si vous aimez ça ou pas. D'accord, et ta mère elle aime sucer des queues ou pas? Bon voilà, allez on équipe, passe une bonne soirée. Bah non, ça répond pas à ma question ça madame. La classe. Allez, moi, j'ai... La grande classe. Ah, allez, elle est sympa elle. Bon, on la rappelle. Allez hop, c'est parti. Parfait, et on fait le je t'emmerde juste après, hein. Maria et Enzo sont prêts. Avec. Eh hey, mais va niquer ta mère, hein, sérieux. Mais oui, mais si vous répondiez non, à ma question, madame. Va te faire enculer. Là, t'es en train de me faire venir grossière. Hey, je t'explique le topo. J'ai deux enfants à la maison, un qui est posé sur moi parce qu'il vient de finir de manger. Et j'ai un préado qui est en train de bidouiller son ordi, qui a pas besoin d'entendre sa mère dire des gros mots. Bah, maintenant, oui, t'es mais... mignon, t'es gentil. Tu me fous la paix. Mais en même temps, si vous répondiez à la mais question gentiment... Je suis obligé de te répondre, bah niquer ta mère, tu comprends là ou pas? Ça te suffit ou pas? Bah oui, je comprends, mais en fait, le problème, c'est que si vous répondiez gentiment à la question, vos enfants n'entendraient pas toutes ces grossièretés. Ah oui, mais elle a raccroché, là, attends. Mais elle nous raconte sa vie, là, avec ses enfants, là, non? Non, mais elle est surtout très vulgaire devant ses enfants. Complètement. Attends, on la rappelle encore un coup, là, et on fait le je t'emmerde juste après. Ouais. Eh hey, mais t'as décidé de me casser les couilles toute la soirée là ou pas? Bah non madame, mais c'est juste que vous êtes ultra vulgaire devant vos enfants alors qu'il suffirait de répondre à la question. Mais je t'ai dit, fous-moi la paix, t'as pas compris. Là déjà je suis fatiguée de ma journée, sérieusement c'est pas le moment de me casser les glinglins. Tu comprends pas le français. Maintenant toi t'es payé à casser les couilles au monde, tant mieux pour toi, c'est bien. Moi j'ai une famille à gérer là, sœur-ci, tu me casses les couilles, alors lâche-moi la grappe. Mais pas sérieusement. Mais pas du tout madame, moi je vous appelle gentiment en vous posant une question. Non, t'es en train de me casser les couilles, tu comprends pas le c'est franc. Alors à moins que tu sois complètement teubé ou sinon tu fais vraiment exprès de l'être, t'as vu. Je te dis, t'es en train de me saouler, sérieusement. Mais pas du tout. Donc maintenant, il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Ah non, madame, moi je vous appelle gentiment, je vous pose une petite question et vous vous énervez. Regarde, fais-le plus gentiment, nique ta mère, ok? Lâche-moi la grappe. Mais ça se fait pas, madame. Non, c'est pour pas. Vas-y, casse-toi, je te dis. Non, madame, ça se fait pas. Donc son plus gros problème, c'est de réveiller ses enfants parce qu'ils dorment, mais lui dire nique ta mère et tout le bordel, ça c'est pas grave. Non, ça va. Je dis gentiment nique ta mère. Ouais. Ok. Si elle le dit gentiment, tout va bien. Bon, Ingrid qui dit juste un bonsoir. Salut Ingrid et Fiona également. Coup de pelle pour moi, je viens tout juste d'arriver. Ah bah oui, bah t'as raté quand même 40 minutes d'émission là, Fiona. Et Marie aussi qui dit coucou l'équipe. Et alors partiel dans une semaine, je révise ma syntaxe en vous écoutant. Je sais pas quelle note je vais me ramasser, mais impossible de ne pas vous écouter. Oh, c'est gentil, mais après tu peux le faire après minuit. Hein bah, oui. Bah oui, bah oui, on est alors à tout le temps. Minuit, toute la semaine, alors allons-y. Bon, on va se faire le je t'emmerde maintenant. Ce magnifique et grand jeu que nous faisons évidemment tous les. Et mercredi soir. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Voilà, en toute simplicité évidemment. Pour jouer avec nous, Maria est avec nous d'Espagne. Oui, bonjour. Hola, ¿qué tal, Maria? Muy bien, tú. Muy bien. Señor, t'es où en Espagne? De la Cuerza. Je suis juste en face de Elisa. T'es... Ah oui, ça va, tu mises bien, tranquille quoi. Bah oui. Ah, mais ouais. Là, je suis en France chez une amie parce que j'ai du travail. Donc... Ah d'accord, ok, donc là, t'es en France. Ouais. D'accord, ok. Donde está la mamá de Pedro? Está cerca de aquí, creo. C'est là que là, tu as revu la gueule de Polo, il a rien compris. Si, j'ai compris, mais je savais pas quoi répondre en fait. Ah ouais, oui, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Bon, attends, ils ont 20 ans, Maria, donc d'Espagne, et Lorenzo qui appelle Dancy, là, 20 ans aussi. Ça va, Enzo? Salut Mickaël, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Bon, on va se faire le je t'emmerde pour gagner un appareil photo numérique. Ce sera soit pour Maria, soit pour Enzo. On va donc faire deux manches, normalement. Sauf comme hier, s'il y en a un qui explose tout, à ce moment-là, ça sert à rien. Le principe est simple, on appelle des gens au hasard. Il faut leur les appeler et balancer un maximum de... Attention, soit je t'emmerde, soit je t'emmerde. Donc ouais. Soit je t'emmerde, soit je t'emmerde, soit y est t'emmerde. Yet en merde, ça ouais, pour le faire en mode. Oui, oui, yet en merde, ça marche aussi. Pour le faire exceptionnellement ce soir. Voilà, celui qui arrive à en placer le plus possible avant de se faire accrocher au nez repartira avec l'appareil photo numérique qu'on vous offre toute la semaine. D'accord ? Super. Allez, qui veut commencer, Maria ou Enzo ? Moi, je veux bien commencer. Allez, on y va, Maria, c'est parti. On appelle maintenant. Dès que t'entends plus la petite musique en dessous de toi, tu dis allô. D'accord ? Ouais. Allez, vas-y, Maria. Ok. Si on a de la chance, évidemment. Allô ? Allô ? C'est qui ? Bonjour. Est-ce que tu te souviens de moi ? C'est Maria. Je vais juste te dire quelque chose très important. Tu peux m'écouter deux minutes, s'il te plaît ? Ouais, vas-y. En fait, j'ai vu que tu avais insulté une de mes amies. Et je veux juste te dire, je t'emmerde. Donc voilà, merci, c'est hyper sympa. Je veux juste que tu t'excuses parce que c'était vraiment pas cool ce que t'as fait. Donc je t'emmerde. Il faut vraiment que tu t'excuses parce que moi j'en ai ras le cul. Ma copine est en train de pleurer, tout ça. Alors excuse, parce que là je t'emmerde, donc elle veut juste te dire un gros mot, elle veut juste te dire stop, elle a raccroché. Bon, c'est ma faute, j'avais pas dit qu'on ne pouvait pas faire je t'emmerde, il fallait faire une conversation logique. C'est ma faute, mais c'est pas grave, on va valider, j'ai pas prévenu, Maria, c'est ma faute. Combien je t'emmerde du coup? 18. 18, pas mal. Bon, du coup, Enzo, tu peux faire pareil évidemment. Bon, Enzo, à ton tour, t'es prêt? Ouais. Allez, on y va, c'est parti, on appelle. Et je rappelle qu'au deuxième appel, à la deuxième manche, vous ne pourrez pas utiliser le même scénario. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Tu me diras, le scénario de Maria sera vite vu, hein. Allô ? Oui, allô ? Oui ? Mais bonjour, alors c'était pour une émission, c'est pour savoir si vous voulez gagner un cadeau. Oh, ça c'est mort. C'est une blague ou quoi ? Non, mais écoutez madame, vous allez voir, si là vous m'écoutez, vous pouvez peut-être gagner... En fait, c'est juste une musique que vous sentez, sinon vous pouvez gagner peut-être un cadeau. Ah non, il est pas bon là. Il vous faut seulement 3 minutes. Un mec à 8h45. Ouais, finis. Ah, c'est fini, ouais. Ah, bah hop là, ça y est, il a déjà raccroché là. Ce qui nous fait le magnifique score de. 2-0. Eh oui. Bah oui, le but c'est de dire je t'emmerde, hein, pas d'offrir des cadeaux, etc. Mais bon, pourquoi pas, Maria, Enzo. Ah bah du coup, Enzo il s'est barré. Bon, on va essayer de le rappeler. Si jamais on n'arrive pas à le joindre, Maria, t'auras gagné. Sinon, on fait la deuxième manche juste après la pub, d'accord ? Youpi. Allez, reste avec nous, Maria, là, reste avec nous. On va prendre Kevin dans quelques minutes également. Ça va, Kevin, dans Tibes ? Oh là là là là là là, écoute à fond de balle. Ça va bien, Kevin ? Ça va bien, là. Coupe la radio, Kevin ! Coupe la radio ! C'est coupé, voilà, ça y est. Voilà, très bien. Bon, Kevin, on va parler parc d'attraction dans quelques minutes avec toi. Ça marche. Eh ben, reste avec nous et on va s'écouter aussi le son de Klingand avec Jubel. T'aimes bien ou pas ? Ouais, tranquille, c'est pas mal ça. Eh ben, on va te chiller aussi, tiens, reste avec nous, Kevin. Et ça y est, le match de la Ligue des Champions, match aller, donc le Real Madrid face au Bayern Munich, ça a commencé, je vous tiens au jus comme promis. Restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limite, on est en direct jusqu'à minuit. Pendant que le Doc, Karima et Karen sont en vacances, Mickaël s'occupe de vous tous les soirs, de 20h à minuit. Mickaël No Limite, sur Fun Radio. Fun Radio vous offre 1000 euros à tout moment de la journée. 1000 euros, oh mais ça va trop le faire. Écoutez Fun Radio. Non-stop. Audrey, donne-moi les deux morceaux du double fun que je viens de passer. Alors, j'ai entendu Shakira et David Guetta. Eh ben, c'est gagné 1000 euros cash. Super, merci Fun Radio. 1000 euros cash. Ça se gagne dans le double fun sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. 34 centimes par minute. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limite que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limite. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio avec Léa qui dit je peux avoir un petit message de bienvenue. Bah oui. C'est vraiment un pauvre mongol, je te jure. Voilà. Hervé également, super 18, je t'emmerde. Bravo Maria. Oui, oui, oui, c'est vrai, on va faire la suite dans quelques minutes. Quentin qui dit je viens de vous découvrir et je trouve que vous êtes trop bien, ne changez pas. Bah merci Quentin, bah, bienvenue à toi déjà aussi. Et alors, j'ai une grosse bite, Tof, veut-il l'avoir? Non, je pense que ça ira, je crois. Il y a Club Mel aussi qui dit le pire avec les appels de Tof, c'est que c'est toujours sa maman qui en prend pour son grade. Ouais, c'est vrai en plus, non mais c'est vrai. Il y a Fan de Fun également, je vous ai ramené un nouvel auditeur fidèle. Cool, bah merci Fan de Fun. Et Chloé aussi, coup de pelle pour Shanae et Chloé arrivés en retard. Ah bah ouais, tiens, deux. Pas hop, sérieux, pas sérieux. Voilà, une, deux. Et ça c'est pour moi. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Et alors Snorky aussi, moi j'aime bien The Monster de Walligator en Moselle. Regardez, c'est sur le net, c'est une tuerie. Vous êtes géniaux, continuez comme ça. Merci Snorky. Je vais y arriver. Je rappelle qu'il y a toujours les sous-vêtements Playboy à gagner ce soir. Pour les gagner, rendez-vous sur le Facebook de l'émission. Vous venez nous rejoindre, tapez M.I.K.L. officiel sur le Facebook. Vous faites un like et un partage, on en sélectionnera plusieurs. Et on en offrira aussi aux auditeurs qui appellent pour parler, pour réagir à tout et n'importe quoi, tout simplement. Et avant de faire la suite avec Maria et Enzo pour le Je t'emmerde, on va d'abord se faire un petit coup de colle. Est-ce que tu es là, l'ami Michel? Michel? Oui, je suis là. Ah, t'as, oui, oui, il est là. Bon, Michel, fais péter la colle. Je rappelle qu'il y a toujours 200 euros de bons d'achat à gagner. Il y a trop de cadeaux ce soir, un truc de fou. On parlera de la SNCF aussi tout à l'heure, voilà, comme ça tout est dit. Alors, Michel, bon, fais péter la colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse à ta colle et qu'il passe à l'antenne, eh bien, il gagnera les bons d'achat de 200 euros, voilà, dans une centaine de boutiques. Hein, donc, vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Et si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on va appeler ne décroche pas ou donne la mauvaise réponse, eh bien, c'est toi qui repartiras avec le chèque, le chèque de 200 euros. Vas-y, Michel, fais péter la colle. Refais péter la colle. Où trouve-t-on des rivières sans eau, des forêts sans arbres et des villes sans maisons? Alors, où trouve-t-on des rivières sans eau, des forêts sans arbres et des villes sans maisons? Si vous avez la réponse, à vous de jouer maintenant. M.I.K.L. officiel sur le Facebook. Je vous ai mis la colle, comme ça vous pouvez même la lire et y répondre. Et puis si vous n'avez pas internet, vous pouvez jouer aussi par SMS. Ça se passe en envoyant M.I.K.L. suivi de votre réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Tu restes encore avec nous, Michel. On donne la réponse tout à l'heure avant 22h. Et donc du coup, bah Michel, ce sera peut-être pour toi les 200 euros. C'est tout ce que je te souhaite, ok? Merci. À tout à l'heure, Michel. Allez. Ciao. Retour avec le jeu du Je t'emmerde. On parlera encore des parcs d'attractions avec Kevin dans quelques minutes. Maria et Enzo, pour l'instant, vous êtes de retour? Oui. Bah alors, Enzo, tu l'as mal pris que t'as raccroché là? Non, mais en fait, c'est pas ça. Ça avait raccroché sans pas exprès. Et puis, D'accord. Oui, bien sûr. Oh, Maria qui se la ramène là. T'entends un peu comment elle se la ramène. Bon, Enzo qui a fait 0 Je t'emmerde et Maria qui en a placé 18. Bravo. C'est pas mal, mais peut mieux faire quand même, évidemment. Oui. Aussi bien l'un que l'autre. Bah, surtout Enzo dans l'idée. Hein. Donc, Maria, on va recommencer avec toi maintenant. D'accord. Le principe est toujours le même. Tu places un maximum de Je t'emmerde, mais cette fois-ci, en revanche, il ne faut pas dire, c'est interdit de balancer Je t'emmerde, Je t'emmerde, Je t'emmerde, Je t'emmerde comme les uns derrière les autres. Il faut une conversation. Voilà, il faut une conversation. Normal, d'accord? Pas de soucis, d'accord. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Et dès que t'entends plus la petite musique en dessous de toi, tu dis. Votre appel ne peut aboutir, ouais, voilà, car votre ça, correspondant. Hop, là, oui, il est là, c'est bon, on a compris. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô, tout simplement. Allez, c'est parti, bonne chance. Allez. Allô? Allô? Oui? Oui. Bonjour, tu vas bien? Qui est à l'appareil? Tu me reconnais pas? Non. Je veux juste te dire quelque chose d'important. Est-ce que tu peux m'écouter pendant 5 minutes, s'il te plaît? Qui est à l'appareil, sinon je raccroche? C'est moi, enfin, c'est Maria. Donc, je veux juste te dire que je t'emmerde. Et parce que ça fait déjà un an qu'on est ensemble et que tu m'appelles pas, on se contacte pas. De et, la rupture. Bon, ça, c'est du cinéma, c'est du bloc. Je t'emmerde. Stop, il est parti. Toi t'as fait un mix des deux jeux, toi t'as fait un mix de la rupture, un mix du je t'emmerde. Bon, moi, chercher du cinéma, moi je raccroche. Hein. Ouais, ça nous fait combien de je t'emmerde du coup alors? 3. 3? Oui, 3. Ok, très bien, parfait. Allez hop, c'est pas terrible Maria. Hein. Désolé. Mais c'est pas grave, on va quand même garder le 18 comme meilleur score forcément puisque c'est le meilleur des deux scores. On va donc y aller maintenant. On y va Enzo, tu dois faire mieux que 18, ok? Ouais. Allez c'est parti, si tu fais 18 c'est quand même Maria qui gagne, hein. Attention, on y va, c'est parti. Allez hop, il faut faire 19 donc pour gagner. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Allô? Ouais, allô, c'est quoi ton bruit que toi tu m'appelles là? Quoi? C'est quoi ton bruit? Non mais attends, tu fermes ta gueule, ok? Déjà je t'emmerde, t'as pas à me répondre, ok? Maintenant écoute, je t'emmerde, ok? Et toi là, qui as cherché la merde aujourd'hui avec ma pute, tu vas vite te calmer, ok? Je vous connais pas. Non mais je t'emmerde, tu m'écoutes pauvre. Là, tu m'écoutes, là, tu viens chez toi. Hein. Ok? Donc t'es où là? Tu veux que je vienne voir tes parents? Allô? Allô? Ah. Oui, allô? Oui. Le pauvre. Non mais écoutez, je t'emmerde là. Il a bouffé aujourd'hui. Il est venu chez moi. Enfin, toute de la merde. Qui est c'est pas normal. Bon écoutez, je t'emmerde. Et moi, je t'ai dit pas te faire enculer, d'accord? Pour parler comme ça. Parce que je te connais pas. Va te faire enculer. Mais je t'emmerde tout simplement. Mais moi, je t'emmerde aussi. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Énormément. Allez, ciao. C'est moi qui t'emmerde. Je t'emmerde. Ok, je t'emmerde. Je t'emmerde, non. Si tu veux. Hop, terminé. Oh là là là. Alors attention, ça y est. Alors il a été bon Enzo sur la deuxième manche là. Oh là, là. Il a pas été mauvais du tout. Alors, ça nous fait combien de je t'emmerde? Donc 18 pour Maria. Si Enzo en a fait 18, il perd. Moins de 18, il perd aussi. Plus de 18, il gagne. Quel est le résultat final, Tof? 13. Ah ouais. Bravo Maria. Merci. Et ben voilà, et ben 18 je t'emmerde, c'est donc l'appareil photo numérique qu'on va t'offrir avec grand plaisir. Bah, avec... Belle. Et ben je t'en prie, Wenzo. Et moi tu m'offres quoi? Et ben que dalle, puisque t'as perdu. Ah ouais. Moi je peux faire un peu de dédicace. Bon bah t'auras gagné ça là, vas-y, vas-y Enzo. Bon, bah, je fais un petit dédicace à mon meilleur ami Dylan. Et voilà, c'est tout, parce que c'est une seule personne. Bah voilà, comme ça le message est passé. Il y a pas de souci. Est-ce que tu as une dédicace aussi? Bah vas-y Maria. À une seule personne, choisis la bonne. Ouais, je fais une grosse dédicace à ma copine, ma meilleure amie, à Katia, qui est juste à côté de moi. Très bien. Donc, je fais de gros bisous. Eh ben, message passé, pas de problème. Salut à toi, Maria. Salut, Enzo. À bientôt tous les deux. Gros bisous. Ciao. Ciao. Avant de continuer à parler de Paris d'attractions, il y aura Marie également de Bastia en Corse. Encore une Corse ce soir. Salut, Marie. Salut. Comment ça va? Ça va. Ah, toi, on t'a enlevé tes meubles. Les meubles? Oui, parce qu'il y a un écho quand tu parles. Oui, mais oui, c'est parce que je suis dans une classe enfermée, là. Ah, elle est en prison, donc forcément. Voilà. T'as le kit main libre ou le haut-parleur, en plus? Non, j'ai rien. Ah, d'accord, bah là, ça va un petit peu mieux, effectivement. Bon, alors, tu nous appelais pourquoi, toi, Marie? Ben, en fait, il y a deux jours, j'étais avec ma cousine, on a pris la douche et je me suis sentie très excitée par elle. Oh, bravo! Attends, par ta cousine? Oui. Ah ouais, oh, c'est bon ça. C'est... Mais pourquoi pas une autre? Il y en a plein qui sont sur le marché. Non, pourquoi t'as pris une douche avec ta cousine? Oui, déjà aussi, oui. Mais parce qu'on en prend une depuis qu'on est toute petite. Ah ouais, mais à ton âge, c'est terminé maintenant. Vous êtes pas petite là. Oui, c'est ça, oui. Bon, il y a un moment, faut arrêter, hein. Oui, je sais, mais bon, voilà. Bah ouais, non, mais il y a un moment, faut arrêter avec ces conneries là. Ben, on fait ça tout le temps, mais là, ça m'a fait... Enfin, pour la première fois, je me suis senti comme ça, donc j'ai pas su comment réagir. Oh là là, c'est bon, ça. Bon, ben, dites-nous si vous avez déjà eu ce genre de problème comme Marie, attends, je voulais m'exciter un peu. Combien mesures-tu? Moi, je mesure 1m65, vers là. D'accord, combien pèses-tu? Hein? Combien pèses-tu? 50 kilos. Vers là. Contour de poitrine. Bonne question. Bah, à peu près. Je fais 85B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Hein? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ouais. Je veux bien venir sous la douche. Hein? Bonne. Hein? Bonne. Je veux bien venir sous la douche. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est? Elle est. Évidemment, avec toute la sympathie, bien entendu. Bon, alors Mélanie, reste avec nous. On va en parler dans quelques minutes. Est-ce que vous avez déjà été attirée juste... Mais rassure-moi, c'est comme c'est la cousine éloignée. C'est pas la non, cousine. Non, c'est nos pères et son frère. Oh non, mais non. Alors Marie, c'est pas possible. Bon, si, c'est possible. Mais non. Monsieur. Attends, c'est dégueulasse. Tu vas pas faire ça en famille. Oh, mais si, comme ça, justement. Oh, t'es dégueulasse, Tof. Non. Allez, hop, c'est parti. Allez. Qu'il soit puni. Une minute de suspension. Voilà, suspension d'antenne. Suspendu d'antenne pendant une minute. Il va au coin, tout simplement, avec le doigt sur la bouche. Non mais c'est mieux comme ça. Bon, reste avec nous du coup, on va en parler dans quelques instants. Marie, si vous avez déjà vécu ça ou si vous avez des conseils à filer, comment ça s'est passé? Si comme Marie vous étiez attiré par votre cousine ou cousin, et comment ça s'est passé après dans la famille, bah ça aussi venez nous en parler à 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je compte sur vous. Reste avec nous Marie, du coup on va prendre Alicia de Saint-Lô dans la Manche. Salut Alicia. Salut Michael. Comment ça va? Ouais, très bien. Bon, bah tant mieux. Bienvenue à toi. Alors, toi, tu voulais nous parler de, des parcs d'attractions. C'est quoi ton parc d'attractions préféré, toi? Le Puy du Fou. C'est quoi? c'est un parc d'attractions, il y a que des spectacles et c'est trop bien. Ah, que des spectacles? C'est un peu chiant, quand même. C'est plus moyenâgeux. Bah oui, un peu de tout, il y a les vitrines et tout. Bah c'est plus un parc qui me correspondrait parce que je pense qu'il n'y a pas trop de sensations fortes. Ah oui, ça peut revenir. Il paraît que c'est super impressionnant. Hein. Il paraît, ouais. Et c'est, enfin, il faut le faire au moins une fois. Bah j'ai jamais vu, mais c'est possible, ouais. Et donc t'en as fait d'autres, toi, des d'autres parcs d'attractions ou pas? Bah Disneyland. Disneyland, et tu préfères quand même l'autre? C'est un classique, ça. Ouais, c'est un classique, et tu préfères quand même l'autre? Bah oui. D'accord, ok, très bien. Bon, bah pourquoi pas. Attends, il y a aussi la vie de Kevin, là, d'Antibes. Toujours là, Kevin? Ouais, je suis là. Bon, très bien. Alors, Kevin, toi, tu voulais aussi donner ton avis. Toi, c'est quoi ton parc d'attraction préféré et l'attraction que tu préfères? Ouais, enfin, parc d'attraction préféré, c'est pas genre Disneyland et tout. Moi, j'habite à Antibes. Il y a un parc qui s'appelle Antibland. Voilà. Attention, le gros parc. Antibland, vous êtes à côté de Marineland. Ouais. Vas-y, va sur internet et tu verras. C'est un parc de merde ou pas? Antibland, ok, on s'est pas bloqué. Oh, ça va, c'est pour rire. Baisse un ton, hein. Eh oui, sinon, moi, je te mets. Je t'en mets une, t'as compris? Ou un coup de pelle. Tout, moi je suis armé, moi, faut faire attention, je suis un fou dans ma tête. Ouais. Je suis un fou dans ma tête. Il y a des grosses attractions, attends, il y a. Surtout t'aurais peur, toi, il y a l'ascenseur. Genre une tour de 20 mètres, ça monte tout doucement. Ouais. Et ça descend d'un coup. Mais ça me dérange pas. Parce que c'est une sensation forte, mais j'ai pas de problème. Ouais, mais d'accord, mais j'ai pas de problème avec ça parce que tu vois, ta tête elle reste droite. Moi, ce que j'aime pas dans les trucs de montagne russe, c'est t'as des virages avec des coups super secs. Et c'est ça que je déteste. Grand 8 aussi, ouais. Voilà, ça, c'est chaud, ça. Voilà, t'as un grand 8 aussi, tu vois, t'as les montées, t'as des sales descentes. Et à un moment, ça fait genre une toupie. Ouais. Ça tourne vite et en même temps ça descend, ça fait le parcours, quoi. Ouais, mais ça j'ai vomi quand j'ai fait ça, donc ah ouais, bah alors si toi déjà t'as vomi, imagine toi là, je t'imagine dedans, toi. Ah non enfin... mais vaut mieux pas, hein. Ah, il vaut mieux pas, ça peut être une catastrophe très rapidement, je pense. Bah mais... le train fantôme, alors, Michael, c'est quoi le train fantôme? Ah bah c'est une maison hantée, quoi. Tu rentres dedans, t'es dans un train et je sais bien ça. T'as des gamins qui te font peur, voilà, pour les enfants, ça. Bah, eh ben c'est parfait, moi je prends celui-là. Ouais, bah, petite chenille ou les trucs comme ça. Ouais, nickel. C'est bon, moi, pour toi, ça. Voilà, c'est impeccable. Moi je prends celui-là, c'est nickel, nickel de chez nickel. Impec. Ouais. Moi j'ai fait celui-là. Et la grande roue aussi, la grande roue. La grande roue? Ouais. La grande roue. Ah oui, la grande roue, c'est bien aussi, ouais. Non, la grande roue, c'est horrible. C'est horrible, moi je peux pas, la grande roue. Quand elle s'arrête tout en haut, c'est pas. Ah ouais, je peux pas, moi. En fait, comme j'ai peur du vide, enfin ça dépend. Si c'est une cabine fermée avec des vitres et tout, ça va. Ouais. C'est pareil que toi. En fait, moi ça me dérange avec pas. Avec une meuf aussi. Tu sais, c'est comme au ski. Cabine fermée, une meuf. Ouais. Là c'est cool, mais dès que c'est ouvert, en fait, j'ai fait, donc moi j'avais déjà fait dans une cabine fermée, ça s'était bien passé, donc je fais ouais c'est cool et tout, vas-y on y va. Et là le truc était tout ouvert, c'était juste une espèce de rond où t'as juste une barre. Oh, c'est horrible ça. Et ah putain. Pendant les 5 tours, j'ai pleuré ma mère, quoi. Tu m'étonnes. Mais bah moi oui, j'ai toujours l'impression que je vais tomber. Ouais, fait, ouais. C'est dans le vide. Ouais, non mais parce que toi t'as un problème de vide, moi j'ai pas de problème, tu vois, je peux sauter en parachute, à l'élastique, j'ai pas de souci avec ça. Alors que les attractions un peu violentes, moi je peux pas. Mais bon, bah merci Alicia, merci Kevin d'avoir appelé. Michael ? Oui Alicia ? Est-ce que je peux passer une dédicace à avoir un pack fun? Ah bah oui, tu peux avoir un pack fun et la dédicace à une seule personne, choisis la bonne. Bah à ma cousine, Annabelle. Très bien, et eh ben on l'embrasse. Salut à vous deux. Michael. Ouais Kevin. Je vais tenter, je peux avoir des deux sous Playboy ou pas? Attends, laisse-moi réfléchir. Alicia. Oui. Tu veux des deux sous Playboy, toi? Bah oui. Eh ben on va te les filer, pas Kevin alors. Oh le bâtard. T'as vu comment. Oh quel enculé. Oh j'adore. Oh j'adore. Eh ben et Alicia, tu peux remercier Kevin parce que j'y avais pas pensé à la base. Hein. N'importe quoi. J'adore. Oh. Polo, salut. Vas-y, dis-lui Polo, le psychologue, il va t'arranger ce soir. Ah, non. Que Polo le psychologue marrant. Non, c'est lui le psychologue. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Eh ben t'iras te plaindre tout à l'heure. Mais n'importe quoi. Vas-y, ce soir, viens dans Polo contre le reste du monde, et je vais te donner les deux sous de Toff. Voilà, c'est ça, ouais. Souillé. Non, merci, non. Déjà porté. Ouais, complètement souillé. Bon, le psychologue, à tout à l'heure dans Polo contre le reste du monde à minuit, hein. Vas-y, à tout à l'heure. Allez, salut à toi, ciao. Eh ben, voilà une bonne chose de faite, là. Bah, heureusement que Kevin m'en a reparlé, j'avais oublié, donc t'imagines un peu? Ça aurait été con quand même. Ah bah oui. Allez, ouais. Restez sur Fun Radio, on va récupérer dans quelques minutes Marie, on aura la colle avec Michel. Et puis bah vous toutes et vous tous en direct, hein, si vous voulez parler avec nous, si vous voulez délire avec nous, on est là jusqu'à minuit, comme toute la semaine. Vous nous appelez au 01 42 48 5000 et au 02 851 4x0. On va également faire d'autres appels avec Tof. D'ailleurs, dites-nous, tiens, si vous avez déjà pratiqué le nudisme, est-ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas quand on arrive à l'été, tout ça, etc. J'ai jamais fait. Bah, moi non plus, mais Tof, t'as déjà fait, j'imagine. Bien sûr. Ouais, évidemment, comme tout. Mais je vous rencontrerai. Bah, j'espère bien. Bon, bah, appelez-nous également. Donc, si vous avez déjà fait du nudisme, vous aimez, vous n'aimez pas, vous nous appelez. Et puis, nous, on va délirer ensemble toute la soirée sur Fun Radio avec la page Facebook également. Venez nous rejoindre. Vous tapez Mickaël officiel. Et puis, on va s'écouter le son de Jubel dans quelques minutes. Je l'ai promis. Jubel avec Klingon. Et c'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Je vous le mets dans 30 secondes. Restez là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Préparez-vous à passer des vacances de ouf sur Fun Radio. Mickaël No Limit. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, j'avais dit que je vous tiendrai au courant. Il y a eu un but là pour le Real Madrid. But de Karim Benzema. Voilà, qui s'échauffe un petit peu pour la Coupe du Monde. Là, c'est pas mal. Je vous tiens encore au courant. Toujours à 0, c'est la 23e minute. Et c'est donc le Real face au Bayern. Il y a Sarah aussi à la place de dormir. Je vous écoute. Monsieur bien, Sarah, tu vas pas dormir à 9h. Hein, c'est trop tôt là. Adine aussi, le nudisme, très peu pour moi. Plus pudique que moi, tu meurs. Il y a Céline aussi, par sa cousine, c'est quand même chaud. Ah oui, ça, c'est le sujet de Marie qu'on va récupérer dans quelques minutes. Et Julie qui dit, dès que je vous écoute, je me marre, ça fait gueuler mes parents d'ailleurs. Oh, ça va, ils sont un petit peu coincés, c'est tout. Eh, fais-leur découvrir l'émission, tu vas voir, à mon avis, vous allez peut-être vous marrer tous ensemble, ça va être bien. Hein. Ah, c'est vrai. 21h09 sur Fun Radio, au cœur de 30 minutes sans pub. On va se faire également tout à l'heure, je vous le rappelle, ce magnifique et grand jeu que nous avons fait découvrir à Miko C hier soir. Ah, il a adoré. Ah, il a adoré, évidemment. Le karaopé. Voilà, ouais. Il y aura des cadeaux pour vous, notamment des tenues Playboy. Je rappelle que la team Playboy est passée nous voir lundi avec des œufs en chocolat et tout. C'était en mode cool, en mode très très cool. Très sympathique. Exactement, ils nous avaient filé des sous-vêtements Playboy et je me suis dit, bah pourquoi pas en avoir un petit peu plus pour pouvoir vous enfiler tout simplement. Je vous ai mis des photos, j'ai négocié avec Playboy, c'est bon. On a les tenues, on a des boxers pour les garçons, on a des petites culottes très mignonnes toutes roses avec le petit lapin Playboy pour les filles. Vous pouvez voir les deux sur le Facebook de l'émission, vous tapez Mickaël officiel, vous allez voir et puis on tire au sort plusieurs personnes tout au long de la soirée pour vous offrir justement les tenues sexy de chez Playboy. Et d'ailleurs, il y a la vidéo aussi hein, que vous pouvez aller voir de l'avenue. Hein. Tapez Mickaël officiel sur YouTube. Attention, âme sensible, s'abstenir. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit. Sur Fun Radio. Exactement, en direct avec Nadia également sur le Twitter. Moi je pense que le pire c'est de faire ses courses tout nu, choisir ses fruits, etc. C'est tellement spécial. Mais j'avoue, effectivement, ça doit être bizarre hein, quand même. Il y a Fan de Fun qui dit, depuis le début de la semaine, j'ai complètement laissé tomber ma mère. Pour Mickaël, la pauvre, je l'embrasse. Bah oui, on l'embrasse aussi ta mère, mais qu'elle écoute. Pauvre maman, on sera en famille comme ça. Il y a Léo qui dit, Shambhala de Port Aventura, c'est ce que je préfère comme attraction et comme parc. Et Quentin qui dit, j'ai fait pire, le Speed Furious, c'est énorme. Ah, par contre, je sais pas ce que c'est. Et je sais pas où c'est non plus, là, dis-nous. Il y a Nicolas qui dit, moi, Monster à Walligator près de Metz, c'est terrible. Et Clara également, imagine le délire. Toi qui descend normal et moi qui crie comme un cachalot derrière, et ça doit être une horreur aussi. Et enfin Johan, mon parc d'attraction, c'est le Futuroscope. Bah, il n'y a pas grand chose de violent là-dedans. Si, je crois qu'il y a la nouvelle avec les lapins crétins qui est pas mal quand même. Ah, peut-être, ouais, peut-être, c'est vrai. Et Fan de Fun encore qui dit, mon parc d'attraction favori, c'est la Ronde à Montréal. Ah oui, mais alors évidemment, ouais, bon. Bah. Oui, bah, c'est pas le même level quoi. Ah, et c'est ça, c'est pas pareil. C'est comme, je pense, que quand tu compares Disney World et Disneyland Paris, je veux dire, c'est quand même pas non plus le même monde, paraît-il. Ouais. J'ai pas fait Disney World, je sais pas. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Moi, je l'ai fait, et le problème, c'est qu'il y a tellement de fils que tu fais rien. Ah oui, non mais ça c'est un autre problème. Il venait d'inaugurer une nouvelle attraction Nemo, il y avait 4h50 de fil. Quoi? Oui, enfin c'est un peu comme Burger King à Paris hein. C'est-à-dire que quand ils ont ouvert, il y avait 8 heures de fil pour aller bouffer un burger. Non mais t'imagines 4h50 pour pouvoir faire une attraction. C'est-à-dire que tu viens, tu fais ça, tu rentres. Non mais laisse tomber, complètement tomber. Tu voyais les gens, ils pique-niquaient dans la file et tout. Oh là là, bah oui, ça avait l'air, ouais. Bon, attends, on va récupérer Maëva, Erwan dans quelques minutes. Il y a également Michel qui voulait parler des parcs d'attraction également. Et puis donc, quelle est l'histoire de Tof? Alors je voulais savoir, avant qu'on fasse encore d'autres appels, puisque ce soir, on parle de nudisme, puisqu'à Berlin, apparemment, on peut se balader nu dans la ville pour visiter Berlin totalement nu. Nu. Voilà. Donc du coup, j'avais demandé si Polo avait déjà fait du nudisme. Il a dit non. Non, mais j'ai déjà vu ça sur la plage. Ouais, vu, ouais, mais il fait, non. Non, non. Polo ne s'est jamais promené le sport à l'air. Moi non plus, j'en ai jamais fait. Et c'est pas un truc qui m'attire plus que ça. Ça doit être chiant quand même, hein, quand t'es un mec, tu regardes, tu vois une meuf passer, t'as la gaule, quoi. Et moi je le fais dans les couloirs de la radio la nuit quand tout le monde est parti. Il se balade tout seul, il va dans les... Mais il est seul. Et oui, bah il est seul exactement. Ouais. Et donc toi, c'est quoi ton expérience nudiste? C'était par hasard au départ. En fait, il y avait près de chez moi, il y avait un truc qui avait ouvert, une espèce de, tu sais, genre spa, piscine, machin et tout. Et donc avec la meuf avec qui j'étais à ce moment-là, j'y vais. Mmh. Sauf qu'on savait pas, tu vois, c'est, en plus c'était tout en néerlandais, tu vois, enfin on a même pas essayé de comprendre. Ouais. Et donc on arrive là et donc la meuf nous donne un peignoir et une serviette et elle nous dit ouais, donc les vestiaires c'est là-bas et tout, et on lui fait ouais mais c'est collectif les vestiaires, c'est tout le monde en même temps. Enfin oui, de toute façon vous êtes nus à l'intérieur. Hein. Oh non, moi je peux pas. Hein. Et donc on avait déjà payé, donc forcément on était coincé, donc on y a été. Et ah comme il y avait pas. C'était tard le soir et tout, il y avait pas trop de monde, ça va, c'était sympa. Mais au final, il y a pas tellement, t'as pas tellement la gaule quoi de voir les gens. Ouais, parce que tu vois, ils sont pas beaux, mais si tu vois des bimbos qui passent. Ouais, mais en fait, les bimbos, elles vont pas dans ces trucs-là. Bah, voilà, le problème ça, se pose pas. C'est vrai. Non, souvent en gants de toilette et compagnie. Non, t'avais beaucoup de meufs, tu vois, enfin des meufs avec les seins refaits, des trucs comme ça, mais elles étaient pas ouf au point de te faire bander juste à les mater, quoi. D'accord, ok. Bon, bah dites-nous et racontez-nous vos expériences nudistes, là, si vous avez déjà pratiqué ou pas. Est-ce que vous avez aimé, si vous avez pas aimé, dites-nous tout. Vous nous appelez au 01 42 48 5000 et au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Esteban qui dit salut, je peux avoir un message de bienvenue. Bah oui. Y'a toute une merde. Voilà. Il y a Free 89 également. Mon attraction préférée, c'est le Spatial Experience à Nigloland, près de Troyes. Oh, on avait été à Nigloland. Souvenez-vous. On avait été. Si, on avait été avec The Hitter à Nigloland. Et il y a une aventure à cette époque. Pourquoi? Je me souviens plus. Bah, il y a eu un mec qui se faisait passer pour Toff. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y avait un mec qui se faisait passer pour Toff dans le parc d'attractions. Et c'était la folie. Hein. Ouais. Mais à quel moment, quand vous voulez vous faire passer pour quelqu'un, vous vous faites passer pour Toff? Il n'y a aucun avantage. Faut dire que le mec n'était pas très très net. Ouais, c'est pas faux. Mais c'était pas la première fois que ça m'arrivait, c'était la deuxième fois déjà ou la troisième fois. Usurpation d'identité. Un jour, une meuf qui débarque à la radio, parce qu'elle voulait voir Toff, parce que soi-disant le mec l'avait baisé, elle l'avait planté là. Ouais, bon, ce que j'aurais pu faire, quand même pas la vraie que soit la vérité cette affaire. Hein. Ce que j'aurais pu faire, et donc la meuf elle arrive, elle fait un scandale, elle passe à côté de moi, mais voilà, elle continue à faire son scandale, il est où Toff, bah c'est moi en fait. Non, c'est pas toi, arrêtez de le couvrir. En fait, c'est un autre mec qui se faisait passer pour moi. N'importe quoi. Et pour quoi. Baiser des meufs. Bah oui, mais comme par hasard, il a dit, bah évidemment, ça a dû être le top pour lui, tu m'étonnes. Bon, il y a Christophe également, là, qui voulait parler des parcs d'attractions, là, de Houssonne dans Côte d'Or, c'est ça, Christophe? C'est ça, salut Mickaël. Salut Christophe, ça va bien? La patate ou quoi? Alors comme ça, on a peur des petites attractions, ça fait bobo l'oreille? Bah, c'est pas que j'ai peur dans l'absolu, j'ai pas peur, c'est juste que ça me met, tu sais, j'ai mon oreille interne qui part en couille, et du coup après j'ai la tête qui tourne et tout, c'est une galère quoi, donc... Faut demander au doc, hein, il va t'aider. Bah écoute, ouais, je devrais lui poser la question, non mais c'est un Aurel que je devrais aller voir en fait, pour ce problème, ouais, mais bon, je pense. J'y penserai pour plus tard. Bon Christophe, alors toi c'est quoi ton parc d'attractions préféré, et surtout, quelle est ton attraction préférée? Bah en fait c'est Walibi Belgique, c'est une tuerie en fait là-bas. Ouais, c'est à Wavre. Parce que c'est vrai que Disney Company en fait c'est bien, mais t'as pas trop de sensations. Et en fait à Walibi Belgique, il y a un truc qui s'appelle le Dark Terror. Dark Terror, c'est quoi? La Tower Terror, quelque chose comme ça. Et en fait, si tu veux, il propulse à super haut en altitude et tu fais de la chute libre en fait d'un coup. Non. Ah ouais. Ça, c'est terrible. Ah ouais, c'est pas mal ça, j'ai jamais essayé, tiens. Ça tu pourrais pas, hein. Ah non, moi, non, chute libre, j'ai pas de problème. Moi c'est les à-coups, tu sais, les virages et tout ça, c'est ça qui me pose un problème. La chute libre, tu pourrais. Ah non, moi chute libre, j'ai pas de problème, j'ai déjà sauté en parachute, à l'élastique, j'ai pas de problème. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ça fait rien à ton oreille. Ah non, là il y a pas de problème. Les machines des parcs d'attractions, moi aussi j'ai sauté en parachute, ça n'a rien à voir. Non mais le problème c'est pour moi personnellement, c'est la machine. Tu vois, c'est d'être bloqué comme ça et tu sais pas trop contrôler le truc. Ah ouais, mais enfin, quand t'es sur ton parachute, y'a pas de parachute, tu peux rien contrôler. Oui, mais c'est beaucoup plus... parachute qui plante. Oui, non, mais voilà, après, j'ai déjà fait le saut élastique aussi, tu vois, j'ai pas de problème avec ça, y a pas de soucis. En fait, tant que je me retourne pas sur moi-même ou qu'il y ait pas des à-coups trop bruts, pour le reste, ça va. Attends, Christophe, y'a Michel également qui est avec nous là. Salut Michel. Ouais, salut Mickaël. Comment ça va? Salut Mich. Ça va et vous? Bah, ça va, t'appelles de la Sarre, toi, au Mans? Ah bah ouais, je suis surtout au Mans et je suis routier. Je suis sur la francilienne. Eh ben écoute, très bien. Eh ben c'est parfait. Alors Michel, toi tu nous appelais pour la part d'attraction. Là. Non, c'est pas pour la plaque d'attraction, justement, c'était pour ton problème d'oreille. Là. Allez. Ah bon, alors vas-y, dis-moi, c'est quoi, qu'est-ce que t'as? Faut te crever le tympan. Non, parce que moi ça m'est arrivé deux fois déjà. Et c'est faut consulter un ORL, parce qu'en fin de compte, dans l'oreille interne, t'as des cristaux et c'est tes cristaux qui sont décollés. Ah. Et donc il te fait faire des mouvements et ça te recolle le cristaux et après t'as plus de vertige. Ah, mais tu sais putain, quoi, que je fasse ça, ouais. C'est pas derrière les yeux. Je sais pas trop exactement. Après, parce que tu sais, moi ça m'est arrivé une fois. Alors je vous raconte ma life, mais une fois je me suis levé le matin. Ouais. Parce non. Que ça m'arrive. Mais si ça m'arrive de me lever l'après-midi. Wow. Putain, l'information non, attends, du siècle. Attends. Polo se lève le matin. Ouais. Ça mérite une petite virgule, un petit jingle. Il est 21h21. Vous êtes sur Fun Radio. L'information du jour. Qui n'attend pas. Par Mickaël. Oui, Polo se lève le matin. C'était l'information du jour. Voilà. Et donc je me lève le matin. Ouais. Oh merde, tu te lèves le matin, oh putain. Donc pour l'information, Polo se lève le matin, effectivement, oui. Et... Attends, musique de et ça, c'est beau. Ça se respecte. Voilà. Et donc, en me levant... Ne dis pas que je me lève le matin, parce qu'on est reparti encore. En me levant, en fait, j'avais la tête qui tournait. Ouais. Donc je me recouche, je me dis c'est rien, je vais deux secondes après, et pendant... Mais tout le temps où je me levais, à chaque fois que je me levais, j'avais la tête qui tournait. Ouais. Donc mais c'était improbable, tu vois. Donc à un moment donné, je me suis levé brusquement et je me suis mis par terre, en fait, tu vois. Je me suis mis par terre et tout, et c'est passé. Et j'ai lu un truc sur internet que dans les yeux, ou je crois que c'est dans l'oreille, je sais plus trop quoi, t'as des cristaux. Et si les cristaux. Dans le cul, non, c'est pas dans le cul. Non, ça c'est top, il a des cristaux dans le cul. Et si les cristaux se décalent, en fait, t'as la tête qui tourne et t'as Ouais, mais c'est en fait, ouais. Alors pour. Après, je sais pas pour ton cas, Miguel, mais quand t'as ça le matin. Par exemple, j'ai pas ça le matin, moi. C'est seulement quand j'ai des trucs un peu violents qui se passent. Et en fait, il faut te pousser violemment contre un meuble, n'importe quoi. Ouais, bah, je vais te jeter contre un meuble sur ton canapé ou ton lit. Ouais. Et en fait, en violemment, les cristaux se remettent en place. Ah bon? Ouais, c'était. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. D'accord, ok. Putain, et on peut pas les sortir les cristaux? Pourquoi? Bah, c'est non, peut-être de l'argent. Non mais attends, ils sont quand même décollés, tu vois. Tant qu'à faire, hein, au final. Non mais j'irai voir l'ORL. Mais de toute façon, j'avais prévu d'y aller. Mais merci quand même, Michel. Hein. Ouais, de rien. Et en fait, il faut aller quoi? C'est juste qu'il faut aller une fois ou il faut faire un traitement qui dure 1000 ans? Eh ben moi, j'ai eu deux traitements parce que ça m'est arrivé deux fois. Et il te fait faire des mouvements, tourner la tête à droite, à gauche, et puis jusqu'à temps que les cristaux se recollent. Ah ouais, ouais d'accord. Ouais. Putain, je vais aller faire ça parce que c'est vrai que c'est galère, je peux rien faire. Ouais, sans que merde, tout bouge de partout. Bah oui, mais bien sûr, c'est clair. Eh ben merci beaucoup, Michel. De rien, je peux faire une dédicace? Eh ben évidemment, vas-y, bien sûr, à une seule personne, choisis la bonne. Allez, dédicace à tous les routiers. Eh ben très bien, on embrasse les routiers, il n'y a pas de problème. Salut à toi, à bientôt. Bisous à tous, ciao Michel. Merci beaucoup. Christophe, merci à toi d'être passé également, tu reviens quand tu veux. Ah ouais, c'est cool, et je peux passer une petite dédicace. Eh ben écoute, toi aussi, bah vas-y du coup. Hein. Ah, une personne, choisis la bonne. Grosse dédicace à toi, à toute l'équipe déchirée comme ça, et grosse dédicace à toute mon équipe aussi. Et puis, en force, Côte d'Or, les oignons, tout ça quoi. Problème, ok, on essaiera de faire ça. J'adore en force. Ça roule. Salut Christophe, ciao à toi, à bientôt. Salut, ciao. Bye, ciao. Alors on devait récupérer Marie, on l'a plus malheureusement là, Marie, c'est pas grave, il y a Nico avec nous là de Caen là. Ça va Nico? Salut Mickaël. Ça va bien? Ça va et toi? Bah oui, tranquillement, ouais, t'es en forme Nico? Bah ouais. Bon, j'ai envie de te dire tant mieux alors. Bon Nico, toi tu nous appelais pourquoi toi d'ailleurs? Bah pour les fantasmes sur les cousines. Ah oui, bah c'est Marie, bah oui, mais justement, on a réussi à la joindre, Marie. Donc, Marie nous avait appelé il y a un quart d'heure pour nous dire que bah ça fait depuis qu'elle est petite qu'elle prend sa douche avec sa cousine, voilà. Cousine proche, hein, attention, donc c'est la fille du frère de son père, donc proche. Et que, bah là, pour la première fois, dernièrement, elle a eu des idées pas très catholiques qui lui sont passées à travers la tête. Et voilà, elle voulait savoir quoi faire, elle voulait savoir si c'était normal, etc., etc. Bon, bref. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico? Bah écoute, personnellement pour l'avoir vécu et même être allé un peu plus loin, moi je trouve ça tout à fait normal, il n'y a pas de honte à avoir ou quoi que ce soit par rapport à ça. De... Alors attends, on a récupéré Marie justement, tiens, t'es retour Marie? Oui. Ah voilà, parfait. Bon, donc du coup apparemment Nico est plutôt dans ton sens. Mais Nico, toi t'as eu des fantasmes sur ton cousin ou ta cousine? Sur ma cousine. D'accord, ok. Et toi tu t'es tapé ta cousine? Je le dirais pas comme ça, mais oui. Enfin oui, bon, t'as couché avec elle. Quoi. Non mais t'as couché avec elle, voilà. Oui. Et d'accord, ok. Et comment ça se passe dans la famille? Bah bien, maintenant on a des enfants. Non mais tu vois. On s'est rencontrés, non. On se connaît depuis quand même pas mal de temps. On s'est vraiment découvert que là il y a 3 ans. Ouais. Et c'est vrai que depuis, on entretient quand même une relation particulière. Il n'y a que deux ou trois personnes dans la famille qui sont au courant parce que, voilà, quoi, ça peut choquer un peu tout le monde. Bah, c'est un peu choquant quand même. Bah oui, enfin je sais pas moi, ça me oui. Encore une cousine, tu sais une cousine, une vieille cousine qui date de ouais, je sais pas vieille quand, tante que t'avais oublié. Quoi. Non, pas ça, mais je veux tu sais une cousine qui est la grand porc, une arrière cousine, tu vois un truc comme ça. Bon, why not? Mais la cousine, comment on appelle ça? C'est Germaine, c'est ça? Oui, Germaine. Oui, Germaine, ouais. Bah voilà, ça par contre, ouais, je peux dire que ça me choque, mais c'est quand même bizarre. Bah oui. Surtout c'est pas comme s'il y avait des millions de meufs au monde. Non mais après tu peux pas contrôler quand tu tombes amoureux. Mais quand même ça reste bizarre. Et Marie, et toi t'as encore rien fait toi? T'as encore rien fait? Non mais non. J'aurais bien mis non, un non, doigt mais parce que non mais je lui en ai pas encore parlé. C'est pour ça. D'accord. J'ai peur de sa réaction. Ah oui, d'accord. Bah écoute, sincèrement, moi je te le dis, je te donne mon avis comme tel, ça va foutre la merde dans la famille. Alors peut-être qu'elle a envie aussi, et encore, même pas sûr, mais si tu lui dis sans vraiment savoir et qu'elle a pas envie par exemple, ça va de 1 foutre la merde entre vous deux. Si elle le balance, ouais, ça va foutre la merde dans la famille. Et si elle est ok, ça va quand même foutre la merde dans la famille. Donc ça sera de toute façon la merde. Il va de toute façon y avoir la merde quelque part. Non, peut-être qu'elle est d'accord, on n'est pas obligé d'en parler à toute la famille non plus. Ouais, mais bon, enfin bon, ça fait quand même. Non, ce qu'elle dit, c'est pas faux. Ce qu'elle dit, c'est oui, pas bah faux. Je faut sais bien, mais des personnes de confiance d'abord. Sache que tout se sait un jour. Oui, c'est vrai. Ah oui, tout se sait un jour. Mais voilà, après, j'ai pas dit pour autant qu'il fallait suivre pile poil ce que je raconte. Hein. Moi, si je donne juste mon avis, y a pas de problème. Bon, les autres, vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Appelez-nous. Marie, du coup, tu restes avec nous. Nico, bah merci d'avoir appelé en tout cas. Hein. Mais de rien. Et tu reviens quand tu veux. A bientôt Nico. Ça marche, je peux passer une dédicace. Allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Déjà à vous et à l'IUT de IF de Caen. Ah bah c'est gentil, ah bah merci à toi, pas de problème. Tu reviens quand tu veux. Salut Nico. Ça marche. Allez, salut, à bientôt. Salut, ciao salut à toi. Bye. Salut. Restez sur Fun Radio, on est là en mode 20h minuit sur Fun Radio avec dans quelques minutes les appels de Toff. Et puis on se met le son de Calvin Harris, Summer sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Michael, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. When I met you in the summer. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Michael tous les soirs. Michael, no limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. On était. Oui. C'est-à-dire en effet, en même temps on est en direct, ça a fait en été, on sait pas où. 21h32, il y a Stella qui dit un petit message à faire passer à mon papa qui est en camion. Oh. Antoine, un gros bisou de Estelle, sa fille, pouvez-vous faire passer le message à l'antenne? C'est fait Stella, un gros bisou à toi. Samy aussi, demain brevet blanc, en train d'écouter Mickaël pour se détendre. Bah, t'as raison Camille, bah, bonne chance demain. Et alors un message aussi de Baran qui dit mon parc d'attractions préféré c'est Walibi et mon attraction préférée c'est le Loup-Garou. Et Amia aussi, je vous aime trop, vous me faites délirer tous les soirs et oubliez les emmerdes de la vie tous les jours. Merci, je vous adore. Oh, merci beaucoup. Bah, on est là aussi pour ça. N'oubliez pas d'ailleurs le hashtag MIKL 20h minuit. Il faut mettre MIKL 20H 00H 20h minuit. MIKL 20h minuit pour peut-être être le gagnant du top Twittos ce soir. D'ailleurs, on va faire un petit point top Twittos. On va voir mais qui est numéro 5 actuellement. Numéro 5, 4, 3, 2, 1. Et puis le numéro 1, tout à l'heure à minuit, repartira avec des magnifiques sous-vêtements Playboy. Oh yeah. Ils sont magnifiques. Il y a deux boxers pour les garçons et alors il y a deux petites culottes roses avec le petit lapin Playboy pour les filles. Magnifique. C'est mignon. Exactement. Bon alors qui est numéro 5 actuellement? Hervé. Numéro 4. Lilou. Numéro 3. Fan de Fun. Numéro 2. La bouteille du 19. Numéro 1. Nadia Le Prince. Voilà, pour l'instant ce serait Nadia Le Prince qui gagne. À vous de jouer donc maintenant si vous voulez tenter d'être numéro 1 du top Twitto ce soir. Il suffit tout simplement de balancer un maximum de messages avec le hashtag MIKL 20h minuit 20H 00H. Je vous souhaite bonne chance. Il y a Lily qui dit c'est con ça d'être attiré par sa cousine, mais faut arrêter de prendre sa douche avec elle déjà. Ouais. Ah ouais. Dans un premier temps, effectivement, c'est ce qui me paraît pas mal. Bon, allez hop, on va faire les appels de Toff. On va donc parler encore de nudité, puisque comme je vous le disais, il y a donc à Berlin la possibilité, une nouvelle loi qui est sortie, comme quoi les gens peuvent dorénavant visiter Berlin à poil. Et ça, c'est bon. Moi, j'aime bien cette idée. Bah, ouf, je sais pas si c'est vraiment génial. Mais si, tu vas avoir des petits vieux à vélo, la couille pendante, le sang au niveau de la fesse. Waouh. Bon, du coup, on appelle des gens afin de voir si ils sont nus chez eux, peut-être, ou est-ce qu'ils pratiquent peut-être le nudisme. Mais oui, allons-y. Eh bah, c'est parti, on y va. En attendant, n'oubliez pas de nous dire si vous avez déjà pratiqué le nudisme. On va en parler avec Lise de Paris dans quelques minutes. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Allez, c'est parti. 21h34, on y va, on appelle maintenant grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Comment allez-vous ? Mais ça va et vous ? Eh bien alors, je vous attends. Vous avez pas toujours, vous avez toujours pas pris ma sœur ? Non, pourquoi vous voulez que j'appelle votre sœur ? Parce que la dernière fois, on m'avait dit, j'ai une affaire en or, c'est j'ai quelqu'un qui veut votre sœur. Donc j'ai dit, c'est bon, il veut ma sœur. Donc, et après, j'avais un petit peu de remords, donc je vous ai expliqué que c'était un lot de second choix. Mais bon, alors vous l'avez toujours pas pris. Bah non, parce que, enfin, je me souviens pas de cette histoire, monsieur. Vous vous souvenez pas de cette histoire ? Non, je pense que vous devez vous tromper, monsieur. Ah mais si, c'est au carnaval de Dunkerque. Ah oui, non, alors vous vous trompez, monsieur. Ah, pardon. Oui. Non, parce que moi, je voulais juste savoir si votre femme aimait se promener nue, monsieur. Comment ? Non, je voulais juste savoir si votre femme aimait se promener nue, monsieur. J'entends pas. Est-ce que votre femme aime se promener nue ? Je suis homosexuel et je suis un homme. D'accord, est-ce que votre homme aime se promener nue ? Non, je suis hétérosexuel et je suis une femme. D'accord, et bah, est-ce que votre mari aime se promener nue ? En fait, je fais des mélanges, voilà. D'accord, donc, ma femme... Bah oui, on m'a dit qu'il faut varier les plaisirs. D'accord. C'est 7 fruits et 7 légumes dans une journée. Donc, comme il y a 24 heures, 7 fois 7, 24. 7 fois 7, 24. Ouais, par contre, vous n'êtes pas prof de maths, hein. Ouais, tout à fait. Bon. J'avais remarqué tout de suite. Et, hein, ouais. Et, mais je me suis mis côté le lit, hein. Oh, hein, ok. Ouais. Bon, donc tu viens manger des pâtes à la maison, alors? Bah, bien sûr, avec plaisir. Bon, je te laisse parce que c'est en train de bouiller sous le feu, donc comprends chaud, hein. Allez. Bien le bonsoir. Ah bah, bien le bonsoir, hein. Allez, ciao, au revoir, ciao. Comme quoi, l'alcool et les drogues sont mauvaises pour la santé. Ah oui, non, mais alors lui, il est au-delà de la drogue. Je sais pas ce qu'il avait, mais il s'était mis bien là. Ah là, il était très très loin. J'ai rien compris. Il y a Neige qui dit, grave, j'adore, je veux le Pally Boy. Alors c'est pas Pally Boy, c'est Playboy. Il a dû faire une petite faute de frappe, c'est pas grave. Mais en l'occurrence, il y a effectivement les dessous, un boxer, deux boxers pour garçons et deux petites culottes pour filles. Oui, très mignonne. Très très sympa. Et on est bien dedans, ouais, n'est-ce pas Polo ? Oui, bah Tof il a essayé des petites culottes pour filles, hein, donc ouais. Bah ça remonte un peu dans les fesses, mais sinon c'est un petit peu. C'est ouais. Du coton, hein, rassurez-vous, c'est confortable à mort. Voilà, donc allez voir, il y a la photo sur le Facebook de l'émission. Il y a Nadia Le Prince qui dit j'ai revu la vidéo de Polo qui faisait du skate en talons, trop bon. Bah allez voir, toutes les vidéos sont sur la page de l'émission, hein, sur YouTube. Vous tapez M.I.K.L. officiel pour venir nous rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne et puis vous verrez toutes les vidéos comme ça et vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos, dont celle de Playboy, la team Playboy qui est passée nous voir il y a deux jours. Allez la voir également, mais attention, si vous avez moins de 18 ans, n'allez pas la voir, et si vous êtes une âme sensible, n'allez pas la voir non plus, ça peut faire très très peur car vous allez voir que les tenues Playboy sont très sexy, très jolies, mais que ça ne va pas à tout le monde. Ouais, je ne vois pas pourquoi vous dites ça, mais je n'en dis pas plus. Mais Maxence également, oui, c'est Tof porte un costume en gras. Exactement, voilà, c'est un costume de graisse. Et Maxence qui dit, moi, mon parc d'attraction préféré c'est Astérix avec Osiris. Ah ouais, bah je l'ai pas fait moi. Mais si, c'est vrai que c'est une tuerie, c'est un truc de ouf. Bon, retour avec Marie dans quelques minutes et Shirley qui voulait réagir. Marie donc qui est en kiff sur sa cousine. Et nous avons Lise avec nous de Paris. Allô, oui, c'est Lise. Nickel. Ça va Lise ? Ça va et toi ? Bah oui, tranquille, t'es en forme ? Oui. T'as passé une bonne journée ? Ouais. Ouais. Super. T'as fait quoi ? Bah j'ai bossé. Ah merde, tu bosses dans quoi ? Dans la vente d'articles de sport. D'accord, ok. Bon, note au final, t'as quand même un taf. Hein. Voyons le côté positif. Voilà. Bah évidemment. Bon, alors, toi, tu nous appelles donc pour parler de nudisme. Alors, t'es pour ou contre, toi ? T'aimes bien ou t'aimes pas ? Eh ben, moi, je suis pour, j'aime bien. Je suis naturiste depuis 3 ans, j'en ai 23. Alors, tu peux me envoyer une petite vidéo, une photo de toi nu, parce qu'en fait, c'est pour des raisons scientifiques. Ouais, bien sûr, quand Polo, radio.fr. Attends, Lise, regarde, je te rends service, j'en mets une chez Polo de ta part. D'accord, ok. Voilà. Mais ça ne nous dit pas combien tu mesures, Lise ? Je mesure quasiment 1m70. Combien pèses-tu ? Je pèse 53. Quel est ton tour de poitrine ? Il faut manger maintenant. Hein. Ouais. Non mais de quoi ? Non, t'es bonne. Il faut un peu manger quoi. Ouais. 53 kilos, 1m70. Mais non, c'est très bien. Combien donc quel est ton tour de poitrine ? J'ai pas grand chose qui dépasse quoi. D'accord. Mais oui. Alors, quel est ton tour de poitrine? Non, mais ça va ou quoi? Mais oui, ça va, et toi? Oui, ça va. Alors, ton tour de poitrine? Non, mais t'es pas sérieux, là. Mais si, je suis sérieux. Il sera content après, voilà, tu lui inventes n'importe quoi. Avant, en tous les cas, moi, je vais faire ça dans le. Non, dans je la crois région que tu as pas avant, bien compris la question, quoi, sinon il va nous prendre la tête toute la soirée. Tu lui dis n'importe quoi, il sera content. De quoi? Ton tour de poitrine. Voilà, 90. C'est 90. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 36. Voilà, ah comme bah voilà. Ça. Ah, t'as vu, hop, mais là, ça lui fait la soirée. Il est content. Ah voilà, bah oui, il est ravi. D'accord, ok. Ah bah, il est content. Voilà, hop, on va plus l'entendre de la soirée. Il va être content. Il a, noté ça dans son petit journal. Il est content. Voilà, c'est parfait. Je suis au taquet. C'est génial. Bon, ah bah, comme quoi, tu vois, il lui en faut peu. Alors, Lise, donc, toi, tu t'es dénaturiste depuis 10 ans. Alors, explique-nous tout. Non, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, pardon, oui, c'est ça. Explique-nous tout. Comment c'est venu? Pourquoi? T'aimes bien? T'aimes pas? T'es déjà tombé sur des mecs comme Tof, des pervers qui voulaient te sauter parce que eux, ils étaient naturistes uniquement pour pécho des meufs. Enfin, en tout cas, pour mater des meufs. Ouais, je connais ça. Là, j'imagine bien, ouais. Alors, explique-nous un petit peu, là, comment c'est arrivé tout ça. Donc moi ça fait 3 ans que je suis naturiste et j'ai mis le pied sur une plage parce que j'en avais marre des marques de bronzage, je trouvais ça vraiment laid. Et en fait une fois qu'on y est, j'ai pas envie de dire que c'est instructif, mais on se dit qu'il n'y a rien de plus naturel quoi. Ah et naturel en fait, oui c'est sûr. Ouais. On oublie vraiment carrément qu'on est nu et qu'on est entouré de gens nus parce qu'il y a tous les âges, il y a toutes les morphologies et franchement moi je me verrais pas, je me baigne nu et je me verrais pas bronzée en maillot quoi. Ouais, en fait c'est un peu comme quand tu es à l'école, tu vois, il y en a qui ont leur tenue, tu sais, leur comment on appelle ça, je ne sais pas. Bah leur costume là. Ouais, l'uniforme. L'uniforme. Au moins comme ça, t'es tranquille, tout le monde est logé à la même enseigne. Ouais. Il n'y en a pas un qui va avoir un maillot super cher, l'autre qui sera avec un maillot de merde, etc. Tout le monde est logé à la même enseigne. C'est un petit peu l'uniforme de la plage, quoi. La nudité, c'est bien. Ouais, carrément. Et quand tu tombes sur un mec comme Tof, en l'occurrence, pour ne pas le citer, qui passe comme ça et qui te reluque de haut en bas parce que t'es à Walpé et que bah lui, forcément, il n'a pas forcément l'habitude. Mais moi, habillé ou à Walpé, c'est pareil, hein, je reluque. Hein. Ouais, mais enfin là, en particulièrement, puisqu'il est à poil. Bah moi disons qu'en 3 ans que j'y suis, je me suis fait des copains et en l'occurrence j'ai un mec qui est fait comme une armoire à glace, donc il va lui dire clairement bah écoute tu bouges de là quoi. Oh c'est bon, tu peux pas me donner ton adresse Lise, je vais t'envoyer Tof, il va te reluquer si ton pote peut lui mettre une patate dans la gueule. Ouais, juste, non mais juste pour lui refaire le portrait. De toute façon ça peut pas être pire dans l'absolu, donc tu vois ça ne lui rendra que service. Hein donc voilà, non c'est mais vrai. Ouais. Ah oui, ça lui rendra service. Donc très bien. Et alors, donc du coup, donc toi tu continues, t'es tombé sur un mec qui était aussi nudiste, toi, évidemment. Ouais. D'accord, ok. Bon, non, bah. le mien ne l'était pas, il est devenu. Et elle je l'a suis, converti. Ouais. Non, ouais. Franchement, il a pris goût et moi je me verrais pas passer mon année sans mes 4 semaines de soleil. Tout nu. Ah ouais. Et si tu vas, ouais. Parce que c'est limité quand même, du coup, si t'as envie d'aller sur une plage qui est super belle, mais parce que bah tout le monde est habillé, tu fais comment? J'y vais pas parce que pour moi c'est pas naturel quoi. Franchement, je me verrais plus bronzer sans maillot. Ah ouais, c'est marrant, c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre parce que après je peux comprendre hein, que t'aimes bien ce que tu souhaites, que t'aimes bien être nu et tout ça. Mais de là à te dire bah non, il y a des endroits où je ne vais pas parce qu'on ne peut pas se mettre nu. Bah c'est con de se fermer aussi. Ah ouais, non mais franchement, je veux dire, je vais me baigner, je reviens, tu te sèches, t'as pas de maillot qui te colle et tout. Non, ça, je suis d'accord. Mais t'as le sable. Ouais, t'as le sable et tout, c'est vrai. Mais imagine, imagine dans deux secondes. Dans l'arrêt du cul et tout, ça fait mal. Alors franchement, je vais répondre à toi, c'est une question d'organisation. Moi, j'ai ma serviette et franchement, Apollo, pardon. J'ai ma serviette et franchement, non, ça après, c'est une question d'organisation. Mais, d'accord. Et bon, imagine. Retour de vacances. Imagine, t'as l'occasion d'aller voir les plus belles plages, t'as l'occasion d'aller une semaine aux Bahamas. Aux Bahamas, je dis n'importe quoi. Aux Bahamas, pas de chance, les nudistes sont interdits. Tu vas donc ne jamais aller aux Bahamas à cause de ça. Aux Bahamas, les plages sont désertes, je me fous à poil quand même, il n'y a pas de... D'accord, même si c'est interdit. Bah, en l'occurrence, c'est pas... Non, mais c'est un exemple, hein, en imaginant que ce soit interdit. Hein. Non, bah, je le garde, au pire, je fais du topless. D'accord, oui, non, mais d'accord, mais topless, c'est déjà plus répandu que nu, complètement nu, quoi. D'accord, oui. Ok, très bien. Bon, bah, très bien, parfait. Bah, merci beaucoup, Louise. Voilà, bah, de rien, mais en tout cas, pour Tof, je tiens à dire qu'au retour de vacances, c'est quand même vachement mieux la plage naturiste. Hein. D'accord. C'est bien plus joli. Hein. Bon, bah, écoute, oui, bah, c'est vrai, évidemment, mais en même temps, à part ton mec, les autres, ils te verront pas du tout. Ouais, ils s'en rendront pas compte. Hein. Bah, ouais, mais du coup, je sais pas si j'y vais en juillet, même en août, les petits dos nus, y a pas de marque de bretelles et tout, c'est bien plus. Ouais, mais ça, après, sympa, pour quoi. Défendre ceux qui mettent un maillot, tu peux aussi avoir un dos totalement bronzé si t'enlèves la bretelle pendant que tu bronzes. Ça, à la limite. Ouais, tu mets un bandeau. Ou tu mets, ouais, tu sais, encore tout est possible encore. Mais c'est vrai qu'effectivement, bah, t'as les seins bronzés. Mais il paraît que c'est pas bon non plus de mettre les seins au soleil. Non. Il paraît. Ça les abîme. Ça les abîme. C'est très fragile et c'est le cancer. Ouais, pour le cancer du sein aussi, apparemment. Je pense, hein, je suis pas médecin, mais je crois que c'était pas très, très bon, quoi. Moi, ça m'a donné une idée. Je vais inventer le costumisme. Je vais aller à la plage en costume avec une cravate. Ah, pour avoir la classe. Bah voilà, bah vas-y, fais donc ça. Bah fais donc ça. Bon, bah Lise, je te fais des gros bisous et puis bah tu reviens quand tu veux. Bah moi aussi, merci. Je t'embrasse, à bientôt Lise. Salut. Ciao. On aura Amandine dans quelques minutes, Shirley qui voulait réagir à Marie, donc Marie qui est en kiff sur sa cousine. On aura Johan également. Ça va Johan de Marseille? Ouais, salut Mickaël, ça va? Ça va Johan et toi? Ouais, ça va, sauf que en fait... Bon, qu'est-ce qui t'arrive? De quoi on va parler dans quelques minutes avec toi, dis-moi Johan? Ouais, parce qu'en fait, j'avais ma femme, déjà vu. Ouais, bah j'ai pas vu, mais je veux bien le croire. Hein? Je dis j'ai pas vu, mais je veux bien le croire. Ouais, et en fait, je lui offrais tellement de cadeaux qu'elle m'a quitté, déjà vu, parce que je l'aime et tout, et elle m'a quitté. Et en fait, ça s'est passé que tellement je lui offrais de cadeaux, elle m'a quitté, j'en pouvais plus, et j'ai même tenté de me suicider pour... Oh elle. Non, Johan, pas ça avec nous. Bon, Johan, reste avec nous, on va parler avec toi, reste bien là, ne pousse pas sur la détente, tout va bien se passer, on revient dans quelques secondes, en direct avec vous toutes et vous tous, on va également se faire le karaopé, le principe du karaopé est très simple, on vous met une chanson en mode... Alors évidemment pour ceux qui connaissent pas, on fait ça d'habitude vers minuit quand on est là à l'horaire normal, hein. Là on est en mode remplacement donc on fait 20h minuit. Alors imaginez, il faut découvrir quelle est la version originale de ça. Voilà. Donc ça par exemple c'est ça. Il fallait répondre Britney Spears. Donc on va jouer dans quelques minutes. On cherche deux garçons, deux filles. Donc si vous voulez nous appeler pour jouer, vous appelez maintenant le 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. On va vous offrir vos tenues sexy Playboy, les garçons et les filles. Si vous voulez jouer avec nous, bah allez-y, vous nous appelez et on revient dans quelques minutes sur Fun Radio. Avec quoi? Avec le son de Route 94. On va chiller pendant que Top va chier. Évidemment, allez rester sur Fun Radio, il est 10h15. C'est Mickaël No Limit et on est en mode tranquille jusqu'à midnight. Pendant que le Doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit sur Fun Radio. Préparez-vous à passer des vacances de ouf. Mickaël No Limit. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, on est en direct 21h51 sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous. Bien sûr, avec Ophélia qui dit: Mickaël, ça fait bizarre t'écouter à cette heure-là, mais tu restes le meilleur, tu nous fais trop rire. Bah merci beaucoup Ophélia. Bah oui, c'est vrai, on est là de 20h à minuit cette semaine pendant les congés. Rassurez-vous, on sera de retour à notre place évidemment après 23h, 2h la semaine et de 20h à minuit tous les dimanches. Maxence également, je vous écoute tous les soirs et pas de message de bienvenue. Bah aussi Maxence, on va t'en mettre un. Allez, regardez, on va t'en mettre un petit là, regarde, on va te mettre celui-là, voilà. On va t'archer ta meuf là, on cule ta meuf, mais lâche-moi les couilles là. Eh ben voilà, tout simplement, toute simplicité. Guillaume aussi qui dit: moi mon parc d'attraction préféré c'est Europa Park. Ah bah c'est celui-là dont on parlait au début d'émission, c'est en Allemagne. Et Kevin qui dit: salut, je peux avoir un message de bienvenue? Bah oui, avec plaisir. C'est une merde. Eh ben voilà, comme ça au moins ça a le mérite d'être clair. On va récupérer maintenant Marie pour terminer. T'es là Marie? Marie? Allô? Ah, Marie est là, très bien. Marie de Bastia, donc, qui nous avait appelé parce qu'elle en kiffe sur sa cousine. Elles prennent des bains ensemble de temps en temps et que, ben, du coup, là, exceptionnellement, récemment, t'as commencé à kiffer un peu sur elle, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, t'as eu des petites idées, comment dire, pas très catholiques qui te sont passées à travers la tête, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, c'est ça. Et il y a Shirley avec nous d'Avignon. Salut Shirley. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Bon, bah oui, ça va bien, ouais, tranquille. Bienvenue à toi, Shirley. Alors, toi, tu voulais réagir par rapport à Marie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des vues sur ta cousine, toi? Non, alors moi, c'était sur mon cousin. Ouais. On est partis ensemble en vacances avec toute ma famille à Lyon. D'accord. Et pendant la nuit, on s'est retrouvés dans sa chambre et puis, ben voilà, on a couché ensemble. Non! Oh là là là là, là. C'est sale. Et comment se passe la... Comment l'a vécu la famille? Ben pas très bien parce que à la fin des vacances mon cousin a tout raconté à sa mère. Ouais. Du coup ma famille elle me voit un peu mal maintenant. Bah oui mais évidemment. T'as vu, c'est ce que je t'avais dit Marie. Si tu dis oui mais bon ils sont pas obligés de le savoir, machin, etc. C'est vrai, t'as raison. Mais il y a un moment, tout se sait, tu vois. Eh oui, voilà. Ah bah oui. tout se sait un jour ou l'autre. Donc moi je pense pas que ça mérite, surtout que t'es pas amoureuse de ta cousine, t'as juste eu des idées qui te sont passées à travers la tête, c'est tout. Mais oui, t'étais un peu chaude, c'est tout. Amoureuse, je sais pas, parce que pour l'instant je pense pas, mais bon voilà, des fois je me sens attirée par elle. Comme disait quelqu'un, je me souviens plus de son prénom, sur le Twitter là ou sur le Facebook, si t'arrêtais déjà de prendre des douches avec elle, parce que bon, il y a un moment t'as dit cette balette, t'as plus 9 ans quoi. C'est ça, laisse un peu la place aux autres. Mais c'est parce qu'on a toujours été proches depuis qu'on est toutes petites. Oui, mais justement, bah, donc c'est pour nous, c'est normal. Eh ben, déproche-toi un peu. Ben oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Yaman. Si t'as confiance en ta cousine et que t'es sûr qu'elle racontera rien, pourquoi pas. Mais un petit bout de minou sous la douche. Mais non, mais il y aura toujours un moment où elle va raconter à quelqu'un qui va le raconter à quelqu'un qui va le raconter à quelqu'un. Non, c'est pas ce genre de personne. Elle est pour elle. Non, mais tu connais jamais les gens. Ouais, tu sais pas. Bah, c'est ma cousine quand même. Oui, mais tu sais pas, tu peux pas savoir. Et tu peux pas du tout connaître sa réaction quand tu vas lui dire que t'as envie de la pécho. Bah, j'espère qu'elle comprendra. Oui, t'espères. Donc voilà, c'est ça, t'espères. Mais si ça se trouve, ce sera pas le cas, tu sais pas. Donc écoute, voilà, maintenant t'as les explications. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, évidemment. Moi, je te conseille pas de le faire parce que c'est une source d'emmerde. Moi, je dis fais-le, mais fais-nous une vidéo. Mais oui, c'est ça. Et hop, une minute au coin, ça te fera les pieds. Tiens, voilà, hop là, t'off au coin, on est tranquille comme ça. Donc je disais, ne le fais pas et voilà, c'est mon avis. Tu fais comme tu veux, évidemment, mais t'as mon conseil en tout cas. Ça va. Voilà. Bon, tiens-nous au courant quand même, Marie, hein. Oui, par contre, j'aimerais bien passer une dédicace, s'il vous plaît. Bon, ben vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. À mes bestas de Cali. Très bien. Eh ben, le message est passé, il n'y a pas de problème. Je te fais des bisous, alors, à bientôt. Au revoir. Salut, Marie. Merci, Charlie, d'avoir appelé. Michael, tu peux faire une dédicace juste avant? Eh ben, vas-y aussi, il y a une seule personne, choisis la bonne. Une dédicace à Célia, je pense que pour elle. D'accord, le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut, gros bisous, Charlet, à bientôt. Salut. Ciao, on va récupérer Johan dans quelques minutes. Et puis on va surtout donner la réponse à la colle avec Michel. Michel qui est là de Vitrimont en Meurthe et Moselle. T'es toujours là, Michel? Michel? À chaque fois, il met 2 heures à répondre. C'est dingue, ça. Michel! Ce serait con de perdre. Pour ça, bêtement. Michel? Ah bah, t'as pour repartir, pour reparler. Ah. Michel! Oh bon, attends, je vais le raccrocher au nez, tant pis, on va le rappeler, on verra bien comment ça va se passer. Oh là là là, mais celui-là. Attends, je le rappelle, et si c'est le répondeur, tant pis, on appellera le gagnant. Ah bah tant pis. Bah, voilà. Allez, hop. Eh bah voilà, comme ça c'est fait, hein. Écoute, tant pis, on va essayer de rappeler un coup aux antennes. En attendant, c'est pas grave. On va donc appeler un gagnant ou une gagnante éventuelle. C'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond bien à la question, eh bien ce sera gagné. Allez hop, on essaie de rappeler Michel. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Allô. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Claudie. Salut Claudie, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio? Non. Si. T'as vu? Non. Mais si. Oh. Et il y a Michel. Mais oui, salut Claudie. Que tu vous écoutes et tous les soirs je suis avec vous. Ouais. C'est vrai? Cool. Oui. Et même quand on change d'horaire comme ça, t'es avec nous quand même? Oui. Cool, bah c'est gentil, merci pour ta fidélité. Juste, t'es une fille? Bah oui, Claudie. Non, c'est un éléphant rose. Non, mais c'était pour être sûr, parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de filles qui écoutaient cette émission. Alors. Oh, c'est ça. Mais si, vous êtes là, les filles. Bon. Non, je ne dis rien sur mon physique, parce que toi, t'es vicieux. Moi, vicieux, alors, complètement, pas du tout. Complètement. Bah, du tout. Déjà, si tu es sur Mike, là, j'y suis, et on voit ma tête. Alors après, je ne dis pas le reste. Hein. Ah bon. Bah, non, parce qu'il t'offre, il est des copains. Ah oui, ça, de ce côté-là. Et je me l'adore quand même. Oh, bah écoute, c'est le principal. Je me l'adore, oui. Bon, Claudie, attends, parce que t'es là pour la colle, toi, pour repartir peut-être avec un chèque, enfin, un bon d'achat, 200 euros de bon d'achat dans une centaine de magasins, donc t'auras de quoi faire. Si on aura en campagne, tu crois? Si, mais bien sûr, évidemment qu'il y en aura, bien sûr, Claudie. Si tu trouves la bonne réponse à la colle de Michel. Bon, Michel, est-ce que t'es de retour? Oui, je suis de retour. Ah, très bien. Alors, on y va, Michel, fais péter la colle. Alors, la colle. Où trouve-t-on des rivières sans eau, des forêts sans arbres et des villes sans maisons? Alors? Une carte atlas. Alors la réponse est dans un atlas. Oui, une carte atlas, oui, bon, mais c'est ça, c'est des... C'est pas vrai. Ah oui, non, mais attends, Michel. Là, tu chipotes, tu chipotes. Ah, oui. Voyons. Bah oui. Dans le sud, on est chaud, Eh oui, on est chaud, Claudie. Bah bravo en tout cas, le bon d'achat de 100 euros, ouais, c'est pour toi. Merci pour les marmandés. Félicitations. Eh ben voilà, salut à toi Claudie. Ah merci. Je t'embrasse. Bisous à tous. Salut, ciao. Bon Michel, malheureusement c'est perdu, mais on va quand même te filer des petites tenues sexy pour ta copine Playboy. c'est cool. Bon, ben, je t'en prie. Avec plaisir. Salut à toi, Michel. Salut, à plus. Ciao, à bientôt. Ciao. Bye. Et en parlant de jeu, je rappelle aussi qu'aujourd'hui et demain, comme hier d'ailleurs, on va faire un jeu avec vous. On a besoin de quelqu'un qui va donc appeler une copine ou un copain et lui faire croire qu'il ou elle veut partir demain matin, direction n'importe où en France, puisqu'on va vous offrir la possibilité de partir en première classe avant la fin du mois d'août pour deux personnes gratos. Vous allez partir où vous voulez. Donc si vous êtes à Lille, vous voulez aller à Marseille, pas de problème, ça marche. Genre j'appelle, par exemple, je veux faire ça, j'appelle à Toff par exemple. Voilà. Et je lui dis ouais allô Toff, voilà, j'ai couché avec ta copine, mais en fait j'ai un petit cadeau pour toi. Demain on va à Bordeaux. Voilà. Est-ce que t'es prêt à partir demain matin, tes valises sont prêtes. Ouais. Si le gars ou la meuf qu'on appelle répond oui ok c'est bon, je te suis. C'est gagné. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de partir demain matin. Vous pourrez partir quand vous voulez, avant la fin du mois d'août. Voilà, okay. Si vous voulez jouer avec nous, c'est facile. Vous appelez maintenant le standard 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, ça se passe au 02 851 4x0. Et en plus, je vous offrirai aussi des cartes SNCF, histoire de pouvoir voyager moins cher, des cartes 18-27. Ou alors, tous vos potes qui voyageront avec vous jusqu'à 4 personnes, vous paierez le tarif préférentiel des cartes 18-27. Voilà, c'est avec la SNCF. On vous tient au jus évidemment et appelez-nous si vous voulez jouer, c'est maintenant que ça se passe. Appelez-nous donc 01 45 000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Bérangère avec nous maintenant de Basse-Normandie. Salut oui. Bérangère. Salut, ça va? Comment tu vas? Bah moi mal. Bien ou mal? Mal. Mal, bah, ah oui. Qu'est-ce qui t'arrive Bérangère là? Bah il m'a fait couru. Qui? Ça arrive. Mon mec. Ok. Oui, non, ça arrive dans l'idée. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas la première. Voilà, tu seras pas la dernière. Non, mais bon, ça me fait chier, quoi. Non, mais je me doute bien. Mais t'étais avec ton mec depuis combien de temps? Un mois. Depuis un mois? Ouais. Ah, ouais. Ouais. Bon, écoute, on va en parler dans quelques minutes. Reste avec nous, Bérangère. On va d'abord récupérer Johan. Johan. Allô. T'es là, Johan? Ouais, Johan. Ouais. T'es en forme? Ouais, j'en forme, moi. Bon, tant mieux. Bon, alors, Johan, toi, t'avais eu juste avant la pub et tu nous avais appelé parce que ta meuf t'avait plaqué, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben en fait, elle m'a plaqué et tout et j'étais tellement énervé. Je me suis tenté de me suicider et en fait, je l'aime encore, déjà vu. Bah oui, bah j'ai pas vu, mais je veux bien le croire. Mais écoute, c'est, pendant combien de temps vous étiez ensemble? Décidément, c'est cœur brisé ce soir. Cœur brisé FM. SOS cœur brisé, j'écoute. SOS cœur brisé, exactement. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis mal exprimé. Qu'est-ce que. Depuis combien de temps vous étiez ensemble? Je vais y arriver. Il y a 9 mois. 9 mois ou 9 ans? 9 mois. 9 mois, d'accord, ok. Et pourquoi est-ce qu'elle s'est barrée? Parce que je lui offrais trop de cadeaux et tellement que je l'aime, voilà. Comment ça, tu lui offrais trop de cadeaux? Elle s'est barrée parce que tu lui offrais trop de cadeaux? Ouais, je lui offrais trop de cadeaux et m'a viré, déjà vu. Tellement que je l'aime, voilà, c'est tout. Après, elle s'est barrée, voilà. Et t'es sûr que c'est pas parce que tu l'étouffais trop? Je sais pas. Ah si, je pense. Hein. Si, moi je pense qu'à mon avis, c'est comme t'étais amoureux, tu lui faisais des cadeaux parce que tu voulais lui faire plaisir. Sauf qu'à mon avis, tu devais l'étouffer, c'est-à-dire qu'elle pouvait rien faire, je parie. T'étais toujours sur elle, toujours en train de voir où elle était, pourquoi, comment, avec qui, etc. Non? Je sais pas. Bah si, tu dois ça quand même savoir si tu l'appelais souvent. J'ai fait trop de cadeaux et voilà. Non mais attends, on a compris pour les cadeaux. Non, la fille est pas partie parce que tu lui faisais trop de cadeaux. Je suis sûr qu'il y avait d'autres, il y avait d'autres problèmes. Genre effectivement, comme je le disais, t'étais peut-être trop jaloux, t'étais peut-être trop sur elle, t'étais peut-être trop, trop plein de trucs. Non, je lui ai fait trop de cadeaux. Non, on a compris, Toff, tes doigts. Non mais tu vois, c'est possible, non? C'est ça et après j'ai pas. Il lui a fait trop de cadeaux. Oh ta gueule, Toff. Allez hop, une minute au coin là, ça te fera les pieds. Oh là là. Voilà. Oh. Est-ce que je vais passer une dédicace, s'il te plaît? Non mais t'es sérieux là, Johan? T'as appelé que pour la dédicace en fait? Non, c'est pas ça, parce que tellement j'en peux plus et voilà, et je sais pas quoi faire en fait. Oui bah déjà passer une dédicace ça va pas te la faire revenir hein, je te le dis. Bon alors attends 2 secondes déjà, ça paraît pas mal. Reste avec nous, dites-nous si vous êtes déjà passé par là les filles. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des mecs qui vous prenaient la tête? Bah prenez la tête gentiment dans le sens où voilà, est trop gentil mais trop relou dans un sens. Vous nous appelez 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. On va en parler, on va en reparler dans quelques minutes. Et puis il y a Amandine également qui est avec nous là de Meurthe et Moselle. Salut Amandine. Salut Michel. Comment tu vas? Salut Amandine. Bah bien, nickel, et vous? Bah écoute, ma foi plutôt pas mal. Toff n'est pas là, t'as vu, t'as remarqué, c'est... Ça sent moins la merde. Ça sent meilleur, non? Ouais. Ah t'as vu, hein, il est puni encore pendant 10 secondes, donc profitons-en. Qu'est-ce qui t'amène, Amandine? Bah en fait, j'ai rencontré un mec ce week-end. Ouais. Et j'aimerais le retrouver. Attends, t'as rencontré un mec ce week-end et attends, faut revenir. T'as rencontré un mec ce week-end et tu veux le retrouver, quoi. T'as pas pris son numéro de téléphone. Non, mais en fait, j'ai pas pris son numéro. Ah bah c'est malin, bravo. C'est ce qu'on appelle la loose. Bah surtout qu'en plus c'est tellement simple. C'est tellement simple pour une fille d'avoir le numéro de téléphone d'un mec. C'est-à-dire que n'importe quelle meuf qui va demander le numéro d'un mec, 9 fois sur 10, elle l'aura. Mais en fait, il osait pas venir me parler, c'est pour ça. Eh bah, il fallait y aller. Tu sais, les mecs, c'est con, hein. Parfois, tu sais, il faut les prendre par la main, etc. Bah, c'est pour ça que je fais une petite annonce. Bon, alors, il était où? Tu l'as rencontré où? Il ressemble à quoi? Dis-nous. En fait, on s'est rencontré à un championnat de RCI. C'est quoi du RCI? C'est comme une discipline avec des chiens, enfin voilà quoi. Ah bon? Bon, l'avantage au moins c'est que si t'as l'écoute, il va se reconnaître direct ou pas loin. Hein. Attends, c'est quoi cette discipline? Comme voilà. Une discipline avec des chiens, ça veut dire quoi? Bah t'attrapes le chien et puis tu le fourres. Mais oh Tof, qu'est-ce qu'il est con celui-là, mais c'est dur ça quand même. Non mais c'est quoi du RCI? Bah c'est un peu comme l'agilité quoi, non? C'est comme un peu comme quoi? Comme l'agilité. Mais c'est quoi? On mais connaît pas, c'est nous. C'est rattrape le chien, intensément. Non, mais tu peux pas juste nous expliquer avec des mots simples en décrivant en deux mots le truc? Hein? Tu peux pas nous expliquer avec des mots simples, en deux mots, ce que c'est? Parce que on comprend pas, en fait, non, RCI, l'agilité. Je sais pas comment expliquer, il y a comme de la défense ou... Et puis il y a de l'attaque. Non, mais attends. Ah, c'est tu dresses les chiens? Mais non, mais c'est compliqué à expliquer, voilà. Ah ouais, bah oui, ça a l'air, ouais. Non mais imagine, on se rencontre. On est, toi, on a 12 ans. Toi, t'es hyper fan de ton sport là, de ton truc, et tu veux absolument que je vienne avec toi et que tu dois me donner envie de faire pareil que toi là. Qu'est-ce que tu me dirais? Bah, je sais pas. Bah, ah ouais. Eh ben, tu nous as donné grave envie. Ah ouais, attends, je vais donner un exemple. Quelqu'un qui aime le foot, quand tu lui demandes d'expliquer le foot, il va dire bah il y a des mecs en maillot avec un ballon sur un terrain, ils essayent de marquer. Voilà, bon, c'est ça, le ça donne foot. Envie de regarder le foot, mais bon, non, oui, mais... ça part du bon, d'un bon sentiment. Mais... Voilà, ça part d'un bon principe. Ouais, en mais cas. On sait ce qu'on comprend. Ce oui, que on comprend. Mais alors là, le RCI, c'est de l'agility, de la défense. C'est pas avec des chiens. Bon, attends, tu sais quoi, on va demander aux autres, tiens. Est-ce que vous savez ce que c'est du RCI là? Bah, dites-nous, hein, balancez vos messages et on vous passera l'antenne pour savoir. Appelez-nous 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. N'oubliez pas le hashtag Mickaël 20h minuit pour balancer tous vos messages. Bon, alors, eh ben vas-y, alors, Amandine, hein, donc t'as rencontré un truc de RCI là? Voilà, il s'appelle Alexandre. Hein. D'accord, il s'appelle Alexandre, très bien. Il habite en Ile-de-France. D'accord. Puis ben voilà, j'aimerais avoir son numéro pour essayer de lui parler, comme apparemment il voudrait aussi me parler. Ah oui, bah oui, qui a pris le numéro de téléphone, ça va être pratique. Ouais, c'est bien pour se parler. Si vous parlez comme tu viens nous expliquer le RCI. Ils vont peut-être se comprendre, ils font le même sport. Et alors, à part, il y a Fun de Fun qui dit c'est un chien qui saute par-dessus des obstacles, c'est ça? Bah non, pas trop. Non, pas vraiment. Pas exactement, parce que c'est comme, du dressage. Non mais je me disais bien que ça devait être trop simple. Bon, et ben Amandine, reste avec nous. Si jamais on a Alexandre, au moins comme ça, on va peut-être pouvoir savoir ce que c'est que le RC. Exactement, et puis surtout on va te mettre en contact. Donc reste avec nous Amandine, on va voir Ella, dans quelques minutes de Marseille, qui voulait réagir par rapport à Johan. Et puis bah vous toutes et vous tous en direct. Alors apparemment ce serait même la meuf de Johan qu'on aurait au téléphone avec Ella. Oh c'est bon ça. Ne bougez pas de là, on se met ça dans un instant. Il y aura aussi, comme je l'ai dit, on va chiller avec Mr Probs. Ce sera Waves dans quelques minutes sur Fun Radio. Love in Fun est en vacances. Mickaël nos limites. Mickaël prend le contrôle de 20h à minuit sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, on est de retour sur Fun Radio en direct avec 30 minutes sans pub avec Quentin qui dit je suis probablement pas la personne concernée mais je veux bien son numéro. Ça m'étonne pas, tiens. Fiona aussi, je peux avoir un message de bienvenue bien hard. Ça fait depuis. Attends, c'est quoi? Ça fait depuis le début de la création de l'émission, le 10 juillet 2013, que je vous écoute. Mickaël, 20h minuit. Cool, Fiona. Bah, merci, tiens. Ça te mérite effectivement un petit message de bienvenue. Tu veux que je te défonce le cul, espèce d'enculé. enculé. Voilà, mais il était sympa, il était gratuit, c'était comme ça, c'était fait. Bon, on s'écoute le son de Mr. Waves, Mr. Probs avec Waves. Je vais te remettre dans l'ordre, vous allez voir, ça ira mieux. On va se faire également le karaopé dans quelques instants sur Fun Radio, le jeu de la SNCF pour partir avec un de vos potes ou votre copine pendant les grandes vacances. Gratos en première classe partout en France. Appelez-nous, on joue dans quelques minutes sur Fun Radio. Le son de Mr. Probs à l'instant sur Fun Radio, c'était Waves. Préparez-vous à passer des vacances de ouf. Fun Radio. Mickaël No Limit. Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. On est en direct. Bon alors ça y est, apparemment on a enfin trouvé. Il y a Valou qui nous a mis le lien Wikipédia pour savoir... Pardon, oula, je suis en train de m'étrangler. Pour savoir ce que veut dire le RCI, mais il dit... J'ai pas tout compris. Bon, alors attendez. Je suis sur la page. Le règlement de concours international, donc RCI, règlement de concours international, connu réglementairement sous le terme de RCI, est un programme de concours pour les chiens d'utilité proposé par des organisations cynologiques nationales. Oh putain. La Société Royale Saint-Hubert pour la Belgique, la Société Cynologique de Suisse pour la Suisse, etc., etc. Il comprend des épreuves de pistage, d'obéissance et parmi les programmes de sport canin, alors non. Oh putain, j'ai rien compris. Ouais bon, tu t'occupes c'est de chiens. C'est des dresseurs quoi. C'est ouais. Des dresseurs pour les trucs publics, je pense que c'est pour les aveugles, tout ça. Ouais, tu t'occupes il de chiens. Semble. Voilà, c'est ça. Ah, bah attends, il y a Sébastien qui est là, qui lui voulait expliquer la RCI. T'es là Sébastien? Ouais, salut Mika, ça salut va? Salut à toi Sébastien, ça va bien et toi? Ouais, nickel, ça va. Bon, alors Amandine est toujours là, donc c'est elle qui recherchait le mec, le Alexandre, là, qu'elle a rencontré dans un concours non, RCI. C'est pas moi. Mais non, bah je sais. Mais qu'est-ce que le RCI? En fait, c'est un truc, c'est plusieurs disciplines sportives dans le monde canin. C'est tout ce qui comprend en fait le dressage, si tu veux, t'as le mordant, l'attaque, le ring, tout ce qui est défense du maître, et avec plusieurs obstacles à franchir avec un chien. D'accord. Et voilà, tout ce que, comme tu l'as dit précédemment, c'est tout ce qui est, tu as le pistage, le dressage, l'agility. En fait, ça comprend plusieurs disciplines et c'est un grand concours, quoi. International. D'accord. Okay, je fais d'accord. Ça avec Toff, le mordant, tout bien ça. Sûr. Je fais ça. Bien sûr, mais le Toff aussi, on a mis des petites barres, il fait ses obstacles. Ouais. Bah ouais, quand il arrive sur le il saute et tout. Non, mais il se met bien. On lui fait le mordant surtout. Et à la fin, je mords les couilles de polo. Voilà. Ça dépend ce qui mord. Ça, oui. Après, oui, c'est ça. Ça dépend ce qui mord, c'est vrai. Bon, et donc, bah du coup, bah merci Sébastien pour l'explication. Bah, pas de soucis. Bah, très bien, ça marche. Salut à toi. À bientôt Sébastien, ciao à toi. Bon, bah du coup, Amandine, le message est passé. On sait ce que c'est la RCI, tout va bien. Et puis, bah si on te retrouve le Alexandre, là, bah on manquera pas de te mettre avec lui, en contact avec lui. D'accord, bah ça marche, bah, écoute, c'est cool. Bah c'est parfait, ça marche. Salut Amandine. Salut. Ciao, à bientôt. Bon, alors, on va continuer dans quelques minutes avec les appels de Toff, toujours par rapport au nudisme. Donc, si vous êtes nudiste ou si vous avez déjà pratiqué, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Vous nous appelez maintenant au 01 42 48 5000 et au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Nous allons récupérer Johan de Marseille avec sa meuf qu'il a quittée parce qu'il lui offrait trop de cadeaux. Et on a Ella qui est donc la meuf de Johan. Ella, enfin l'ex-meuf de Johan. Ella, oui. Ella, oui. Elle est là. Oui. Très bien. Alors, Ella, je suis ravi de t'avoir. Attends, on va mettre Johan de côté, on va le reprendre dans quelques instants. Ella, est-ce que Johan, puisque t'as écouté l'émission, j'imagine, sinon t'aurais pas appelé. Oui. Voilà. Est-ce que tu l'as quitté parce qu'il t'offre trop de cadeaux? J'ai un peu de mal à le croire, mais au moins comme ça j'ai ta version. Au cadeau, il est étouffant. Ah, j'ai téléphoné mes messages. Je le savais. J'en étais sûr que c'était ça. Donc il n'y a pas que les cadeaux, c'est pas le problème des cadeaux, que c'est pas pour ça que tu l'as viré. Il y a pour ça et par rapport à il me surveille. Oui, oui, non, mais d'accord. Ouais, oui, voilà, mais c'est donc pas pour les cadeaux. Donc, bon, Johan. Ouais. T'as vu que c'est parce que t'es trop sur son dos. Il faut la laisser respirer. Comment tu veux qu'elle fasse? Évidemment qu'elle va en avoir marre. Après, elle s'étouffe. Mais oui. Ouais. C'est en fait que je l'aime et je peux pas m'empêcher de l'avoir. Mais oui, mais en fait, je te donne un exemple. C'est comme tu dis là, je l'aime alors je la mets en prison, comme ça je suis sûr qu'il lui arrive rien. Mais c'est pas l'aimer ça. Mais sûr que non. Bah c'est pareil, quand t'es sur elle tout le temps, quand t'es toujours en train d'étouffer, lui envoie des messages tout le temps, toujours jaloux pour savoir où elle est, pourquoi, avec qui, comment, et que tu la contactes tout le temps, bah c'est comme une prison, c'est-à-dire qu'elle peut rien faire, elle va t'avoir sur le dos tout le temps, non-stop, on dirait un petit chien qui est là, ou même un gardien plutôt, voilà, c'est plutôt l'exemple, un gardien qui est là pour voir tous ses faits et gestes, même si ça part d'un bon sentiment, c'est pas bon. Ouais. Ah oui. Ouais, ça va, je lâche, je laisse alors. Ah bah il faut lâcher, bah là c'est trop tard maintenant mais c'est jamais trop tard. Bah je sais pas, ça dépend, c'est Ella qui peut le dire. Est-ce que tu penses qu'il y a encore moyen de recoller de rabibocher ou c'est mort? S'il fait un effort Ella. Bah ouais, mais à combien de temps qu'il soit plus trop sur mon dos? Non mais voilà. T'as compris Johan? Johan, il faut j'ai compris. Non, parce que ça c'est la réponse d'un mec qui n'a pas compris et qui dit j'ai compris, comme ça il a nouveau une chance et il va refaire pareil. Mais vraiment, c'est la vérité, voilà. T'es sûr que tu vas faire l'effort, hein? Bien sûr, je te jure. Très bien. Bon, sinon, si jamais tu fais pas l'effort, je t'envoie Toff et tu lui tapes sur la gueule. Tu n'as pas compris le rapport. C'est eux comme et ça. Moi, ce que je veux dire, c'est un mentant. Eh ben, elle t'entend, elle est là, elle est au standard en même temps que toi, là. Et ça va. Moi, ce que je veux dire, c'est que je l'aime et je la lâcherai jamais. Et que là, je vais laisser Juliette. Mais après, faut pas trop déconner. Ce que je veux dire par là, c'est que je serai pas besoin derrière son dos. Mais tu seras toujours là. Non mais, Johan, je t'explique. Ouais. Il faut que tu aies la confiance. Il faut que tu aies confiance en elle. Oui, si elle t'aime, elle ira pour avoir ailleurs. Et il y a pas de problème. Maintenant, faut pas que tu la prives d'avoir des amis garçons ou filles et que tu la prives de tout. Elle fait sa vie. Voilà. Je ne veux pas de tout. Je ne veux pas de tout. Mais moi, ce que je veux, c'est son amour. C'est tout. Je mais oui. Quand même, moi. Mais voilà. Mais le problème, c'est moi. Je l'aime. Je l'aime trop. J'ai compris. Je comprends ça, Johan. Mais c'est en agissant comme ça que tu risques plutôt de la perdre. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord, ça va. Donc il faut que tu réfléchisses et que tu la laisses vivre. Si elle te trompe un jour ou si tu apprends qu'elle t'a trompé, là tu la vires. Ce sera une salope, tu l'appelleras comme tu veux, pas importe, je m'en fous. Mais laisse-la vivre, voilà. Oui. Toi, elle est pas toujours derrière ton dos. Promis, ça m'entend que je l'aime. Elle est là. Tout ce qu'elle veut faire, c'est tout. Mais après, il faut pas qu'elle me prenne pour un con aussi. Mais tu vois, Johan, le problème, c'est qu'elle ne prendra pas pour un con parce que c'est qu'elle-même. Alors, ne le précise pas, tu t'en fous, tout va bien. Offre-lui des cadeaux. Mais non, mais déjà calme-toi aussi un peu parce que tu vas pas l'acheter avec des cadeaux. Tu peux lui offrir une petite rose de temps en temps ou un petit resto, tout ça, ça c'est cool. Mais il faut pas le temps arriver avec des cadeaux. D'accord, ok, ça va. D'accord, parce que non. Acheter des cadeaux, parce que moi quand j'achète des cadeaux c'est pour prouver que je l'aime encore plus. Mais là, offre-lui des coups de bite, ça suffira. Oh Toff, putain. Bon, Ella. Ouais. Bon, je te laisse avec Johan hors antenne et puis vous vous rabibochez un petit peu et puis tu nous tiens au courant. Ça va. Bon, on fait comme ça roule. Va. Bon, allez. Ouais, vas-y, Johan. Bah, Ella, je m'entends, je t'aimerai toujours. Et j'aimerais bien que tu ressortes avec moi parce que je t'aime. Oh c'est beau. C'était magnifique. Mais moins lourd Johan, moins lourd hein. Oh, mais ça va, Bon allez, je compte sur toi. Salut Johan, salut Ella. Ciao Mickaël. Ouais vas-y Ella, une seule personne, choisis la bonne. Ce sera Johan. Mon amant, Frédéric. Non, c'est beau. Eh, franchement, je suis fan de nous là. Ouais, c'est ce beau. Ce qu'on là. A fait, c'est beau. T'as vu ça en 30 secondes, tac, tac, tac. Quel talent, Mickaël. Retournement de situation. Et on s'est mis bien là. On s'est mis pas mal. Et puis en plus, on y croit. Ouais, suspect, ce mec. Salut, Ella. Ta gueule. Je te fais des gros bisous, Ella. Je t'embrasse. Et aussi, à mes 19h. Ciao. Bon bah voilà, hop là. Une bonne chose de faite. Tu vois, maintenant, au moins, je pourrais aller dormir tout à l'heure en me disant qu'on a servi un truc. C'est vrai, beau. Eh, franchement, j'ai failli pleurer là. T'as la larme à l'œil. Mais pas pour ça, c'est parce que Toff, j'ai vu la gueule de Toff et c'était tellement horrible que j'ai failli pleurer. Bah oui, je peux comprendre. De dégoût. Tiens, il y a un message qui dit on pourrait faire un petit best-of des conneries de Toff. Oui, il y en aurait trop, on ferait l'émission avec ça. Il y a Robin aussi. Salut, la RCI est un concours canin où on fait des sauts d'obstacles et de l'obéissance et du mordant avec des chiens. Oui, voilà. C'est ce que je fais avec Toff. Du mordant et de l'obéissance. Et Loïc qui dit les meilleurs parcs sont Europa Park et Port Aventura avec son Shambhala. C'est un truc de malade. Il y a Romain aussi. Toff, le Sgegaler, ça doit être dégueulasse. Bah, j'imagine. Pas du tout. Déjà en tenue Playboy, c'est dégueulasse. Non pas pour le tenue, mais pour le corps. Hein. Il y a la vidéo qui traîne toujours sur internet, notamment sur la chaîne YouTube de l'émission. Tapez simplement Mickaël officiel si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. C'est quand la team YouTube est passée nous voir, c'était avant-hier. Allez voir ça. Et je rappelle qu'il y a toujours les sous-vêtements Playboy à gagner. Pour gagner, c'est très simple. Il suffit simplement d'aller sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Vous allez voir les photos des tenues pour garçons et pour filles Playboy qu'on a à vous offrir. On en a déjà offert tout à l'heure. On en offrira encore tout à l'heure également avant la fin de l'émission. On va faire le jeu SNCF également dans quelques minutes. Ce sera avec Kamel et puis on va surtout récupérer Bérangère. Oui. Bon, qu'est-ce qui t'amène toi alors, rappelle-nous, resitue. Bon, qu'est-ce qui malheureuse. Va pas, allez, encore une peine de cœur là. Bon, on va arranger ça. Qu'est-ce qui va pas? Bah, ce qui va pas, c'est ta voix. Non. Ouais. Je plaisante, bébé. Bérangère, je plaisante. Ah, bébé, c'est bébé. Qui oh l'autre, il se la ramène. Bébé. Bon, ouais, alors vas-y, qu'est-ce qui va pas là, explique. Bah en fait, c'est ça, c'est... J'ai confiance en lui. Et... Attends, parce qu'on sait pas même pas de qui tu parles. Bah de mon mec. Bon, ok, ouais. Ouais. faisais confiance. Et en fait, j'ai une amie, elle m'a dit, va voir sur Facebook. Ouais. Donc, oui, sur Facebook, moi, je peux pas y aller sur mon portable parce que j'ai oui, moyen de paiement. Ok, ouais, ouais, voilà. Bon, peu importe, vas-y, continue, ouais. Et puis, elle m'a dit, il est en couple. Je suis comment ça, il est en couple. Comment dit, attends, c'est quoi ce délire? C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que j'ai colère? C'est quoi ce délire? Voilà. Et puis, en fait, là, je suis pas bien. Ah bah oui, forcément, mais ça faisait combien de temps que t'étais avec lui? À moi. Ah bah oui, ça va. Bah non, mais ça va, c'est parce que t'es pas dans le cas. Ouais, mais c'est confiance, hein. Bah oui. Il voyait mon fils, il voyait mes parents, il venait souvent à l'hôpital me voir. Ah oui, et là, c'est mort. Là. Oui, bah oui. Bon, est-ce que vous vous êtes déjà fait prendre pour un con, tiens, justement, là? N'hésitez pas à nous appeler maintenant. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, reste avec nous, Bérangère. Hein. Oui. Il y aura le caropé dans quelques minutes là en direct avec Justine, avec Loïc, avec Patricia, avec vous aussi si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas, le caropé arrive dans quelques minutes. On a également, bien entendu, les appels de Tof qui vont débarquer. Et puis on va évidemment faire le jeu de la SNCF maintenant avec Kamel qui est avec nous. Salut Kamel. Salut Mickaël. Comment ça va, Ça va et toi? Bon, très bien, oui, en pleine forme. Alors, Kamel, on va jouer ensemble maintenant. Le principe est très simple. Alors, depuis hier, on offre donc des voyages pour aller n'importe où en France avec la SNCF en première classe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah bah ça va. C'est même la plus que bonne nouvelle. Et donc, le principe est très très simple. On va donc appeler c'est ta copine maintenant, c'est ça? Voilà. D'accord, ok, très bien. Tu vas donc lui dire que, bah voilà, t'as décidé de partir et que, bah vous partez, donc toi et elle, demain matin. Voilà, t'es où? T'es à Lyon, toi, c'est ça? Enfin, ouais, loin. C'est ça, à Lyon. Ouais, on, on va dire que, t'es pour trouver un truc assez loin, on va dire que tu veux partir à Lille. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on va dire que tu veux partir à Lille et tu lui dis, bah écoute, voilà, on part demain matin, fais tes affaires, prépare tes affaires, on part demain matin. Ok? Si elle dit okay, oui, tu gagnes la possibilité de partir avec elle ou avec qui tu veux, hein, en tout cas, c'est un an. Tu pourras toujours te trouver une autre meuf, quoi. Ouais, c'est en première classe, tu vas pouvoir partir avec la personne de ton choix pendant les grandes vacances où tu veux en France. Voilà, aller-retour, première classe, pépère. Et en plus de ça, la carte 18-27, tu vas pouvoir voyager avec tes potes, là, jusqu'à 4 personnes avec prix pas cher. Voilà, justement. Ah bah ça va, c'est cool. T'as vu un peu. Bon, on y va, on l'appelle. Allez, c'est parti, comment elle s'appelle elle? Fatima, d'accord, ok, allez, vas-y, sois bon. Et peut-être pour toi la possibilité de partir en première classe. Allez. Allô. Attends une seconde Kamel, elle va pas décrocher. Ça pue le répondeur ça. Ce serait dommage. Ouais. Ou alors elle va décrocher. Ouais. Pourquoi c'est un numéro masqué? 07. Ah merde. Ah là, merde. Ah c'est dommage. Attends, on va rappeler encore un coup là. Au pire, Kamel, tu peux pas lui envoyer un petit SMS en disant machin, j'essaye de t'appeler. Attends, on réessaye encore un coup. Si jamais ça va pas, tu lui envoies un message et on la rappelle juste après. Ok. Attends. Ah, il va falloir lui envoyer un texto, je crois. Non, merde, bon bah tant pis. C'est pas grave, envoie-lui un petit SMS, Kamel. On va s'écouter le son de David Guetta et juste après, on la rappelle, d'accord? Ok, pas de soucis. Bon, allez, bouge pas, tu lui envoies un message, merci. Tu dis écoute, je dois absolument t'appeler, décroche, je te rappelle dans 2 minutes. Ok? Ok, bah y'a pas de soucis. Bon, on fait ça, bah bouge pas, Kamel. On va se faire le karaopé également. On aura Erwan, on aura toujours Bérangère. Hein, et d'ailleurs aussi, dites-nous si vous vous êtes déjà fait prendre pour une conne comme la pauvre Bérangère là qui sortait avec un mec depuis un mois. Tout se passait bien, sauf qu'il y a sa meilleure amie qui lui a dit bah écoute, j'étais voir sur son Facebook. En fait, il est maqué. Il est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Alors, du coup, évidemment, elle le vit un peu mal. Normal. Appelez-nous. En gros, est-ce que vous êtes déjà sorti avec des mecs comme Tof? Hein, grosso modo, pour résumer, c'est ça. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Pour nous appeler, il y a Alex sur le Facebook qui dit je regarde la télé, je me fais tellement chier que je l'ai éteinte pour vous écouter. Ah bah, voilà. C'est bon ça. T'as bien fait. Et Mickaël qui dit trop cool votre émission. Merci beaucoup Mika. Bienvenue à toi. On est sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est en mode 20h minuit toute la semaine pendant les vacances. Et on écoute comme promis le son de David Guetta avec Showtech que vous avez découvert sur Fun Radio dans Party Fun. Le titre c'est Bad sur Fun Radio. Bonne soirée à tout le monde. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit. Fun Radio. Et oui, toujours en direct, 22h30. J'avais dit que je vous tiendrai au courant également. Il y a toujours le match hein, pour ceux qui veulent suivre mais qui peuvent pas parce qu'ils sont peut-être pas forcément chez eux ou qui n'ont pas la télé, je sais pas. Reste 2 minutes de jeu dans le temps réglementaire pour le Real face au Bayern Munich. Et c'est toujours 1-0 pour le Real avec un but de Benzema. Voilà, il y a Tirefall aussi sur le Twitter qui dit pourquoi il y a Cutoff qui se fait mute. Je lance un appel à la rébellion. Mais ça sert à rien Tirefall de 1 parce que c'est moi qui envoie les sons. Ah voilà, c'est la première chose. Et de 2, bah parce que c'est lui qui dit que de la merde en l'occurrence. Non, il y a Polo et je trouve qu'il devrait être sanctionné aussi de temps en temps. Je crois que ça lui est déjà arrivé une fois. Quel ballon celui-là. Mais exactement. D'ailleurs, pour la peine, non, on va faire les appels. Il y a Fan de Fun qui dit ma mère vous embrasse aussi. Et bah tant mieux, Fan de Fun, tu l'embrasseras pour nous. Moi aussi, et alors, ta mère. Un message de Laura qui dit moi j'aimerais faire Lucky Lucky, mais j'ai peur. C'est quoi Lucky Lucky? À mon avis, une attraction, mais je sais pas où. Bon, il y a Lizzie qui dit j'ai le t-shirt Playboy. Bah cool, ça doit donner, ça doit être pas mal, ça doit être bien donné. Et puis les vidéos de Jimmy qui dit j'adore ton émission, je t'écoute grave. Merci les vidéos de Jimmy. Continuez avec vos messages, hein. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. N'oubliez pas également qu'il y a le Twitter et le Facebook pour discuter tous ensemble. N'hésitez pas, vous tapez hashtag Mickaël 20h minuit pour balancer vos messages. On fera le top tweetos tout à l'heure et rejoignez-nous également sur le Facebook. Vous tapez Mickaël officiel, on vous attend. Et on vous accueille évidemment avec plaisir. Bon, avec plaisir également, c'est les amis de Toff. C'est vraiment un pauvre mongol, je te jure. Que nous allons appeler maintenant, comme tous les soirs. Oui, mais c'est parce qu'ils méritent que je les appelle. Mais tout à fait. Je rappelle que nous sommes tombés sur cette information qui dit que à Berlin, dorénavant, il est possible de visiter la ville nue. Et ça, c'est chouette. Exactement. Du coup, on appelle des gens depuis tout à l'heure. Grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On appelle des gens afin de leur demander s'ils sont nus en ce moment même. Exactement. Ou s'ils sont nudistes, en gros, quoi, voilà. C'est ça. Voilà. Ben, merci pour tous les numéros que vous nous avez envoyés. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'a pas le temps de tous les appeler, mais on fait au mieux. Et on en appelle l'un d'entre eux maintenant. J'espère qu'il sera bon ou bonne. On va voir. Est-ce qu'on va pouvoir... Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Ouais. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme aimait se promener nue, monsieur. Hein ? Est-ce que votre femme aime se promener nue, monsieur ? T'es qui, toi ? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Ah, ben, nique ta mère. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur ? Ben, tu es enculé, qu'est-ce que tu veux me parler ? Pourquoi tu m'appelles, là ? T'as rien de ta faute ? Ben, non, en fait, je veux juste savoir si votre femme aime se promener nue, monsieur. Et ma main dans ta gueule, tu l'avais ? Bah, non, pas spécialement, monsieur. Oh, non, mais... non, mais je comprends pas, monsieur. Allô ? Bah, non, puis je comprends pas, il a raccroché. Ah, bah, bon, oui, mais bon. On va le rappeler, attends, bouge pas, hop là. C'est parti, on remet le couvert, on rappelle. Juste après, on fait le jeu SNCF hein, avec Kamel. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, j'étais au téléphone avec votre mari et je voulais savoir si vous aimez vous promener nue, madame. Alors, j'adore ça, mais c'était pas mon mari. Vous avez parlé à un gamin de 16 ans. Ah oui, donc, d'accord. Donc, ce genre de questions, ça se pose pas. Ah. Et vous manquez sérieusement de respect. Bah. Donc, je vous remercie d'oublier ce numéro. Bah, et oui. Vous allez vous faire voir, d'accord ? Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question, madame. Allô ? Ah merde, et nous voir partir, dommage. Oh. Bon, c'est pas grave. C'est genre un mis gamin à l'amende de 16 ans. Par la mère. Ouais, c'est ça, c'est genre un gamin de 16 ans. C'est bon, ça va. Elle fera bien de l'éduquer. Ben oui, mais c'est ça, n'importe quoi. Bon, allez, vous n'hésitez pas, évidemment, si vous avez encore des numéros à proposer, sur le mail de Toff, on fera encore un appel tout à l'heure dans moins d'une heure. Vous allez sur toph@funradio.fr. Nous allons récupérer Kamel, t'es là, Kamel ? Kamel ? Oui, allô ? T'es là, Kamel ? T'as envoyé le texto à ta copine ? Ouais, j'ai envoyé, j'étais juste au volant là. Ah bah parfait. Bon, alors, allez, fais attention au volant, t'as le kit Malib là quand même. Ou t'as non, arrêté. Non, même pas, je me garde deux secondes. Bon bah alors garde-toi, j'ai pas envie qu'il y ait un carton en direct, moi. Voilà, tu te gardes. Ça serait bon pour l'audio. Arrête, pauvre con. Surtout que je travaille dans une auto-école en plus. Ah bah bravo. dis-moi un truc, je veux passer mon permis moto, tu peux m'avoir un tarif ou quoi? Mais oui. Ouais. Ah, tu vas tomber en moto, tu vas t'énerver sur tout le monde. Je vais mourir, comme un rebelle, comme j'ai vu un mec tout à l'heure là, c'était porte-maillot, putain, c'était une bonne femme. T'avais une meuf en auto-école avec le moniteur, donc tu sais la meuf, elle est en auto-école, il est marqué auto-école, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Tu ne sais pas encore rouler, tu vois? Tu apprends. Ah, oui. La meuf, elle est sur la porte-maillot, c'est vrai qu'il y a plein de bandes, ça va de partout. Et la meuf, elle avance vraiment doucement, et puis à un moment, elle cale. Il y a une meuf qui arrive derrière, qui klaxonne et tout. Putain, j'avais envie de lui dire, espèce de pauvre connasse, va. Tu sais même pas rouler en plus, toi non plus. Et t'es en train de la stresser, la meuf qui est devant, comment tu veux, elle va jamais réavancer là. Bah oui. Ah putain, il y a des gens, ils sont vraiment cons, quoi. Vraiment. Alors qu'ils sont passés par là, ils ont galéré comme tout le monde. Voilà, c'était dans une Renault Clio verte, donc c'était vers midi, si tu te reconnais, t'es une salope, connasse. Voilà. Salope. Je voulais le dire. hop, c'est fait, c'est plié, comme ça au moins c'est fait. On chie sur ta voiture. Kamel, on va donc appeler ta copine maintenant. Comme je te le disais, c'est le jeu de la SNCF. Le principe est simple. Tu vas lui faire croire que tu veux partir là, demain matin avec elle. Premier train qui part pour Lille. Si elle te dit oui, ok, je te suis sans poser de questions. Enfin, sans poser de questions, façon de parler. Hein. Mais si elle te dit oui, eh ben, tu repars avec la possibilité d'avoir... la possibilité de partir donc en première classe avec la personne de ton choix pendant les grandes vacances pour aller où tu veux, d'accord? Bah de toute façon, si elle dit oui, je pars avec elle. Oui, ça, ah bah c'est... si elle dit non, tu la vires. Et si elle dit non, tu la vires, c'est ça? Ah bah c'est ça. Ouais, si bah, tu lui dis, tu rentres à pied. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle, bonne chance. J'espère qu'elle va décrocher, hein. Tu lui as envoyé un petit texto là parce qu'elle nous a mis son répondeur. Pourquoi t'appelles en masqué? Si elle décroche, ça va être ça. Pourquoi t'appelles en masqué? Et voilà, tu vois. Allô? Allô? Oui, allô. Ça va, c'est Kamel. Tu le dérange pas? Ça va. Ouais, c'est quoi? Je suis déçu. Moi, je vais aller manger. Ah, d'accord. Je veux te dire, est-ce que ça te dit de venir avec moi demain à Lille? Quoi? Je fais tes valises et on se barre. À Lille? On va à Lille, ouais. Pourquoi faire ça? Tu me suis? Pourquoi pose faire? Pas de questions, pose pas de questions. Tu fais ta valise et demain matin, 8h, on va à Lille. Quoi? Ouais. Ça va pas, on va à Lille, pose pas de questions. Qu'est-ce qu'on va foutre dans le nord? Il fait froid. Bah vas-y. T'es sûr? Bah demain je te récupère à 8h et on prend le train et on va à Lille. Pose pas de questions et tu verras comment ça va se passer. C'est quoi ce délire encore? Peut-être elle croit qu'elle va avoir une surprise. Je sais pas, hein, ça se passe, une surprise. T'appelles ton boulot demain matin très tôt et tu leur dis que tu viens pas bosser, t'es malade, et puis voilà. Mais toi, tu bosses pas? Bah, on s'en fout, on va entre potes! Quoi? On va entre potes! C'est avec des potes, en fait. Ouais, on va entre potes, on va à Lille! On va entre potes avec et Mousse. On va à Lille. Ouais, on va s'éclater! Il y a Youssef, il y a Mousse! Voilà! Et il y a Diouf. Il y a Bon, bah c'est bon, tu viens? Putain, c'est nul, ça. Oh, ça, c'est nul. Bon, on a peut-être pas tant spécialement entendu la vanne de Toff, et Dieu merci. Bon, Fatima, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ok, d'accord. Ouais, et je t'appelle en fait parce que le but, parce qu'on fait le jeu de la SNCF toute la semaine. Et le but du jeu, c'était simplement d'appeler quelqu'un, donc copain, copine, peu importe. Lui faire croire qu'on part le lendemain matin. Et si elle dit oui, bah du coup, lui, il vient de gagner deux billets pour aller n'importe où en France, en première classe, pendant l'été. Voilà. Ah ouais, vous allez... c'est lui. Voilà. Mais non, toi aussi, du coup. Enfin, ouais, il t'invite, après il fait ce qu'il veut. Hein. Après, il fait comme il veut. S'il a envie de partir avec un pote, il fait comme il veut. Mais en l'occurrence, là, Kamel, tu vas pouvoir partir avec Fatima. Voilà, comme j'ai dit au début, si elle disait oui, je partais avec elle. Et ben voilà, en première classe en plus, ce qui n'est pas Ah bah super, hein. Ce qui n'est pas négligeable. Et en plus de ça, t'as quel âge toi, Kamel? 25. Et Fatima, t'as quel 25. Âge toi? 22 ans. 22 ans, bah c'est parfait. Je vais aussi vous filer à tous les deux la carte SNCF 18-27 pour voyager moins cher. Ah, c'est super gentil. Avec grand super plaisir. Sature. Ça va, Fatima? Sature, t'es un peu surprise là. Bah ouais. Elle sait pas très bien où elle est, elle a raison. C'est grave. Bah voilà, bah Fatima, on te fait des gros bisous quand même. Mieux, ça fait plaisir. Eh bah t'as vu, tu pars en vacances gratos, c'est quand même sympa. On dit merci qui? Jean-Pierre Michel. Non, SNCF et Fun Radio si tu veux, mais bon. Qu'est-ce qu'il est court avec son Jackie et Michel, ce mongol. Oh là là. Non, ça c'est drôle. Ouais, tu parles. Il mérite une baffe dans sa gueule, mais ouais, c'était drôle vrai, quand même. Voilà. Salut Fatima, salut Kamel, je vous embrasse, à bientôt. Salut, merci. Ciao. Allez, bye à vous, bye bye. Bon, allez, on va se faire le karaopé dans quelques minutes sur Fun Radio. Et on va surtout récupérer Bérangère dans quelques minutes. Et il y a Erwan aussi. Salut Erwan. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, très bien, on t'a vu hier soir en fin d'émission toi. Erwan, soit t'appelles dans un bocal, soit t'es dans une cave. Non, dans l'aquarium. Il est avec son poisson, il est avec Nemo. Pourquoi il y a un écho comme ça là? Non, j'appelle pas dans un aquarium. Non mais pourquoi il y a de l'écho comme ça? Mais c'est un truc. Tu fais un peu poisson quand même quand tu parles. Hein? Je sais pas pourquoi il y a de l'écho. Ah, tu sais pas pourquoi il y a de l'écho? Bon bah écoute, alors je sais pas non plus hein. Écoute, c'est pas grave, tu voulais faire quoi, dis-moi, tu nous appelles pourquoi? Le jeu du concours d'orgasme. Ah, comment t'expliquer que... Bah on a rien demandé là. Ouais. Ah, il est en avance. C'est ah, il est en avance sur son temps, c'est-à-dire qu'on va faire ce jeu dans 6 mois. Peut-être qu'on va le faire effectivement dans pas longtemps, ouais. Donc tu veux faire un concours d'orgasme. Alors montre-nous peut-être un petit peu là ce que tu sais faire afin de demander peut-être à d'autres auditeurs de s'inscrire pour jouer, c'est jamais. Ah oui. Sérieux là? Ça vous va comme ça? Ah bah c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, tu n'imagines pas dans quel état t'as mis Sandro. elle est dans un état de transe. Oh là là là là là là là. Tu peux le refaire ? Attends, refais-le pour parce qu'elle voudrait se retoucher un petit peu là. Et, alors écoute bien. Hein. T'es prêt, Erwan ? Ouais. Allez, vas-y. Allez, vas-y, jouis. Parfait. Oh là là, dans quel état elle est ? Tu nous l'as En transe là. Ah bah, elle flaque par terre, hein, c'est... Il limite, faut deviner l'animal. Hein, non, pas du tout. Voilà, donc elle flaque par terre. Bravo Erwan. Bon, oh là on va là. Faire un petit jeu de un petit concours d'orgasme. Si vous voulez gagner, bah justement, tiens, pourquoi pas, on a toujours les dessous Playboy, hein, deux boxers pour les garçons, on a des petites culottes filles roses magnifiques avec le petit lapin pour les filles. Bah vous nous appelez aussi, tu vas faire ça dans pas longtemps. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va aussi vous faire découvrir parce que c'est vrai qu'on a fait ça lundi, le chéri je peux te faire cocu. Et lundi c'était férié. Et comme on est là de 20h à minuit, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Donc dans quelques minutes, on va se mettre le chéri je peux te faire cocu qui était magnifique. Il était lourd. Hein. On l'a fait lundi, on va se le remettre dans quelques minutes sur Fun Radio. Vous restez bel et bien là évidemment. Et on va se mettre dans quelques instants le son de. Pas du tout. Je suis gouré le bouton. DJ Cassidy avec Calling Alert. Voilà, ça va arriver dans quelques instants sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Préparez-vous à passer des vacances de ouf sur Fun Radio. Mickaël, no limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et cherchez pas, on est en direct sur Fun Radio, 20h minuit en mode vacances là, pépère tranquille, avant de prendre une petite semaine aussi nous évidemment là. Mais on est là ce soir de 20h à minuit avec Sofiane aussi. Je peux avoir un petit message de bienvenue, bien sûr Sofiane, avec grand plaisir là. Regarde, je vais t'en mettre un petit là. T'es faire un cul au PD, va. Voilà, et puis on aura aussi avec Erwan le petit concours d'orgasme qui va arriver. Ah oui, ça va arriver. Erwan, t'es là Erwan? Oui, oui, je suis là. Ah, très bien. Alors, attends, il y a Marwan qui est avec nous, là. Ça va, Marwan? Ah, allô? Ouais, salut Marwan. Ça va, salut. Bon, tu voulais faire un concours d'orgasme, toi, avant le chéri, je peux te faire cocu face à Erwan? Ouais, je crois que je peux faire mieux. Hein. Bon, alors, vas-y, Erwan, là. Vas-y, refais un petit refais un petit coup, là. Ah oui. On dit Roland. Parfait. Bon alors attends Erwan, c'est parfait. Les filles, j'aimerais avoir vos avis également. Là, n'oubliez pas de voter hein. Évidemment, bah oui, normal. Vous allez avec le hashtag Mickaël 20h minuit. Je vais jouer Mike. Et attends, il y a Marwan. Attends, vas-y, je peux le faire avant. Bon là, vas-y Paulo. Attends. C'est pas mal. Et alors on va prendre Marwan maintenant, la Marwan. Ouais bah alors vas-y Marwan hein. C'est joué. Ah ça y est. Ah ouais. Ah putain ouais, bon bah alors on va pas pouvoir le refaire quoi. Bah je peux essayer mais ça va être difficile. Ouais hein. Ouais bah j'imagine ouais. Bon c'est pas grave. Bon bah Marwan, je pense qu'à l'unanimité on a même pas besoin de prendre l'avis des gens. Pour l'instant c'est Erwan qui est en tête. Ah bon? Ah bah à l'unanimité. Marwan, tu dégages. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Ah non, bah tu dégages Marwan. Bon, si vous voulez affronter Erwan, attention pour l'instant, c'est le top du top en termes de simulation d'orgasme. Eh ben écoute, Erwan, bravo hein, pour l'instant. Hein. Ouais. Ouais, bah merci Mickaël. Eh ben attends, c'est pas fini. On va essayer d'avoir d'autres auditeurs là, qui veulent éventuellement tenter de battre Erwan au niveau de l'orgasme. Et puis on te reprend juste après Erwan, tu restes là? Et d'auditrices aussi. Oui, ah bah des auditrices aussi, bien sûr. Donc tu restes avec nous Erwan, d'accord? Oui, je reste avec vous, je reste en ligne. Bon, c'est parfait. Apparemment, on aura Crystal également qui sera avec nous là pour faire la tentative de Ah, fort. Bah oui, de tenter de battre Erwan justement à la simulation d'orgasme. Ça va être du lourd. Ça va être du très lourd. Bon, en attendant, le chéri, je peux te faire cocu, c'est avec Nathalie qui est avec nous là maintenant. Là. Salut à toi, Nathalie. Bonjour. Bonjour, comment ça va, Nathalie? Ça va bien. Bon, tant mieux. Bienvenue à toi, là. Alors, on va faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Oui. Bah oui, comme tous les lundis, on va y aller donc, allez, c'est parti. Chérie, je peux te faire cocu, on va donc appeler ton mec, t'es avec lui depuis combien de temps et comment il s'appelle? Faisons les présentations de base. Alors, il s'appelle Emeric, il a 28 ans. Je sais plus. D'accord, tu sais plus. Ben, c'est, il a 28 ans ou tu sais plus quel âge il a? Non, il va avoir 28 ans et ça va faire un an que je suis avec. D'accord, bon, bah, très bien. Mais je m'intéresse pas trop à lui. Hein. Ouais, de toute façon, c'est qu'un connard, j'en ai rien à faire. Exactement. Et, quel âge, donc, quel âge il a? 28 ans, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est en formation dans l'hôtellerie. D'accord, ok. Très bien. Il est où là actuellement? Là, il est chez sa sœur et il va rentrer chez lui bientôt. Maintenant, je sais pas s'il est déjà chez lui ou s'il est toujours. Ah, vous habitez pas ensemble? Non, on n'habite pas ensemble. D'accord, ok, très bien. T'habites loin de lui, toi? Non, pas du tout. D'accord, bon, de toute façon, on s'en fout, on va dire qu'on est chez moi. T'es où, toi? T'es à Liège. Alors, on va dire qu'on est. Bon, on va dire que je suis un Parisien venu à Liège pour le travail. Okay. Que je suis là 2-3 jours, voilà, j'invente très bien un travail si jamais il me pose la question. Et donc, on est au. Qu'est-ce qu'il y a comme hôtel classe à Liège, bien cher, le plus cher? Le Krone, il n'y a que celui-là. Le Krone, Krone ouais. Plaza ou Krone? Ouais. Ouais, non, Krone Plaza. Le Krone Plaza. Ouais, bah, mais il n'y a que celui-là de toute façon. Ah, non, mais ça pourrait s'appeler Krone, je sais pas. Ok, donc on va dire qu'on est au Krone Plaza. Voilà, comme oui. Ça, il pourra pas, le temps qu'il trouve la chambre et tout. Il est du style à s'énerver rapidement ou pas? Il est très très vite énervé. Parfait, c'est encore mieux. Et alors, dernière question, est-ce qu'il a des défauts physiques ou des trucs genre tu sais qui vit mal, perd ses cheveux, un peu trop gros, un peu trop gras, je sais pas moi trop petit. Il est très complexé parce qu'il est très très mince et voilà. Il est très maigre. Il mange de tout, il grossit pas. Beaucoup et il grossit pas. D'accord, ok. Bon, et eh ben écoute, très bien, ben, je pense qu'on a tout ce qu'il faut là. Donc moi c'est Michel, on l'appelle, tu lui dis que tu m'as rencontré, qu'on était, j'en sais rien, moi dans un bar, je sais pas où, n'importe quoi, il y a quelques jours. On s'est rencontré là et on a un peu discuté. Comme moi je suis de passage dans la cité ardente, ah. Et ben écoute, on sait plus, on a un peu discuté, je t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir vu que je suis de passage. Et du coup, t'as entendu que les filles de Liège étaient chaudes aussi. Exactement. C'est important ça aussi. Tout à fait. Pour remettre dans les conditions. Tout à fait. Et donc je t'ai proposé de coucher avec toi un soir. Tu m'as dit que t'étais maqué et tu m'as dit bah écoute, ok, mais faut que je demande à mon mec s'il est d'accord. Voilà. Ok, allez, c'est parti. Okay, c'est parti. Appareil photo numérique à gagner ou alors 200 euros. Donc on va voir comment ça va se passer. Plus il s'énerve, plus on se marre, plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux. On y va, c'est parti, bonne chance. Allez hop. Merci. Bonne chance Nat. Moi je suis derrière, on n'est pas loin. Et on est dans un hôtel hein, donc peut-être qu'il y a le comment on appelle ça, Le groom. Ok. Le room. Allô. Service. Voilà, c'est ça. Bon, allô, Lou. Pourquoi t'appelles le numéro? Ouais. Ouais, c'est Nat, ça va? Ouais, comment ça se fait que tu me sors un numéro privé? Bingo! Oh, il est chaud. Je sais pas, c'est mon GSM, il déconne parfois. En fait, je voulais te demander quelque chose. Quoi? Là? Je crois qu'il va falloir que j'aille parce que je pense qu'il peut s'énerver et casser son téléphone. Parce que hier, en fait, j'ai été boire un verre. Ouais, et enculé! Voilà, j'ai rencontré un mec. Tu te fous de ma gueule? Vas-y, c'est bon, je voudrais savoir, arrête tes conneries. Mais non, en fait, je lui ai dit que j'étais en couple et tout ça, mais il m'a juste dit, voilà, il était. Top. Il vient de Paris. Tu te fous de ma gueule, là, en fait? Oh, déjà. Non, je ne me fous pas de ta gueule. T'es en train de te foutre de moi. Qu'est-ce qu'il dit? Non, enfin, voilà. Et donc. C'est qui qui parle derrière? Qu'est-ce qu'il dit? Attends deux secondes. Demande, on va y passer la nuit. Enfin voilà, il a voulu, enfin il veut qu'on passe une nuit ensemble, je lui ai dit non. Vas-y, tu sais quoi, c'est bon, on va chier. Non, mais écoute, t'es là? Ah merde, il est déjà parti. Oh, il est chaud. Oh, la discussion risque d'être relativement compliquée. Écoute, on le rappelle, hein. On va le rappeler. Ah oui, effectivement, il s'énerve vite, hein, ça, de ce côté-là. Tu nous as pas fait un truc de ouf. Ouais. Ah, tu nous as pas raconté des conneries, hein. Oh, putain. Bon, allez hop, on y va. Ce que j'aime bien chez les mecs, c'est les mecs qui ne discutent pas, tu vois. C'est ça. Et là, ça, c'est le style de mec, il va raccrocher 15 fois encore avant la fin du jeu. Hein. Non. Allez, on rappelle. Si, il décroche encore. Il décrochera plus, du coup. Non. Hey, je te jure, arrête tes conneries, parce que je vais venir, je vais tous vous déchirer. Alors, reste calme avec tes couillonnades à deux francs. Allô? Ouais. C'est Michel. Hey, tu veux quoi toi? T'es qui? Tu veux quoi? Ah mais en fait, je voulais juste te dire qu'il n'y avait pas de problème. Hein, parce que Nathalie m'a dit que tu l'avais un peu mal pris. Ouais, je l'ai mal pris. Je vais venir, je vais te casser toutes tes dents, mon vieux. Tu vas voir comment ça va aller. Mais je comprends pas pourquoi. Qui, toi, d'où tu la connais? D'où tu lui parles mais, déjà? En fait, on s'est rencontrés, on a bu un verre. Et donc, moi, je viens pas de Liège. Hein, on m'a dit que les liégeoises étaient chaudes et tout ça. Moi, j'ai un peu discuté avec écoute, elle. Écoute, bon, écoute, ah non, mais je savais pas qu'elle était prise. Mon poids dans ton nez, mon vieux, tu vas être chaud. Mon poids dans ton nez, tu vas voir les liégeois comment ils sont chauds. Mais non, mais non. Mais justement, donc moi je lui ai un peu discuté. On est à l'hôtel là, on est à l'hôtel. Ah, t'es à l'hôtel. On est à l'hôtel. Bah, on est à l'hôtel. Attends une seconde, il faut qu'on fasse un peu connaissance avant que je te donne l'adresse quand même. Et donc, du coup, je vais demander si on pouvait. Mais non. Je vais te tuer, ferme ta gueule. Mais non, mais parce que t'es un peu énervé là. Ferme ta bouche, mais c'est parce que t'es un peu énervé. Ferme ta bouche, mon gars. Je te le jure sur la vie de ma mère si je te. Mais non. Je vous attrape tous les deux, je vais vous déchirer. Mais non, écoute, je suis sûr que tu ne penses pas. Passe-moi Nathalie. Attends, elle est aux toilettes, une seconde. Non, bah, je veux pas rentrer dans les toilettes. Elle est là dans les toilettes, voyons. Je m'en fous, ton affaire de merde, je vais te déchirer, mon vieux. Mais non, je suis sûr que tu le penses pas. Écoute. Je suis sûr que tu le penses pas. Mon vieux, toi, tu me connais pas, je te jure. Mais si, elle m'a dit que tu t'appelais Emeric et tu ressemblais à un fil de fer. Ouais, elle la chatte à ta mère, elle ressemble à un fil de fer, fils de pute, va. Je sais pas, j'ai pas été voir. T'as cru quoi, toi? Tu crois quoi, mon vieux? Quoi? Tu crois quoi, toi? T'arrives ici, tu débarques, quoi? C'est la fête. Non, mais par contre, j'ai un petit service à te demander. Franchement, ne me cherche pas, mon gars. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que je suis à l'hôtel là et je voulais savoir, par rapport au room service, tu crois qu'il y a moyen d'avoir une ristourne comme elle m'a dit que tu faisais une formation hôtellerie? Demande à ta mère s'il y a moyen d'avoir une ristourne, PD. Non, enfin, je comprends pas pourquoi t'en énerves. Demande à ta grosse mère si elle peut te faire des ristournes. Dis donc un peu de respect, elle n'a rien à voir là-dedans. Et je m'en bats les couilles, mon vieux. Bon, enfin bref, tout ça pour dire qu'on s'est rencontrés et je lui ai proposé de coucher avec toi. Avec moi, pardon. Tracasse pas, je vais te retrouver. Ah non, mais y'a pas de problème, je vais te donner l'adresse, je vais te donner le nom d'hôtel si tu veux, tu viens nous rejoindre. Je vais te retrouver, ouais, je vais te retrouver. Écoute, on boit un petit verre au lunch. Ouais, le lunch, je vais te faire boire le verre, mais par le cul. Parce qu'en plus, je suis client platinum dans l'hôtel. Je suis VIP. Fais bien le malin au téléphone, t'as bien raison. Quand je vais être devant toi, je suis peut-être un fil de fer, mais on va voir si t'as autant de gueule que maintenant. Non, mais ça n'a rien à voir, je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Il s'est rien passé. Tu vas bien dire à Nathalie de ma part. Ouais. Tu vas bien lui dire de ma part. Attends, tu peux lui dire, elle sort de la salle de bain. Une gifle dans sa gueule, mon vieux. Ben enfin, pourquoi tant de violence? Écoute, je suis sûr que tu ne le dis, tu ne le feras pas. Arrêtez vos blagues là, parce que je te promets que. Mais non, mais tu m'as l'air. Mais tu m'as l'air énervé pour pas grand chose, il s'est rien passé. Pas grand chose, tu te fous de ma gueule. Non, mais il s'est rien passé. Attends. Bah, encore, c'est encore rien. De rêver là. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, avant que je te la repasse. Mon vieux. Mais pas du tout. Avant que je te la repasse, je voulais savoir, comme le courant passe bien entre nous, est-ce que tu sais si sexuellement il y a des trucs qu'elle aime pas? Bon, comme je vais le faire qu'une fois, je voudrais pas me rater quoi. Moi je vais pas te rater, tracasse pas, mon vieux, je vais pas te rater. Ah non, mais je suis pas homosexuel, moi ça m'intéresse pas. Mon vieux, tu vas rentrer à Paname, tes potes ils vont pas te reconnaître, mon vieux. Je vais te mettre à poil avant que tu rentres. J'ai des vêtements de rechange. Ouais, bah tu sais quoi, je suis enchaîné, je vais m'habiller. T'es enchaîné? Je vais téléphoner. T'es déjà enchaîné? On va me déposer. Je vais t'enchaîner, attends, tracasse pas. Ah non, mais moi ça m'intéresse pas. T'as pas de voiture? T'as pas de couilles, mon, tu sors d'un numéro privé. Excuse-moi, c'est le numéro de l'hôtel, moi j'y peux rien, moi j'ai pas choisi. Ouais, c'est le numéro de l'hôtel. Mais est-ce que. Ferme ta gueule. Est-ce que tu veux que je t'envoie mon chauffeur? Non, parce que si tu me dis que tu demandes tu vas pas déranger tes amis, moi je t'envoie mon chauffeur. Ferme ta gueule, mon vieux, je vais t'attraper, je vais te déchirer. Grégory, est-ce que vous pourriez aller chercher l'ami de Nathalie, s'il vous plaît? Mais comme il plaira, monsieur. Mais je vous remercie. Emeric, est-ce que tu peux me donner ton adresse? Je t'envoie mon chauffeur, il s'appelle Grégory. Je vais rien du tout, vas-y passe-moi Nathalie de me saouler. Comme ça tu dois pas déranger ton ami, je t'envoie directement mon chauffeur. Ça te regarde pas qui je vais déranger, c'est pas ton problème. Déjà toi et moi on se connaît pas, je vois pas d'où tu te permets de me téléphoner, gros PD. Elle sort, il s'est rien passé, elle sort de la toilette. Ferme ta bouche, reste bien où vous êtes. Écoute, reste bien où vous êtes, dès que je suis dans le centre, je te sonne, mon vieux. Dès que je suis dans le centre, j'envoie un message, elle va me sonner. Mais sonner quoi? Dès que je suis dans le centre de Liège, je vais dire à Nathalie qu'elle me sonne et tu vas me donner l'adresse et je vais venir te trouver même. Je t'envoie Grégory. Sors la Porsche ou la limousine, monsieur? Peu importe, une des deux, de toute façon vous serez que deux. Bon bah la Porsche alors. Bon Nathalie, tiens. Ah merde, il a raccroché de nouveau. Oh là là là, putain. Pourtant je veux lui envoyer la voiture et tout, là, il refuse, je comprends pas. Hein. Ah il est chaud. Oui, il a l'air un peu énervé. Hein. Il a l'air un peu nerveux même dans l'absolu, tout court. C'est bizarre, je comprends pas. Bon, on le rappelle. Allez hop, c'est parti. Okay. Rappelle-le, tu dis écoute, je comprends pas pourquoi tu t'énerves. C'est quand même un mec de bien que. Enfin, tu vois. Bonjour, vous êtes bien sur la message. Voilà. Il est en train d'appeler son pote là. Ah non, et là, il a coupé le téléphone ou il appelle son pote, effectivement, ouais. Putain, merde. Ça va aller. Bonjour, vous êtes bien sur la message. Oh là là, il est au téléphone là, c'est sûr, il est au téléphone. Okay. C'est pas grave, on va le rappeler. Et j'espère qu'il va décrocher, il serait con de passer à côté du cadeau juste pour ça. Allez. Bonjour, vous êtes Belfort. Ah non, mais là, il a coupé son téléphone, hein. Je pense qu'il est tellement vénère. Quel lâche. Ah oui, oui. Il l'a peut-être bouffé. Ouais, peut-être qu'il bonjour, vous êtes Belfort, la message. Ou alors, il l'a jeté par terre. Ah, okay. C'est possible. Ouais, ça c'est possible aussi, ouais. Bon, écoute, on va lui laisser un message, Nathalie, tant pis, c'est quel pas grave. Quel baraki, alors. Allez, c'est rien. Okay. Bonjour, vous oh merde, j'y cru quand même. Hein, bon. Je suis pas là pour l'instant, laissez un message après le signal sonore. Ouais, Emric, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ouais, ouais, on t'appelait pour le chéri, je peux te faire cocu avec Nathalie là. Moi c'était Michel, voilà, je me faisais passer pour Michel, mais il s'est rien passé, elle est chez elle, nous on est chez nous, et chacun ouais. est chez soi, et puis bah ça fait chier que t'es pas merde, redécroché Michel, merde. Bon Nathalie, dis-lui qu'il s'est rien passé au cas où hein. Il s'est rien passé, tu m'as fait perdre le jeu, voilà. Bah oui, oui. Ah putain, et en plus 200 euros il y avait gagné là. Oh là là là là là là, Emric. Oh bon Emric, note pour plus tard, je dis ça aux autres auditeurs aussi, hein. Si vous avez un problème avec votre meuf, évitez de débrancher votre téléphone, ça va pas résoudre le problème. Hein. Là ça m'a même fait perdre 200 euros. Ah c'est dommage, c'est dommage. Bon bah écoute, Emric, bah passe une bonne soirée quand même. Et puis bah Nathalie, bah tu rejoues avec nous quand tu veux alors, d'accord? Bah merci, c'est bon. Bon, je te fais des gros bisous, à bientôt. Gros bisous, à bientôt. Salut, ciao à toi, à bientôt. Ciao, ciao. Bon, et si vous voulez aussi faire un petit chéri, je peux te faire cocu, n'hésitez pas, on rejoue bien entendu 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Benjamin qui dit, ah putain, c'est chaud là, le mec, ça fait peur. Avec, ah oui, tout à l'heure avec le merde, comment on appelle ça là? Le concours d'orgasme, voilà, c'est ça. Il y a Nicolas qui dit, bien l'imitation de Polo là, je vote pour toi, je vote pour Polo. Cali qui dit, oh putain, bon sang, il imite quoi là en fait? Oh my god, je suis plié, c'est Amaël. Il y a Sophie qui dit, c'est Shrek qui jouit. Il y a Mathis qui dit, salut Mickaël, c'est pour savoir où s'inscrire pour le jeu d'orgasme. Eh ben appelle-nous Mathis, 01 42 48 5000. Il y a Sarah qui dit, aucun. Moi je vote Polo, Toff également qui devrait essayer. Et puis Sarah aussi qui dit, vous m'avez tué, je pleure. Il faut quel diplôme pour être animateur radio? Eh ben le moins possible. Ouais, parce qu'après non. ça fait trop. Après ouais, c'est ça, on devient. Et Nadia qui dit, Michel aime qu'on lui serve un bon petit coca avec deux glaçons. Ah bah toujours évidemment. C'est mieux, c'est meilleur hein, ah le bah, coca. Toujours, toujours. Coca zéro bien froid, c'est quand même vachement vachement mieux, vachement meilleur bien entendu. Bon, avant de on va faire un petit gagnant Playboy là maintenant là. J'avais dit depuis tout à l'heure là qu'on appellerait des gens là qui se sont inscrits sur le Facebook de l'émission avec le like et le partage sur la photo. On appelle maintenant un ou une gagnante qui repartira avec un ensemble fille ou avec un ensemble garçon. Allô ? Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Anaïs. Salut Anaïs, t'as quel âge, dans quelle ville ? J'ai 26 ans. D'accord. Et je suis de la Marne. D'accord, ok, très bien. Anaïs, tu veux le dessous, la petite culotte, enfin les deux, même il y en a deux, Rose Playboy. Yeah. Yeah, sexy. Tu vas pouvoir la voir sans problème. On va t'envoyer ça. Bah, c'est pour pas te mentir, c'est déjà dans l'enveloppe. On va mettre ton nom dessus. On met ça au courrier. Si pas demain, tu l'as après-demain. Ah, ça c'est beau. Super. Et ça c'est beau. Ah ouais. T'as vu. Donc livraison, livraison rapide. Tu vas mettre ça pour ton mec. Il va être content là, non? Oh bah tu m'étonnes. Il va sauter de joie. Mais j'ai rien dit là. C'est. Ah, d'accord. Bah, c'est alors une surprise. On dit, alors on le fait discrètement. Voilà. D'accord. Ok. On fait ça discrètement. Bon, ben gros bisous. Hein. D'accord. Salut, ciao. Bisous, bisous, ciao, merci. Bon, bah voilà, il fallait être discret. Au moins, comme ça, on a été discret. Hein. On peut pas nous dire qu'on a tout balancé, qu'on a balancé le truc, etc. Bon, mais ça, c'est une bonne chose de faite. On en offrira encore un autre tout à l'heure, la petite tenue Playboy, garçon ou fille. On en a déjà filé trois ce soir. Et il y en a encore, hein, il n'y a pas de problème. Vous vous inscrivez, facebook.com, tapez Mickaël officiel. Il y a un message qui dit, fallait dire à Erwan que c'était pas l'orgasme d'un caribou qu'il fallait imiter. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Bon, on va, dans quelques minutes, on va faire maintenant, tiens, le caropel à Patricia, Justine, Loïc. Et Kevin, vous êtes là tout le monde? Ouais. Bonsoir Mickaël. Tout le monde est là, c'est parfait. Salut, qui a dit j'ai peur? Non, non, du tout. Ah, je croyais que quelqu'un avait dit j'ai peur, mais il n'y a pas de quoi avoir peur, vous inquiétez pas. Non, non, j'ai pas peur. Bon, alors c'est parfait, impeccable. Alors, Patricia va jouer avec Justine pour gagner encore une fois, évidemment, les tenues sexy Playboy. Patricia, okay. Tu veux gagner pour toi ou pour ton copain éventuel? Pour moi. Pour toi. Et toi, Justine, si tu gagnes, tu veux pour ton copain ou... Ouais, bah on va dire pour mon copain. Alors. D'accord. Et toi, Loïc? Bah écoute, moi, c'est pour moi. D'accord. Mais t'as raison. Et toi, bah oui. Et toi, Kevin? Bah ouais. Ma meuf. T'es pour ta meuf. Très bien. Bah voilà, bah, comme ça, au moins, si les garçons gagnent, il y aura un garçon et une fille. Et puis pour les filles, c'est pareil. Parfait. Le principe du jeu est très simple. Je vous passe des extraits de musique. Ok? Je vous passe les extraits de musique. Si vous trouvez la bonne réponse, si vous trouvez la version originale de la chanson, quel est le nom du groupe, le titre de la chanson ou le nom du chanteur ou chanteuse, vous devez impérativement crier votre prénom d'abord. D'accord ? Ok. Exemple, si je passe, j'en sais rien, Justin Bieber, que Patricia découvre que c'est Justin Bieber et qu'elle dit juste « Justin Bieber !» sans donner son prénom, à ce moment-là, Loïc ou Kevin pourraient très bien dire « Kevin, Justin Bieber !» et le point va chez Kevin. Enfin, chez les garçons. Ok. Est-ce que c'est clair ? Oui. Ouais, ouais. Yes. Parfait. Pas de soucis. Eh ben alors, on va y aller. Hein. Premier extrait, le premier qui a la bonne réponse. Vous jouez en groupe, hein, donc les filles, si les filles gagnent, vous gagnez chacune un ensemble Playboy. Et si les garçons gagnent, vous gagnez chacun un ensemble Playboy. Vous êtes prêts ? Allez, yes. C'est parti, bon. Premier extrait, go. Patricia. Oui, Patricia. We were rescue. Non, pas du tout. C'était bien essayé, Patricia. Pas d'idée ? Non, franchement, non. Patricia ? Trop dur. Indochine ? Indochine, non, c'est pas Indochine. Je peux vous donner un indice, c'est un des rares rappeurs blancs, très blancs. Très, ah très oui, blanc. Moi, Justine. Oui, Justine. Eminem. Et oui. Ouais. May I have your attention, please? With the real Slim Shady, please stand up, motherfucker, man. Will the real Slim Shady, please stand up? Bon, un point pour les filles, pas mal, ça commence plutôt bien. Vous êtes prêts pour un autre extrait? Ouais. Oui. Attention, ouais. On est dans le ringard, là. Ah, ça, je sais. Ah, il est bien fait. Kevin. Aux Champs-Élysées. Eh oui, ouais. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Un partout, c'est parfait comme ça. Attention, un partout. Mis un doigt dans le cul. De quoi? Il a assuré, hein. Ah ouais, j'ai pas trouvé au cas où. Eh ben, il a bien joué. Donc, un partout pour l'instant, extrait suivant, écoutez bien. C'est vieux mais c'est pas ringard. Ouais, il est chaud celui-là, j'avoue. Hein. Ah, je sais. Ouais. Ah oui, il vient de Jamaïque. Ah, Kevin. Bob Marley. Ouais. Oh, no. The man no cry. Yeah. Woman no cry. Allez, c'est parti, on y va. Extrait suivant, vous êtes prêts? Allez, ouais, on est encore dans le ringard et le mec est... Bon, du coup, je vais donner un indice, mais le mec est hyper connu, pourtant il a fait qu'un seul titre. Écoutez bien. Ouais. Oh, il est violent celui-là. Ah, il est violent, ouais. Il est violent. Oh, c'est un truc qu'ils faisaient... 70, je crois, un truc comme ça, je pense. Je t'ai même pas né. Né pour vivre. Ah ouais. C'est qui? Ah bah là, je vous ai donné un putain d'indice. Hein. Né pour vivre. Né pour vivre. Né pour vivre. Ouais. Machallah, mais c'est quoi ça? C'est le nom que je vais vous donner en anglais. Enfin, en français, en l'occurrence. Kevin. Ouais. Non, c'est mort, c'est nul en anglais. Bah dis, vas-y. Né pour vivre. Born to be, non, c'est pas ça. Born to be alive. Patricia. Born to be alive. Ouais. Oh non. Oh la rage, Kevin. Eh mais c'est pas bien de merde. De quoi, qu'est-ce qu'il y a, Loïc? C'est pas les Village People. Non, c'est Patrick Hernandez. Patrick Hernandez. Qui a fait toute sa fortune là-dessus. Hein, exact, bah, il n'a fait qu'un seul titre, l'enfoiré. Et il gagne aujourd'hui encore. Exactement. Bon, allez, dernier extrait. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier? Ouais. Alors, ceux qui ont écouté, c'est un vieux que je vous ai mis la semaine dernière. Donc, ceux qui ont été fidèles. Ouais, j'ai écouté, moi. Quoique, je suis même pas sûr de l'avoir mis la semaine dernière. Tiens, non, je crois pas. Écoutez, je veux. Alors, le nom du chanteur ou le titre de la chanson, peu importe. Écoutez bien, de partout, celui qui donne la bonne réponse gagne. Justine. Eh non, c'est Justine, ça s'avance, je t'assure, c'est Justine. Oui. Justine, tu dis? Ouais, la danse des canards. La danse des canards. Et attends. Comme c'est vrai que vous l'avez tous dit en même temps, je suis presque persuadé que c'est Justine. Non, attends. Mais non, c'est moi. Si, attendez. Je l'ai aussi dit. Non. Si, attendez. S'il y en a un d'entre vous qui peut me donner le nom du chanteur, il gagne. C'est quoi le chanteur? C'est 3, c'est 2, oh, putain. Trop tard. C'est la danse des canards. C'était Gigi Lionel. Ouais, c'est... Et non, c'est coin, ça, coin. Et pendant ce temps-là, Toff fait coin-coin. Tout le monde se marre. Allez, Toff. Justine. Ouais, Justine. C'est Gigi Lionel. Kevin. Je viens de le dire, j'ai dit Gigi Lionel, oh, il y a au moins 15 secondes là. Eh ben bravo les filles. Félicitations, et ben voilà, et Justine. Oui. Bah, au moins vous avez bien bossé, hein. Patricia, ah, Justine, oui. Vous avez quand même été de concert, c'est pas mal. Ouais, Patricia. Bah voilà, Patricia, tu voulais les deux sous pour toi, c'est ça, hein, les deux sous Playboy pour toi. Oui. Très bien, et Justine, c'est pour ton mec. Et ouais, pour mon copain, ouais. Et ben voilà, très bien. Bah, les deux boxers Playboy pour toi, Justine. Et puis les deux sous Playboy pour fille, pour je toi, Patricia. Okay. Vas-y, Patricia, en speed, il y a une seule personne, choisis la bonne. Alors, je fais une dédicace à toutes mes amies et à nous qui faisons notre rapport bac parce que demain, on passe nos CCS. Eh ben, ça s'annonce bien vu que t'es en train de jouer à la radio avec des jeux à la con. Eh ben, bravo. Michael, je peux faire une dédicace. Attends une seconde, Eric. Pas de problème. Gros bisous, Patricia, et à bientôt. Oui, gros bisous à tout le monde. Salut. Justine, un truc à encore ajouter? Ouais, moi je vais faire une petite dédicace à Kirill, à la Maid, à mes pentades. Non, c'est une seule personne, Justine. Bah, hein, bon, c'est trop tard. Trois en un. Allez, salut à Albi, Justine. Gros bisous à toi. Bye, bye. À bientôt. Soirée. Ciao. Vas-y, Loïc. Bah écoute, moi je fais une dédicace globale en fait à Lixi. Très bien. Un gros bisou, je l'aime pas. Eh ben, y a pas de problème. Voilà. Y a pas de souci. Salut, Loïc. Salut, ciao, à bientôt, ciao. Bye bye. Et puis Kevin, bah à bientôt, ouais, aussi. Hein. Nickel. Mais, ouais. Tu veux pas me prendre une petite carte 18-27 que je monte vous voir un peu? Attends que je réfléchisse. Tu vas dire oui, j'espère. Ah bah non. Ah n'importe quoi. Putain. Bon, en tout cas, les Lyonnais, c'est un gros bâtard. Eh, tu sais quoi? Tu demanderas à Polo dans le Polo contre le reste du monde tout à l'heure s'il t'offre une carte, ouais, 18-27. Je suis sûr qu'il va dire oui. Comme ben ça, oui, j'aimerais attends, le voir il est gentil, il est là et tu vois, pour rendre service. Non, tout, mais sérieux, évidemment. Attends, dans Tip, c'est cher pour venir voir papa. Ah, mais je sais bien, c'est pour ça, demande à Polo. Mais ouais, c'est l'animateur le plus sympa de la FM. Exactement. Ouais, j'avoue, c'est le meilleur. Toi, t'es mieux en fait. Bah exactement. Enfoiré, bah casse-toi. Non, je vais aller. Salut Kevin. Ciao à toi, à bientôt. Bon allez, restez sur Fun Radio, on va revenir avec toujours le concours d'orgasme. Il y a Nathalie qui voulait jouer face à Erwan. Nathalie, t'es là ma belle? Oui, salut Mickaël. Ça va bien? Oui, nickel, bon. Et toi? Bah très bien, tu veux affronter Erwan au concours d'orgasme parce que tu imagines deux secondes que tu peux le battre. Eh ben bravo. Mais tu oui, es je si peux fort. Le battre, je suis une fille, je eh bien, peux le battre. Nous verrons cela Nathalie, tu restes avec nous, ne bouge pas de là, on va s'écouter. DJ Cassidy dans un instant, Calling on Hearts. To the dance floor. Ça arrive dans un instant, on se met la pub en speed, on revient dans 10 secondes avec le son, avec vous toutes et vous tous en direct et on est là jusqu'à minuit. Pendant que le Doc, Karima et Karen sont en vacances, Mickaël s'occupe de vous tous les soirs de 20h à minuit. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Préparez-vous à passer des vacances de ouf sur Fun Radio. Mickaël No Limit, Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Et toujours en direct, 23h14 avec Jimmy qui dit mort de rire, on dirait un âne quand il jouit. Je sais pas si on parlait de Polo ou pas. Nicolas qui dit je peux participer à Polo Again the World. Non, alors c'est Polo Against contre the rest, le reste of the world, du monde. Le Polo contre le reste du monde. Voilà, bah Nicolas si tu veux, mais appelle-nous pour ça. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0 depuis la Belgique. Donc voilà, allez hop, 23h14. Avant de faire la suite, parce qu'il va encore se passer des trucs, il y a Bérangère là qui s'est fait, qui s'est rendu compte que son mec était en fait, avait une double vie. On va également avoir Virginie, Marjolaine, Quentin, putain il y a du monde pour ce concours d'orgasme à la con là. Erwan, il y aura Nathalie également. Tout ça c'est juste après le son de DJ Cassidy. Je l'avais promis, on se le met maintenant. C'est Calling on Hearts sur Fun Radio. Le son de DJ Cassidy sur Fun Radio. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. En direct, 23h18 sur Fun Radio. Jérôme qui dit pour le concours d'orgasme, il faut appeler Jean-François. Ouais, c'est une idée, ouais, effectivement. Bon, avant de faire de récupérer notre ami Bérangère là, qui s'est rendu compte que son mec avait une double vie, on va donc se faire ce fameux concours d'orgasme maintenant. Erwan, t'es toujours là? Ouais, je suis là. Bon, pour l'instant, c'est toi qui es numéro 1. Oui, pour l'instant, bah, on va essayer de compter. Ça vote en masse, en tout cas. Ah, ça vote ferme. Et oui, il y a Virginie également qui est avec nous de Maraussan dans l'Hérault là. Salut Virginie. Bonsoir Mickaël. Comment ça va Virginie? Ça va super. Bon, tant mieux. Alors Virginie, tu vas faire le concours d'orgasme et tu penses, toi, tu te la ramènes un peu, que tu peux tenter de battre Erwan, le champion du monde de la simulation d'orgasme. J'espère. Bah écoute, je te le souhaite, on verra bien. Erwan, parce que ça fait longtemps maintenant que tu l'as fait, parce qu'il y a des auditeurs qui viennent peut-être d'arriver, est-ce que tu peux nous refaire ta simulation d'orgasme pour montrer à tout le monde à quel point t'es au top? Ouais. Vas-y. Attends, respiration. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Eh, on dirait qu'il chie en fait. Ah pas mal, pas mal, ouais, pas mal. C'est de mieux en mieux, hein. Chaque fois tu te lâches encore plus hein. Ah oui oui oui, franchement ouais, non, parce qu'au début c'était un peu moyen et puis au final, au fur et à mesure c'est beau hein. Ouais, c'est de mieux en mieux, hein, franchement. Ouais. D'ailleurs, le public applaudit. Voilà. Bon. D'ailleurs, il y a plusieurs acteurs porno qui nous ont appelé au standard, ils voudraient savoir comment tu fais. Hein. Ah bah bien sûr, évidemment. Bon. Est-ce que tu es prête, Virginie? C'est à fond. Bon, alors attends, parce qu'il y a encore des applaudissements pour Erwan. Voilà. Public au taquet, comme vous pouvez le remarquer. Parfait. Allez, vas-y, Virginie, on t'écoute. Mais ça, salope, hein. Pas mal. Mais bon, c'est pas nous, évidemment, qui votons, hein. À vous, vous qui êtes derrière la radio, avec le hashtag Mickaël 20h minuit, ou en nous appelant au 01 42 48 5000, ou au 02 851 4x0 depuis la Belgique, de nous donner votre avis. Pour l'instant, Erwan, Virginie ont tenté leur coup. On a également Nathalie. Reste avec nous, Virginie, hein. On a Nathalie qui est avec nous, 20 ans maintenant, dans le Vaucluse. Salut, Nathalie. Salut, Mickaël. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. Alors, Nathalie, tu penses pouvoir battre Erwan? Ben écoute, je suis une fille et j'espère faire fantasmer tous les garçons. Eh ben écoute, vas-y. T'as fait déjà la bite à la main. Oh là, je m'astique. C'est bon. Vas-y encore. C'est ça. Ah oui, C'était rapide, hein. Ton mec est un peu précoce, non? Oui, ton mec est un peu précoce. Voilà. Effectivement. Tiens, il y a Sarah qui dit soit elle se fait vraiment baiser, soit elle fait ça à chaque fois. Pas mal, Virginie. Ah, il y a Grégory qui bande, bah, nous voilà rassurés. Fan de fun qui dit Erwan nous a tués. Et il y a aussi un message. Où est-ce qu'il est celui-là? Alex qui dit mal aux yeux, fatigué, mais toujours en train de vous écouter. Bah, c'est le principal. Bon, très bien, les filles. Il y a Marjolaine également. 18 ans, Dordogne. Salut Marjolaine. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Marjolaine? T'as l'air paniquée. T'as pas mué ou quoi? Non. Ah bon, d'accord, non, je croyais. Ça va. Non, non, mais alors tout va bien. Bon, alors Marjolaine. Oui. À toi, puisque tu prétends faire mieux qu'Arwan, nous t'écoutons toute la France, toute la Belgique et tout, d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent un peu partout. N'attendons qu'une seule chose. Je vais essayer. Vas-y. Que tu nous fasses bander. Allez, vas-y. Oh. Vas-y. Voilà. Non, c'est tout, mais c'est pas mal. Ouais, c'est... Mais attends, ça méritait plus. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu resté sur notre fin là. C'est dommage. Mais. Erwan, avant qu'on prenne Quentin et Adeline également, est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire? Ouais, alors attends. Oui, c'est bon. Ça fait toujours du bien quand t'as fini de chier, hein, des fois quand c'est gros et dur. Oh, pas mal. Bravo, bravo. Non, quel talent jouisseur. Ah non, là on est au top. Alors attends, il y a également Quentin avec nous d'Arles dans les Bouches-du-Rhône. Salut Quentin. Salut Quentin. Mais t'as raison, salut toi mec, t'as raison. T'oublie pas. Salut Polo. Voilà, salut Mickaël. C'est le coffre alors. Voilà. Bon, Quentin, tu voulais faire le concours d'orgasme, tu penses pouvoir battre Erwan? Oui. Alors, vas-y, on t'écoute. Allez, bébé. Allez, bébé. Allez, bébé. Chocolat, chocolat, chocolat. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. T'as pas eu d'orgasme là, tu... Si, vient de se branler. Ah ouais, d'accord. Si, ça a été jusqu'au bout, oh, là, il s'est mis bien. Pas mal, Quentin, et on va prendre la dernière, Adeline, 19 ans de Tours. Salut Adeline. Salut Mickaël. Ça va? Salut. Ça va super, et toi? Très bien Adeline. Est-ce que tu penses pouvoir battre Erwan? Ah oui, carrément. Ah, alors, voilà. Est-ce que tu penses même pouvoir battre Virginie, Marjolaine, Nathalie et même Quentin d'ailleurs? Ah oui, apparemment je suis à beaucoup, alors on va essayer de voir ça. Ah, alors, un bon coup, ça fait pas toi une bonne simulatrice. C'est vrai. Alors. Ah, mais bon, on sait jamais, hein. Faut alors, les apparences. Écoute, nous sommes toutes oui, on t'écoute. Ah ouais, c'est pas mal. Oh oui. Oh, Mickaël. Ah, elle veut mettre toutes les chances. Elle va t'a gagné, bravo. Ah, c'est une bonne cochonne celle-là. Vas-y, joue, salope. Vas-y. Vas-y. Tiens. Tiens. Ah oui. Oh, Mickaël. Elle en a grugé plus d'un. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, j'aime bien, moi. Ah ouais, ouais. Et envoie-moi ta photo à pouletfunradio.fr, je vais voir ce que je peux faire pour ouais, toi. Ouais, c'est ça, ouais, tu peux rien faire pour elle. Ouais, ouais, y'a pas de soucis. Bon, t'offres demi-molle ou pas? Ah ouais, là, ouais, grave, grave. Demi, polo? Ah, mais là, j'ai une érection. Ah, carrément, j'ai éclaté la table. Ah ouais, la table se lève, effectivement. Ouais, j'aime beaucoup. La table se lève un petit peu, effectivement. Bon, alors, Erwan. Oui, est-ce que tu penses que tu as été meilleur qu'Adeline ou pas? On va essayer, allez. Bon, allez, réessayez encore une fois. Non, attendez, on va faire mieux. Nathalie, Erwan, Virginie, Marjolaine, Quentin et Adeline. On va le faire tous en même temps. Ah oui, une grosse partout. Voilà, on va faire un gangbang. Bon, vous êtes prêts? À mon top, vous démarrez tous ensemble pendant 10 secondes, d'accord? Oui. Bon, et les doux là, pas la peine de vous branler derrière votre radio, hein, ça se fait pas, c'est dégueulasse. Bon. Hey, cette séquence est interdite aux doux. Interdit au moins des doux là. Allez, on circule. Hop, là. Dehors. Bon, on y va à mon top. Ouais. 3, 2, 1, go. Ah oui. Ah oui. Chocolat. On n'entend pas l'âne. On entend bien derrière là. Il est ni. Ah, voilà, ouais. Venez, je vais spermer à vos sales gueules là. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Stop le film de cul. Ils sont partis. Ah bon, ouais, alors, plus, hein. Bon, alors à votre avis, lequel doit gagner? Il y avait Erwan, évidemment. Il y avait Virginie, il y a eu Marjolaine, il y a eu Nathalie, il y a eu Quentin. Et on a terminé avec Adeline. Et ben, à vous de voter, hein. Hashtag et Mickaël, 20h minuit, vous donnez vos avis maintenant. Et puis dans quelques minutes, je vous reprends tous ensemble, d'accord? Ouais. Ne bougez pas de là, tout le monde. Ne bougez pas de là. J'ai bien ma petite préférence, mais je ne vais pas influencer. Ah, mais moi, je donnerai mon avis juste après. En attendant, je vais lire quelques messages. Il y a Laura qui envoie son message qui dit: Adeline, tu étais au top, bien joué au jeu d'orgasme. Il y a DJ également, DJ Mickey. J'arrête pas de vous écouter depuis tout à l'heure, vous me faites taper des barres. Ben, tant mieux, bienvenue à toi si c'est la première fois que t'écoutes. Kali également, pour Adeline, pour Adeline, bien, elle jouit pour Mickaël. Oui, c'est vrai qu'elle a mis plus de chance de son côté. Évidemment, il y a Marine aussi. Tu gères, Mickaël. Je vous adore. Ça fait un bail que je vous écoute. Vous me faites trop rire. Je vous écoute tous les soirs. Merci, Marine. Et Nicolas également, mort de rire, le cri de l'âne. Merci, Mickaël, pour ce moment de rire. Avec plaisir. Il y a Hancock qui vote pour Adeline. Pour l'instant, ça se passe pas mal pour Adeline, mais continuez à donner vos avis. On va refaire un tour du côté de tout ça d'ici quelques minutes. Le temps d'écouter le son de Major Lazer maintenant sur Fun Radio avec Come To Me. Retour avec Bérangère dans quelques instants. Bérangère et Shanna pour donner le conseil à Bérangère. Hein. Bérangère qui s'est rendu compte que son mec avait une double vie. Allez, on fait les derniers appels de Toff également sur le nudisme. Juste après Major Lazer et Shanna Paul, c'est Come To Me maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël. 20h minuit, Mickaël No Limit sur Fun Radio. Et ouais, on est en direct sur Fun Radio, 23h32. Allez, bienvenue si vous arrivez en mode 20h minuit toute la semaine. Demain également d'ailleurs, demain on fera le canular à partir de 20h. Soyez bien à l'écoute de Fun. Et puis beaucoup de messages sont arrivés par rapport à cette simulation que nous avons eue avec Nathalie, avec Virginie, avec Marjolaine, avec Shana, non, avec Quentin, avec Adeline et puis également avec Erwan. Du lourd. Beaucoup de messages. Adeline qui dit Adeline a trop bien joué, c'est elle la tueuse. Sébastien qui dit Adeline direct plus 10 millions, je sais pas combien. Cyril qui dit je suis obligé de baisser le son car mes parents croient que je regarde des films porno. Et Valo qui dit aucun des deux garçons ne m'a fait d'effet, mais Adeline était top, je vote pour elle. Merci l'équipe pour ce faux rire. Il y a Anto aussi qui dit ah vous m'avez tué, la mort de rire, les doux qui devaient bander comme des porcs. Bah oui grave, attends, mais tu penses évidemment. Et alors un message de Maeva qui dit Mickaël, je fais partie des doux depuis aujourd'hui 20h. Exactement, mais je me suis permis. Attends, c'est quoi? Mais attends, merde, j'ai fait de la merde avec ma page. Et je me suis permis d'écouter parce que j'ai 14 ans, j'avais le droit ou pas? Ben oui, évidemment que t'avais le droit, bien entendu. Et Aria aussi qui dit ah bah je vote Adeline direct, hein, je lui tire mon chapeau, elle gère, un conseil, fais actrice porno, t'auras des bites en promotion là et concurrence avec ton cri de ouf. Bon, alors pour remettre l'église au milieu du village, Adeline. Oui. Bon, est-ce que tu peux nous en refaire une rapide? Bon, elle a une petite vite fait alors. Et n'oublie pas la photo, hein, polo de fin de radio. Ouais, arrête, on se fait. Ouais, y'a pas de soucis, les gars. Merci. Histoire qu'il puisse s'exciter. Ouais. C'est ça. Allez, vas-y. Bon, vous êtes prêts? Ah bah, nous, on attend que ça, là. Ah oui, Mickaël, ah, continue. Voilà, parfait. Ah, j'aime ça. Ah oui. Ah. Oh, cet effet que je fais au film, moi, j'ai. Ah là là. T'as vu? Hop là, j'accélère un peu, là. Ah, Mickaël, ah, continue. Ah oui, vas-y. J'aime ça. Ah, la salope, là. Je bande, arrête, là. Pas mal, là, Adeline, c'est ouf. Bon, alors, rapidement. Heureusement que j'ai dit court, Adeline. Allô, t'as moi, je vais sur YouPorn. Je suis parti, hein. Ah bah, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça, ouais. Bon, Quentin. Oui. Bon, oui. Refais-le en speed, toi, pour voir. Allez, chocolat. Chocolat, chocolat, chocolat, bébé. Allez, bébé, allez, bébé. Oh, allez, bébé, allez, bébé. Chocolat, chocolat, chocolat, chocolat, bambola. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Quentin. Ça doit être la pire simulation que j'ai jamais entendue. Stop, Marjolaine. Oui. Refais encore un petit coup, rapidement, on donnera les résultats avant minuit. Oh oui. Oh oui, vas-y. Pas mal, Marjolaine. Virginie, vas-y. Oui, vas-y. Oui, plus fort. Eh, Virginie. Oui, c'est bon. Virginie, oui. À 35 ans, t'as pas autre chose à foutre. Oh, merci, t'as pas des enfants élevés? Non, je rigole, Virginie, reste là deux secondes. Et puis, bah, Nathalie également, là, vas-y, on terminera avec le meilleur pour la fin. Nathalie, vas-y. Va plus loin encore de ton téléphone, on t'entend trop, là, Nathalie. Là. Mais il est dans sa chatte, c'est pour ça, voilà. Oui, vas-y. Oh, putain. Voilà, et on termine avec le meilleur pour l'instant. Erwan. Ouais. Vas-y. Ah oui. Ah oui, continue, vas-y. Ah oui. Il y a même eu l'écho et tout, on était au top. Je crois qu'il est tombé par terre. Voilà, vous venez de tous les réentendre. À vous maintenant de voter. Hashtag Mickaël 20h minuit. Vous mettez M-I-K-L 20H00H. Voilà. Et Mickaël, 20h minuit en hashtag donc sur le Twitter. Et puis on verra lequel d'entre eux va repartir avec le cadeau, les magnifiques dessous sexy Playboy. Y'a Box qui dit aussi Adeline, elle envoie, son mec doit bien kiffer. Par contre Quentin, c'est horrible. Je vote pour Adeline. Y'a Arnaud aussi qui dit à cause de vous, je mate des films de boules et j'écoute la jouissance de Marjo, ça donne envie. Y'a Mathis aussi, Adeline envoie du bois. Y'a quoi, Vincent qui dit posez à écouter Mickaël, tu me tues de rire. Bah écoute Vincent, tant mieux. Sébastien qui vote pour Adeline. Guillaume également. Adeline, elle a fait un super orgasme. Je la prendrai bien par derrière, la façon de parler. Évidemment, Guillaume. Et Alex aussi. Je dois baisser le son de ma radio, sinon mes parents vont croire que je suis en train de me branler. Genre, t'es pas en train de le faire, Alex. Arrête un peu ton cinéma. Bon, on fait les appels de teuf là maintenant. Allons-y. Histoire de se calmer un petit peu là. Oui, appel de teuf. On va redescendre. Bah oui, ouais, on va parler nudisme. Bah oui. Bah oui, puisque à Berlin, apparemment, il est autorisé aujourd'hui de visiter la ville nu. Mais oui, moi je trouve ça bien. Je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Ah, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bah, ça fait du bien, comme ça, t'as la couille à l'air, la bite aérée. Ça respire, quoi. Bah voilà. Exactement. La chatte au vent. Allez, grâce à tous les messages que vous avez envoyés avec les numéros de téléphone de gens très sympas comme celui-là. Toute une merde. Voilà. Eh bien, on peut appeler de nouvelles personnes. Des mails que vous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. C'est parti, on y va, on appelle. Dernier de la soirée, là, on mettra le couvert demain dès 20h, évidemment. C'est parti, on y retourne. Allez. Allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aimiez vous promener nu. Et ça vous regarde si je me promène nu ou pas? Bah oui, parce que en fait à Berlin c'est légal et donc du coup. À Berlin, moi je suis pas à Berlin là. Non mais je voulais savoir si peut-être ça vous intéresserait que ça puisse se faire à côté de chez vous. Non monsieur, écoutez, allez, tirez-vous de là. Oh, tirez-vous de là, dis donc, carrément. Oh, ouais. T'as cassé là. Ah ouais, grave. On la rappelle. Bah oui, bien sûr, on va la rappeler. Attends, hop là. Allez, on y retourne, on la rappelle. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme aimait se promener nue, monsieur. Comment? Non, je voulais savoir si votre femme aimait se promener nue, monsieur. Et ta petite sœur, elle va le beurre. Je vois pas le rapport. Mais je vois pas le rapport, monsieur, enfin. Ah, et ta petite sœur, elle balbeur. Salope. Oui, bien sûr, j'avais oublié ce petit détail insignifiant. Bon, bah tant pis, hein, malheureusement, on a trouvé personne pour se balader nu et on n'a pas trouvé de nudiste. Ouais, je suis très déçu. Ah ouais, franchement, moi aussi, déception totale. Cyril qui dit Erwan, c'est le meilleur sans hésitation, il me fait pleurer de rire. Lydie qui dit y a pas photo, c'est Adeline. Sarah également qui vote pour Adeline. Quentin pour Adeline. Stéphanie qui dit allumer sa radio et entendre une partouze radiophonique. Ça doit faire bizarre. Ah oui, c'est sûr. Il y a Kevin également qui dit demi-molle quand tu nous tiens. Adeline sans hésiter. Nadia qui dit vas-y, c'est bon encore, je fais un orgasme sur Twitter. Il y a Nicolas aussi, ça c'est de l'orgasme, c'est pas mal. Et alors, attention, nous devrions avoir aussi une petite dernière, mais hors catégorie. Hein, c'est notre ami Cristal. Ah oui, bah oui. Et la reine des salopes. Bah normal. Oui, Cristal qui est avec notre ami Jean-François. C'est dommage, on aurait dû avoir Jean-François qui aurait été un peu juge. Oui. Ah oui. Tu vois, il aurait fait partie du jury. Malheureusement, le standard est blindé, donc on n'a plus de place, malheureusement. C'est dommage. Bon, est-ce que Cristal, qui est avec nous, peut nous faire une petite démonstration d'orgasme? Oui. Bonsoir Cristal. Oui, allô? Oui, ça va bien? Mais oui, Mickaël. Bon, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration d'orgasme? Oh, je ne sais pas si je suis chaude. Non, si, je le dis. Pense que Jean-François... Attends, est-ce que... En plus, mon Jean-François est pas là. Mais si, regarde, attends, il est là virtuellement, là. Attends, bouge pas, regarde. Jean-François, viens ici, là. Jean-François, regarde. Je prends le vrai panus. Ah oui. Voilà, tu veux qu'il t'écrit son nom? Ah oui. Jean-François. Ah oh. Jean-François. Ah oui. Jean-François. Oh, j'en peux plus. Tu me suces de bien. Oh oui, tout ce que tu veux, Jean-François. Oh, démonte-moi la chatte. Jean-François. Oh oui, Jean-François. Oh oui, continue. Vous êtes de vilaine. Oh oui, j'étais très vilaine. Je crie. Oh oui, punis-moi. Ah bah voilà, c'est fini. Trop tard. Bah, elle a terminé, bah, c'est trop tard. Bon bah voilà, donc c'était hors catégorie évidemment. Hein, faut pas voter forcément pour Cristal. C'était totalement du hors catégorie. Mais Jean-François me manque. Bah oui, bah je sais bien, mais qu'est-ce pourquoi que vous pourquoi il m'appelle plus? Ah bah c'est la grande question ça. Oh, bon, je suis triste. Marjolaine, Virginie, Erwan, Nathalie, Quentin, Adeline. Ouais. Ouais. Ouais. Et ben, sans trop de surprise, hein, Adeline, victoire. Ouais, hey, ouais. Oh non mais les gars, là je suis dans la merde. Pourquoi Adeline? J'ai fait un pari avec ma meilleure amie de courir en sous-vêtements autour du collège. Eh hey, putain, fais des photos. Et on veut la vidéo. Eh hey, fais une vidéo. Ma meilleure amie, je suis en vélo, en vidéo, ouais. Ah bah évidemment, et tu m'envoies ça et ça va être énorme. Donc si tu gagnes, bah pourquoi t'as fait ça? T'aurais dû faire de la merde. Ouais, mais moi je suis une folle et j'aime les défis. Eh bah ça très bien. Bien polo at funradio.fr. Oh, qu'il est relou celui-là, là, n'importe quoi. Bon, bah du coup, tu nous enverras la vidéo ou les photos, Adeline, je suis curieux de voir ouais, ça. Y a pas de soucis. Et donc t'as fait un pari, donc si jamais tu gagnais, tu devais faire le tour du collège en petite tenue, en c'est ça? En sous-vêtements, ouais, c'est ça, en sous-vêtements, ouais. Et en sous-vêtements Playboy, bien sûr, que je vais t'envoyer. Ah bah oui, en Playboy, ouais. Bon, bah parfait, je te les envoie, je te les mets au courrier ce soir. Tu les as pour demain ou après-demain max. Et puis ouais. Bah tu me fais ça avec la petite vidéo qui va bien et avec la tenue Playboy, ok? Pas de soucis. Bon, je compte sur toi. Hein. Et ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut quand même écouter Erwan une dernière fois parce qu'il était quand bah, même il vient puissant. De partir Erwan, oh, il a raccroché, il était déçu d'avoir perdu. Bah, il a perdu. Bah reviens un autre jour, on va refaire ça la semaine prochaine. Voilà. Enfin, on va quand le refaire, on revient, quoi. Bientôt. Bah, voilà, exactement. Mais bientôt, ouais, tout à fait. Bon, Quentin, Marjolaine, Virginie, Nathalie, bah vous avez bien joué, mais malheureusement, les auditeurs ont voté et c'est sans appel. Bon, c'est pas grave, Marjolaine. Hein. Ouais. Pleure pas, tu pourras toujours faire ça avec ton copain. Mais, oh, mais oui, mais c'est rien. Allez, viens pleurer sur mon épaule, c'est pas grave. Envoie-moi ta photo. Bien oh, qu'est-ce qui est chiant avec sa photo, l'autre, là. Putain, oui, mais il en reçoit jamais. Polo, P-O-L-O, atradio.fr. Il y a une raison, là. Bon, ben, Nathalie, Virginie, Marjolaine et Quentin, merci d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez, les filles. Et Quentin aussi. Pas de soucis. Salut, je vous embrasse. À bientôt. Ciao à vous. Merci, Quentin. Bye bye. Ah, Erwan. Ouais. Tu nous refais un petit duo avec Adeline là? Oui. Allez, un petit duo hein. Adeline? Oui. Un petit duo avec Erwan. Un petit alors. Soyez allez, bon les deux hein. Alors attention, allez. On va être au top là. On dirait qu'il a accouché l'autre. Ah oui, Erwan. Ah oui. Ah mon Erwan. Ah oui. Ah oui, vas-y, continue. Ah mon Erwan. Ah oui. Ah oui, mon Erwan. Ah oui, c'est mouillé. Ah oui, côté. Ah l'autre, il est en train de se branler là. Ah, vas-y, fais l'âne là. Ah oui, mon Erwan. Ah oui, mon Erwan. Ah, j'ai le charme. Ah oui, Adeline. Putain, j'ai pas dit en fil, merde. Non, c'était Erwan, Adeline. Oui, c'était... Ah bah bien sûr, c'est pas toi. Bon, gros bisous tous les deux, à bientôt. Gros bisous. À bientôt. Salut à vous. Allez, vas-y, ouais. Une petite dédicace à tout Bourgueil, il y a ma meilleure amie Madison et à Amandine, celle que j'aime plus que tout. Très bien, oh, et on embrasse ta meilleure amie Addison, là, qui nous permettra de voir cette magnifique vidéo avec la tenue Playboy. Ouais. Salut. Vous inquiétez pas, les gars. Bisous. Ça roule, ciao à vous, bye bye. Allez, retour dans un instant sur Fun Radio avec Polo Against the Rest of the World. Si vous voulez participer à cette grande émission, eh bien, appelez, il reste plus grand. Beaucoup de place, hein. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Le dernier gagnant ou gagnant de Playboy pour ce soir, eh bien, c'est toujours avec les tenues sexy, hein, boxer qu'on vous offre pour les garçons, il y en a deux, ou pour les filles, petite culotte rose très sexy avec le petit lapin Playboy, qui t'a gagné juste après la pub. Maniez-vous, vous nous appelez maintenant, 01 42 48 5000, 02 851 4x0, ou alors vous faites un petit like et un partage de la photo des sous-vêtements sur le Facebook de l'émission. Bougez pas, on revient après ça. Love in Fun est en vacances. Mickaël nos limites. Mickaël prend le contrôle de 20h à minuit sur Fun Radio. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël de 20h à minuit sur Fun Radio. Exact, dernière ligne droite avec Polo Against the Rest of the World. Dans quelques minutes, il y a DJ Mickey qui dit j'ai passé une sale journée, mais avec vous j'ai passé une belle soirée de fou rire. Bah tant mieux. Yamatis qui dit Crystal t'aimes ça hein, et aime Maverick aussi. En parlant d'attraction, je pars à Europa Park dans deux semaines. Petite pensée à tous les fans d'Europa Park, ne changez pas, vous êtes au top. Merci beaucoup. Et puis à Maël qui dit j'ai décidé de ce soir de vous écouter jusqu'à 23h30 parce que demain je me réveille à 6h30. Oh merde, je viens de voir ton message maintenant, 20 minutes trop tard à Maël. Merde. Bon bah si jamais t'es encore à l'écoute, gros bisous, sinon tant pis. Et Jenny qui dit je les veux, please, ça me ferait de trop belles fesses. Ah oui, les sous-vêtements Playboy. En parlant de ça, et avant de faire Polo contre le reste du monde, eh bien nous allons justement appeler le gagnant ou la gagnante. Là c'est parti. Et puis Béranger, faudra reprendre demain malheureusement, là on n'aura plus le temps, mais demain Béranger, on va parler avec toi, bouge pas. Allez, c'est parti. Alors. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Coralie. Ça va Coralie, t'as quel âge, t'es dans quelle ville? J'ai 19 ans, je suis d'Arras. De où ça, d'Arras? Ah oui. Ah oui, bah, oui d'accord, ok, ah, si oui. Tu veux, pas de problème. Alors, tu t'étais inscrite pour choper les dessous Playboy. Oui. Tu veux lesquels, pour ton mec ou pour toi? pour moi. T'as raison. Bah voilà, t'as vu à quoi ça ressemblait. Hein. C'est, ah, gars, hop, l'enveloppe est déjà prête là. Ça y est, on va prendre ton nom, on va mettre au courrier. Hop là, ça va partir, tu vas voir. Donc, les deux sous Playboy, les deux petites culottes filles, évidemment, roses avec le petit lapin dessus. Eh ben, c'est pas bravo. Merci. Avec plaisir, je te fais des gros bisous. Bah moi aussi, gros bisous à tout le monde. Salut, à bientôt, ciao. On en aura d'autres à vous offrir demain, il en reste quelques-uns en stock là. Demain on remet le couvert évidemment pour la dernière de la semaine avec encore les tenues Playboy. Et puis on va, bon Bérangère. Oui. Il y a eu énormément d'appels pour toi là par rapport à ton problème. Est-ce que ça t'ennuie si on te rappelle demain en début d'émission? Et on reparle de ça, comme ça on a tout, on peut rappeler tout le monde et tout, on est tranquille. Ouais. Ça te pose pas de problème? Non. Bon, très bien. À demain Bérangère. À demain. Et puis bah du coup il y avait aussi Shana là qui voulait réagir de Bourges. T'es là Shana? Je suis là, oui. Ça va ma belle? Dis-moi. Oui, ça va. Je peux t'appeler demain? Oui bien sûr, bon, pas de problème. Parfait, on te rappelle demain aussi vers 20h alors. Comme ça on aura l'occasion de parler avec Bérangère qui était de toute façon à moitié endormie, donc ça arrange tout le monde. Et il n'y a pas de souci. Bon Shana, je te fais des gros bisous en tout cas. Bisous. Salut, à demain Shana. À demain. Ciao, bye bye. Bon, nous voilà tranquilles. Stéphanie aussi qui dit canon les. Attends, c'est Stéphanie de Belgique. Stéphanie Rose de Belgique. Ah oui, carrément, alors, on dirait une princesse. Bah Stéphanie ouais. Rose de Belgique. Sur le Facebook, il dit canon avec ça aux fesses, je serai sûr de réussir mon examen de droit notarial. Ah, hey, si tu passes ton examen avec ça aux fesses sans rien, je t'en offre deux. Ah bah oui. Je suis pas sûr que ça passe très bien par contre. Bah, je suis pas certain non plus, effectivement. Il y a Johanna qui dit balance le slip Playboy et Laura qui dit lunchy, ça se trouve à Walibi. Ah oui, j'avais posé la question tout à l'heure, en effet, effectivement. Bon, et bah 23h53, vu que le standard est blindé sa mère pour Polo contre le reste du monde, bon, on va le faire avec un peu d'avance du coup ce soir. Polo against the rest of the world. Et attention, il risque de se passer du lourd. Si vous ne connaissez pas l'émission, sachez que c'est la seule et unique émission qui est à votre écoute. La seule émission paternelle, maternelle, idéaliste, psychologique. C'est vrai. Tout est là, quoi. Et je suis là pour vous, ne l'oubliez pas. Contrairement à ce que pensent d'autres gens, ce n'est pas parce qu'on met une meuf dans une émission que ça marche mieux. Tout à fait. Je d'ailleurs, ne suis pas une femme. On va peut-être mettre une fille avec de Polo contre le reste du monde. Non, je ne veux pas de ça. Ce sera Polo et Coralie contre le reste du monde. On va voir. Non, bah non, je suis con. On va mettre. J'en ai une meilleure là. Je suis con. On va d'ailleurs démarrer dès ce soir. Polo et. Non, je veux Polo pas de ça. Polo et Cristal. Non, Against the rest of the world. Non, on ne veut pas. Je veux pas de ça. Pas de femme. Allez, casse-toi d'ici. Même on si m'énerve. Je te suce. Casse-toi, espèce de pétasse de merde, va. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. On commence tout de suite avec Renaud, le clodo. Renaud. Ouais. Ah, le clodo fort. T'es un peu énervé, Renaud, là. Toujours. Allez, casse-toi. Marvin, le retour. Ouais, est-ce comment que tu peux... vas, Polo? Bien, et toi? Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le... Comment expliquer ton histoire? Allez, rappelle ton historique. Ça fait combien de temps que tu passes? Moi, ça fait un mois aujourd'hui. Explique-nous un peu pourquoi tu passes depuis un mois. Donc moi, c'est au niveau des vieilles vannes, hein, tu vois. Donc j'aime bien raconter un peu de la merde, ouais. On dirait chez moi. Ouais. Et tu m'as dit que si j'avais pas toujours de bonnes blagues, et vu que tu me dis de revenir le lendemain à chaque fois, donc je reviens, tu vois, sans problème. D'accord. Et tu m'as dit que si j'avais pas de bonnes vraiment bien... Ouais. J'étais banni à vie de ton émission. Voilà, bah t'as tout compris. Et j'espère que les gens ont compris. Je peux me permettre un petit message qui vient d'arriver d'un certain Sébastien qui dit qu'il est grosse merde ce Polo. Ah bon bah écoute Sébastien, je te retourne le compliment. Johan, je t'écoute. Salut, je voudrais être un doux officiel. D'accord, très bien Johan, mets-toi à genoux s'il te plaît. T'es à genoux là? Je suis à genoux. Comment t'appelles-tu? Johan. Est-ce que tu es doux? Oui. Tu es sûr? Oui. Johan, insulte-toi. Je suis un connard de sa race. Encore. Fils de pute. Encore. Je vais t'enculer. Encore. Je vais te trancher la tête. Très et bien. Je vais dans un volcan. Très bien, tape-toi le téléphone contre la tête. Stop, ça suffit, Johan. Oui. Bravo, bienvenue chez les doux. Tu es officiellement un doux et tu appartiens à l'armée des doux. La grande ouais, confrérie des doux. Ouais. Johan, dorénavant, tout s'appellera le petit bouffon qui marche sur la tête. Ça ouais. Bon allez, ok. Ouais. Bon allez, dégage. Vincent. Oui, bonsoir Polo. Bonsoir Vincent. Bon, j'ai surveillé dimanche, hein, ce que tu m'as demandé. Hein. Ouais, il est un peu moche quand même le truc que tu trimbalais. De quoi? Ah, ça, oui, ça fait un peu peur de prime abord comme ça ce mec, non? Tu sais, je suis un peu avec les moyens du bord. Hein. Ah bah c'est un peu normal. Le visiteur, bienvenue. Bonsoir Polo. Bonsoir. Donc je vais venir te faire une petite visite et il faudrait que tu me sauves la vie. Et vas-y, je t'écoute. J'ai pas de sous Polo. Offre-moi une carte 18-27 ans. Je vais réfléchir à ça. Momo. Ouais, Polo. Ouais. Moi, je t'aime. Moi aussi. Hugo. Oui, Polo, mon frère. Ouais, qu'est-ce que tu veux? M'appelle pas comme ça, s'il te plaît. D'accord, mon frère. Non, je m'appelle pas comme ça, je viens de te dire. D'accord, mon frère. Qu'est-ce que je viens de te dire, Hugo? Oh, pardon. Voilà, ne m'appelle ni ton frère, ni ton cousin, je suis personne pour toi. Allez, vas-y, je t'écoute. J'ai entendu dire que cette émission, c'était une émission d'écoute et de partage. Ouais. Alors, je voulais savoir si tu pouvais partager tes cartes 18-27 ans. Très bien joué, mais je t'en donnerai pas. Renaud. Ouais. Ok, bah il continue du relais. Marvin. Ouais, donc je pense vraiment avoir trouvé ma vanne. Vas-y, attends deux secondes. Et qui est là? Allô? Allô? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Moi, je sais pas, c'est toi qui m'as appelé. Ah non, je t'ai pas appelé, moi. Ah si. T'es sûr? Ah oui. Bon, bah on s'est trompé, alors. Ciao. Vincent. Oui, Polo, je sais toujours pas ce qu'il fait. Hein. Qui ça? Bah, quand tu m'as demandé, si allez, je ne sais toujours pas. Bon, continue à surveiller le visiteur. Oui, Polo. Ouais. Alors, t'es d'accord ou pas? Non. Momo. Mais Polo, je t'aime toujours. Ouais. Bon, Momo, fous-moi le camp. Et on va terminer ce Polo contre le reste du monde. Tout le monde est prêt? Hugo, on conclut, vite. Oui, alors, si c'est pas une émission de partage, je voudrais savoir si c'est une émission d'écoute. Ouais, c'est une émission d'écoute. Alors, je peux pas faire de la pub? Non, casse-toi d'ici. Renaud le Clodo. Argent. Donnez argent. Renaud. Argent. Est-ce que tu crois que tu vas faire des vannes de merde comme ça ici? Bah non. Alors mais... casse-toi d'ici, réfléchis avant de parler la prochaine fois. Elliot. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Bah je sais pas, c'est toi qui m'as appelé. Elliot. Oui. Conclusion, je te prie. Bah c'est toi qui m'as appelé. Allez, dégage. Marvin. Deux secondes. Vincent. Oui, conclusion, Polo. Conclusion. Oui, je conclus, tu pourrais faire un message de bienvenue, s'il te plaît, pour Amandine. Non, je pourrais pas faire ça, je fais pas ça, moi. Ah bon, pourquoi? Parce que tu vas te foutre le camp et tu vas te raccrocher au nez, Vincent. Allez, hop. Non, c'est toi qui... Non. Si, si, Vincent. Ah non, j'ai pas envie. Vincent. Je peux pas avoir 20 minutes de gloire. Vincent, fais pas l'enfant. Mais je suis pas un enfant, Polo. Vincent, ne fais pas l'enfant, raccroche-toi au nez vite avant que je m'énerve. Ah, non, mais s'il te plaît, c'est à bon, toi. Bon, allez, casse-toi d'ici, le visiteur en conclut. Wesh ma petite poule, Polo, allez assure, je viens à Paris, sérieusement. J'ai rien, sérieusement, j'ai pas une thune. La vie de ma mère se monte à Paris en plus, c'est vrai. Non mais c'est bien, mais j'ai pas d'argent, Vincent. Ah ça va coûter 200 euros alors que je peux avoir une carte. J'ai pas, le visiteur, je n'ai pas de carte. Mais tu dis à Sandro ou à Mickaël qu'elle me l'envoie. Allez ma petite poule, allez ma caille. Appelle Mickaël demain. Ah Mickaël, je t'aime Mickaël, à bien je t'aime. Oh t'es mon frère. Le mec qui retourne sa veste à chaque fois. Elle est mon frère. Fous le camp d'ici, on va conclure avec Marvin. Marvin, conclusion. Oui, donc là j'ai vraiment ma blague. D'accord, et bah tu reviens demain pour la faire. Je suis ravi et je suis très content pour toi. D'accord Marvin? Je te pose la colle. Allez, ciao, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui l'ont écouté et merci à, surtout à ceux qui ne l'écoutent pas. Car grâce à vous tous les soirs je suis numéro 1. Et ça c'est beau. Et nous en sommes à 150 milliards. Un milliard. On a passé le milliard de connectés sur le Facebook. Un milliard de connectés sur Facebook. De et fans. Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est beau, merci effectivement. Et oh là là, quel talent. Bon, il est minuit, tout pile, à la bonne heure, nickel. Dans quelques minutes sur Fun Radio, eh bien, nous connaîtrons, bah, même maintenant, tiens, le top tweetos. On va savoir quel auditeur a été le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël 20h minuit. On va donc faire le top 5 maintenant. Et c'est le numéro 1 qui repartira avec les dessous Playboy pour garçon ou pour fille, si évidemment il ou elle n'a pas encore gagné. Numéro 5. Ça vient. Enfin bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Non mais ça vient. Alors ça vient, ça va? Bah ça vient. Ça vient, ça vient. Oh là là. Alors ça vient. Bon bah alors y a rien alors. On n'aime pas le bleu là. Ah bah ça y est. Bon alors avec le hashtag Mickaël 20h minuit, comment ça se passe? Alors. Numéro 5. Alors numéro 5, nous avons Lilou. Oui. Numéro 4. Guillaume. Numéro 3. Fan de fun. Numéro 2. La bouteille du 19. Et numéro 1. Nadia Le Prince. Qui a déjà gagné. Bah oui. Donc c'est la bouteille qui a déjà gagné. Ah non, je crois pas. Que, je crois que la bouteille du 19. On a pas bouché la bouteille. Ouais, la bouteille n'a pas encore gagné. Bravo la bouteille du 19. Eh ben on va t'envoyer les dessous pour homme. A priori, je crois que c'est un mec, la bouteille du 19. Oui, c'est ça. Les bouteilles. Les deux boxers Playboy pour toi. Bravo à toi. On remettra le reste évidemment en jeu dès demain à partir de 20h. Exactement. Et on va se quitter avec le générique de fin. C'est parti. Allez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, off te sucer, toi l'enculé. T'aimes tel enculeur, t'encules ton nom. Qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Et car c'est toi qu'encule ton nom, que t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Fais chier la femme. Oh. Bon. Non, mais alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Si tu veux, face de sodomie, t'as. Ta mère, c'est une grosse salope. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Quel cochon. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Ils perdent tes une à travers les deux yeux, moi, tu vas voir. Je vais te demander que c'est qu'elle éteint la lumière, connard. Enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites à te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur. Mais toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Eh ben voilà, on se retrouve demain nous à partir de 23h, de 20h pardon, le vieux réflexe. À partir de 20h en direct sur Fun Radio. N'oublie pas d'aller voir la vidéo de notre venue, enfin de la venue de Playboy, de toute la team Playboy dans l'émission. C'était lundi. On va remercier également Xav44 qui est arrivé ce soir avec son message. Il y avait Amandine également, la bouteille du 19 qui a gagné, bravo à la bouteille du 19. Nicolas qui vient de débarquer. Il y avait Karine également, il y avait également Tom, il y avait Brian, il y avait qui encore d'autres qui étaient connectés. Denis aussi, il y avait Cyril, il y avait bah, le Pras Nadia bien entendu, Willy qui était là, il y avait Abdou et tous les autres. Merci comme tous les soirs d'avoir été aussi nombreux à écouter l'émission. On revient demain pour la dernière de la semaine avec le canular du jeudi. Attention, ça va être du lourd pour ceux qui ne connaissent pas. Rencard demain, gros bisous, merci d'avoir écouté Fun. À demain tout le monde, ciao. Pendant que le doc sauve des vies, que Karima sirote des cocktails à Miami et que Karel se repose en Normandie, Mickaël est là. Mickaël 20h minuit, Mickaël No Limit sur Fun Radio.